With protection. That bad girl wicked. Anyway, me dem make the man tan sick. Dem a bad have a bambi, dem want give me dicky. Nazaki black and Jane at the club. The one in us girl fit one by the dicky. Light up the oak and drink some rum. Link up the girl, dem be get some fun. And we make the girl, dem giddy man bun. And look at run the plate, Gigi stand on. On est où là? Pour une paire de fesses, nous on trahit pas les nôtres. On est où là? Nous n'encaisse le plaisir, on trahit pas les loups. Oh, yes, alléluia. Ouloulou. Ouloulou. Nous posons des bouteilles, équilibré. Nous on veut que l'oseille, équilibré. À quand le jour de la paix, équilibré. En vrai, on s'en bat les couilles, équilibré. Ah, ah, ah. Me make the girl turn freaky. Equilibre. Them a fi wine pon the dicky. Equilibre. Throw them fire like the city. Equilibre. Des femmes on s'est trop tôt et les belles filles si on t'aime sans goé. Hey, on est trop logo. Bang bang rafale en moto. Qui prend les rênes ce soir c'est la street. Dans le carré VIP négé c'est la street. Qui envoie de la pomme de pomme c'est la street. Ce soir c'est de la balle, le balle c'est la street. Ouais. On est où là? Pour une paire de fesses, nous on trahit pas les nôtres. On est où là? Nous n'encaisse le plaisir, on trahit pas les nôtres. Alléluia. Ouloulou. Ouloulou. Nous on pose des bouteilles, équilibré. Nous on veut que l'oseille, équilibré. À quand le jour de la paix, équilibré. En vrai, on s'en bat les couilles, équilibré. Ah, ah, ah. Me make the girl turn freaky. Equilibre. Them a fi wine pon the dicky. Equilibre. Throw them fire like the city. Equilibre. Ah. See me in a the club, be a girl me a fuck. Talk them a talk, but my dubs them strong. That one day wicked, somebody a fi drop. Open the door when the guns them a knock. Vous êtes sur Énergie, belle soirée. Vince arrive dans quelques petites secondes. D'ailleurs, je peux déjà vous annoncer en première le sujet de ce soir. Quelle est la chose qui vous fait péter un câble? Par exemple, moi, c'est quand Vince est en retard. C'est le cas de nouveau ce soir. Non, je rigole. Il est là, il est juste à côté, il va arriver dans moins de 2 minutes. N'hésitez pas à réagir vous aussi. 0492 222 002. C'est le numéro de WhatsApp, comme lui dit Nigel. Je vous retrouve demain à 20h. Ciao. Sur Énergie, on vous joue vos hits préférés sans s'arrêter. Dans la playlist Énergie. Chaque jour à 9h et à 20h. C'est vous qui programmez. Vous qui décidez. Vous choisissez les hits de votre radio préférée. Les hits Énergie, c'est vous qui les choisissez. Créez maintenant votre sélection musicale gratuitement sur énergie.be. La playlist Énergie, inspirée par vous. If you give me the word. And it's killing me. You don't pay me no mind. Yeah, you've been sleeping on me. Don't sleep on me. Me. I had a crush on you, but you never acknowledged me. That when you see me, you act the fuck up. Boy, good luck, I'm chucking my new stuff. Ceci est un message d'urgence publique à l'attention de tous les auditeurs d'Énergie. Le programme qui va suivre peut s'avérer dangereux pour votre santé mentale. Nous déclinons toute responsabilité sur les dommages causés à votre cerveau. Nous déconseillons aux enfants d'écouter cette émission. Mais vous pouvez nous écouter en cachette de vos parents. Vous êtes des centaines de milliers à le faire. Nous déconseillons aux adolescents d'écouter cette émission. Sauf s'ils veulent entendre des histoires coquines et gagner des cadeaux, car leurs parents sont radins, ou que vous avez la flemme d'aller vous trouver un job étudiant. Nous déconseillons aux parents d'écouter cette émission, car vous pouvez griller vos enfants, parler de vous à l'antenne. Non, je ne crois pas, non. Nous déconseillons à la police d'écouter cette émission, car vous vous sentirez obligé d'intervenir dans les locaux d'Énergie pour arrêter cette équipe de déjanter. Nous déconseillons aux patrons d'Énergie de nous écouter, car ils n'ont pas signé pour une émission qui ne finit jamais à l'heure. Nous déconseillons au CSA de nous écouter, car ils vont se marrer. Nous conseillons aux pompiers d'intervenir, car Vince et toute sa team vont mettre le feu ce soir. 21h minuit, du lundi au vendredi. Vince sur N. Oh my gosh, mais que se passe-t-il? Mais calmez-vous. Je vous demande de vous calmer. Je vous demande de vous calmer. Peuple de Belgique, bonsoir. L'émission n'a même pas commencé, qu'il y a plein de messages qui arrivent sur le WhatsApp, c'est incroyable. 0492-222-002, Anna-Maria est connectée, il y a Addison qui est dans la maison, il y a Titi qui est dans la maison sur Énergie. Et bien sûr, comme on commence toujours cette émission, Vince est dans la maison. Bonsoir tout le monde, bonsoir la Belgique entière, bonsoir le Luxembourg qui nous écoute tellement nombreux. Et bonsoir à la demoiselle de cette émission, c'est la seule, oui, elle est unique, elle est là, elle s'appelle Lara. Oh, c'est Lara, toi-même tu sais. Yeah, ça va Lara. J'ai une pêche. Mais je constate, oh, effectivement. Une pêche de ouf. Tu vois, elle a dit j'ai une pêche, elle a bien serré le poing, tu vois. Genre, c'est quelqu'un qui a fait le mal avec moi ce soir, il ramasse un œil au bord noir. Ah, okay. Hier, j'avais pas la pêche, mais aujourd'hui j'ai la pêche. Ouais, hier, elle est arrivée en retard. Ouais, mais voilà. Et alors, aujourd'hui, j'ai un pot de pêche. J'ai une idée pour le début d'émission, ou alors en coulisses. De quoi? Mais on devrait avoir un espèce de cri de guerre, où tu vois, comme les artistes avant les concerts. Yeah, be humble, je sais pas quoi. Non. Et du coup, j'ai trouvé notre cri de guerre. C'est quoi? On se met en rond, tu vois, c'est les Américains qui prient avant le show. Tu veux faire genre comme dans Koh-Lanta avant de faire une épreuve et tout? Je sais pas, ouais, genre, oh putain. Azik. Sauf que nous, ça serait V-I-N-Z, que je meurs si je fais de la merde. Oh joli! C'est pas mal! Et bam! C'est pas mal ça! Voilà. Et en fin d'émission, on fait le bilan. Ouais, vas-y, c'est parti! V-I-N-Z! Que je meurs si je fais de la merde! N'importe quoi! Quoi? Ça va, ça le fait, c'est drôle. Merci Lara pour cette proposition comme ça qui met la pression dès le début de l'émission. Est-ce qu'elle est acceptée? Elle est acceptée, c'est validé! Ouais! V-I-N-Z! Que je meurs si je fais de la merde! Voilà! Que je meurs! Que je meurs si je fais de la merde! Si je meurs, c'est que je fais de la merde, ça marche aussi. Il y a Nadjol qui est là aussi, salut Nadjol. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Ça va et toi? Ben moi ça va très bien, les examens ça se déroule très bien, j'aurai mes points, ben je suis en avril. Ouais, je suis dans une école chelou, j'aurai des points en avril, du coup ouais, ben là je pense que ça se passe bien, ouais. Ah bah tant mieux alors, c'est bien. Et continue ma gorge comme aussi, elle va mieux, du coup je vais pouvoir rigoler. Ouais, parce que le pauvre, dès qu'il se met à rigoler, lui qui rigole toujours pour rien dans cette émission, bah, il se met à tousser, à cracher ses poumons. Ouais, de ouf. Incroyable. Là je vais cracher des vannes. Et puis du côté du standard, ils sont là, ils sont prêts. Il y a Thibaut qui a pris ma place dans le parking, hein, sans vergogne. Sans peur, sans reproche, directement. Calife à la place du calife, directement. Ah, Thibaut. Avec dans le micro tout droit et. Parce que c'est bizarre, ton micro est branché pourtant là. C'est un nouveau micro qui fonctionne pas visiblement. Sérieux? On m'entend pas? Il fonctionne pas, ton micro est allumé chez moi de mon côté. C'est une grosse blague. Non, non. J'adore, il a voulu vérifier, il a touché doucement. Il a fait ça, il a fait. Voilà, non, je te jure, le micro est allumé. Bah, tu parleras pas, quel dommage. Ouais, bah, il faut que tu cries alors. Pourquoi t'as pris ma place? Bah, parce que j'arrive à 16h et du coup, il n'y a pas de place dans le parking avant. Bah, bah, tu te gardes pas. Bah, attends. Tu te mets en double fil. La question, c'est Vince, t'as une place? Ouais, j'ai une place, ouais. What the fuck? Lara, elle parle, elle a une place aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà, il y a même une place pour ta trottinette si tu veux, Nigel. Ah, cool! Voilà, mais malheureusement, il faut qu'on casse l'entrée du parking pour ça. Ah ouais, ouais, ouais, c'est chaud. Il passe pas à travers la porte. C'est compliqué. Hein, ouais, c'est vrai, ouais. Bon, on a Eddy, ça va Eddy? Ça va bien, mais pourquoi le micro fonctionne pas? Bah, je sais pas, va falloir faire avec, hein, désolé. Je pète un câble! Hey! 1, 2, Polizei, 3, 4, les amis, merci pour tous ces messages. Il y en a des tonnes qui arrivent. Il y a Carlo qui est là. Là. Carlo est dans la maison. Il y a Gamzou connecté aussi. Michael, Balint en crédit. Voilà, c'est Balint. Et dans la maison aussi. Et il nous aura pas beaucoup de messages. Bah, merci à toi, mon pote, pour ton message. Valérie aussi, là. Big up à l'équipe, là. Valérie de Mortrou qui est présente. Il y a Maël de France. Bonsoir, Vince. Lara Belle Rose, Nigel. Est-ce que je peux passer? J'ai le smile de Lara, une chanson oh d'elle. Oh my god, mais ces gens sont incroyables. Ah ouais, je mettrai ça tout à l'heure, il n'y a pas de problème. C'est le bonheur total. Oh, salut Omar, bien sûr, qui est connecté. Il nous dit bonsoir à la type. Omar est dans la maison. Alice aussi est dans la maison ce soir. Il y a John. Vince, lorsque je me connecte sur la radio, ça ne fait que diffuser une pub pour De Crefel. À mon avis, c'est sur energy.be, je crois que c'est les petites pubs là dans d'intro là. Donc normalement ça devrait fonctionner, du moins j'espère. Dites-nous si vous nous écoutez, comment vous nous écoutez, est-ce que c'est en FM, est-ce que c'est sur le web, sur l'application Energy Belgique ou alors sur energy.be. Venez me le dire sur WhatsApp les amis, 0492 222 0022. On salue Dimitri, Zaïd, Ahmed, Tania aussi qui est connecté, Kevin qui est dans ses cahiers. Ouais. Encore les examens à mon avis. Hein. Gabriel est dans la maison sur Energy. En Energy, exactement. Vince, moi radio là de la part de Tania sur le 105.4. Ah oui, voilà, ça fonctionne super. Tant mieux, t'es connecté. Crispy, c'est dans la maison. Dimitri, Vince, je t'écoute sur ma Xbox One. Oh, ah bon, on peut faire ça? Ouais, comment tu peux. Fait hein. Ça avec la PlayStation, j'arrive pas moi. Mais si, mais tu vas juste sur le site, enfin sur internet. Je vais sur energy.be avec l'internet de ma PlayStation, j'arrive pas. Sérieux? Essayez sur votre PS4 si vous avez, si possible. Vince, aujourd'hui, je suis chez ma mamie, du coup, c'est mon téléphone, mais d'habitude, c'est sur la radio. Ah, bah, ça reste une radio, hein. Enlève-lui son dentier. Cliché. Vince, on est dans la maison et on t'écoute avec nos oreilles. Bah, ça, j'espère bien, pas avec ta bouche, hein, ce serait bizarre. Ah, Vince, en FM, moi, sur l'application. Vince, je t'écoute sur la radio de Montel. Alex, dans la maison, là. Faut installer TuneIn. Ah, ouais, il y en a qui nous écoutent sur TuneIn, l'application. Ah, oui, c'est vrai. Ça marche encore, ça? Ouais, ça fonctionne toujours, effectivement. Il y a Shaima qui est connecté aussi. Et les amis, ce soir, topo de l'émission, de quoi est-ce qu'on va parler? Alors, on commence par les dossiers. Ce soir, on va parler des choses qui vous font perdre le contrôle. Qu'est-ce qui vous fait péter un câble? Des choses dans la live, là, comme ça, qui vous font littéralement péter un plomb sérieux, comme ça. Qu'est-ce qui vous met hors de vous? On va faire un petit tour de table, on va vous poser la question, on vous la pose déjà aussi à vous. Si vous voulez réagir, 0800-23456 ou alors sur le WhatsApp. Qu'est-ce qui vous énerve et vous fait vraiment péter un câble? Vous n'avez jamais participé à l'émission? Vous pouvez le faire, comme je vous l'ai dit, sur WhatsApp, avec le numéro de Richard. 0492-222-002. Richard, c'est la voix d'énergie, en fait. Hein. Ouais, c'est pas vraiment son numéro, j'allais c'est le ça. Dire. C'est pas le numéro de Richard. C'est pas Richard 21h sur énergie. 0492-222-002. Voilà, ça, c'est le numéro de téléphone. Vous ajoutez ce numéro à vos contacts. Et dès que c'est fait, ben, tranquillement, vous pouvez nous envoyer un message. Qu'est-ce qui vous met hors de vous? Tout à l'heure, on va parler de la proposition de Vitamin Water, là. Il faut un gros concours. Si pendant un an, tu vis sans ton smartphone, tu gagnes 88 000 euros, 100 000 dollars. Ouais, c'est un truc de ouf. Combien tu perds si tu vis sans ton smartphone? C'est ça le problème. Ouais. Enfin, si tu vis, oula, attends. Ouais, non, combien tu vis sans? Si tu vis avec ton smartphone, plutôt. C'est cool. Si tu n'utilises pas de smartphone pendant un an, eh ben, tu gagnes 100 000 dollars. Voilà. Wow. On en parlera tout à l'heure. Est-ce que vous seriez capable de vivre sans votre smartphone? Ce sera pour tout à l'heure sur Energy. Le TTFX, qui est le test ton futur ex. Un jeu que j'ai retrouvé dans mes cartons, là. J'ai croisé, j'étais avec un auditeur et tout en voiture. C'est un chauffeur Uber que je salue d'ailleurs. Et qui me dit, ouais, il y a un truc que moi j'aimais bien et tout ça. Je fais, tu sais quoi, juste pour toi. Et eh ben voilà. Et en fait, il n'y a pas que pour lui, parce que ce qui est ouf, c'est que j'en avais reparlé un petit peu dans l'émission. Il y en a plein qui ont voulu qu'on le refasse pour les auditeurs qui nous ont découvert avant le 27 août. Ouais. Puisque c'est pas notre première année de radio, hein. Ça fait 10 ans qu'on fait ça. Et eh ben, il n'y a aucun problème, les amis. On va faire le TTFX. Ce soir, Lara va tester la fidélité d'un gars. Ouais, comme ça, quoi. Voilà, exactement. Voilà. Merci. Ouais, gros classique, ça. Le Dragophone également. Le Check pas ton snap est prévu pour ce soir. Dragophone, il faut tenter de se faire inviter. Check pas ton snap. C'est un auditeur ou une auditrice qui envoie un snap de sa personne, un petit peu dénudé. Oh. On n'envoie pas des nudes, hein. On ne demande pas d'envoyer des nudes, mais légèrement dénudé avec le prénom de son ex. au lieu que ce soit le prénom de son copain et de sa copine. Ouais. Et puis tu l'envoies, et alors là, attention, on fait un petit test sociologique, on demande, ne check pas ton Snap. 99%, ou je devrais dire jusqu'à maintenant 100%, ouais, 100%, ils ont toujours checké leur Snap. C'est ça qui est ouf. Et ça va arriver tout à l'heure sur Énergie. Et merci pour tous ces messages. Il y a plein de nouveaux là. Salut Vince, je suis chauffeur de bus à Namur et on t'écoute avec tous les clients. Grosse dédicace à tous les collègues. Je tombe malade, moi. Ça va, entendu... avec ta voix là. T'as entendu ma voix? Elle fait. Non, c'était de la morve. Non, je te jure, j'ai un peu la gorge bizarre là. On a Wissem qui est là. Salut Wissem. Wissem est dans la maison. Oh my god. Oh, oh yeah. Ça va Wissem? Bien, tranquille. Ah, Wissem, t'es le fameux Wissem que j'ai croisé week-end. Le seul et l'unique. Ah oui, enfin, de là à dire le seul et l'unique, je sais pas, mais en tout cas, Wissem, c'est un auditeur très fidèle qui nous a rendu, que j'ai croisé, je pense, quand il y a le 6-9 qui avait vite fait une émission en public et tout. Ok. Il y a quelques mois de ça, il me semble, Wissem, j'ai fait la connaissance de sa famille, tout ça. Et Wissem, il m'a rejoint à Greenwalk, organisé par la chaîne YouTube belge, la Would You React, là, qui ont presque 1 million d'abonnés. Ok. La Greenwalk, on a ramassé les déchets. Et d'ailleurs, merci à toi, Wissem, d'être venu. C'est vraiment cool, mon pote. Oh, sans problème, avec plaisir. C'était très cool. Alors, toi, tu vas nous raconter dans quelques minutes le truc qui t'énerve, mais qui te met hors de toi et qui te fait perdre le contrôle. J'adore. On en parle dans quelques instants, ça va? Sans problème. Formidable. Qu'est-ce qu'il y a là? Mais c'est tout à fait normal qu'il ait été là, à la Green, je sais pas quoi. Pourquoi? Mais parce que qui récolte Wissem. C'est quoi, vas-y. C'était la première fois de la race ce soir. Hein. Non, elle était pas dans le bon ordre en fait, parce que maman, c'est qui s'aime, récolte. Voilà, c'est comme c'était bizarre. On va accueillir François dans quelques minutes. Dis-nous ce qui vous fait péter un câble, le genre de fan de Lara. Moi, ça me fait péter un câble. Avec Recovery. Et la pauvre, on parle sur elle, on la respecte même pas. Allez, on va laisser le son. Il est 21h11. Et vous connaissez l'adage. Vince est dans la. Can't stop sleeping in your clothes. You can't stop calling on the phone. Can't you see? Tell me that you care. I'm finally sober. I see the light. The worst is over. Au vendredi. Dès 21h. Aïe, aïe, aïe, aïe. Et sur Énergie. C'est le aïe, aïe, aïe, là, c'est genre... T'as vu que genre... Eh, ma belle, puis il se cogne le petit doigt de pied, là, sur une armoire. Aïe, aïe, aïe. Allez, welcome sur Énergie, 21h15. J'espère que ça va bien, que la journée s'est bien passée et qu'enfin c'est bientôt la fin des examens pour tous ceux du secondaire là. Ouais. Ceux qui sont au collège, au lycée. Ouais, logiquement, demain maximum c'est leur dernier examen. Putain, j'espère, parce que quand même là, jeudi, le 20. Tu sais, l'idéal hein, c'est que ça termine aujourd'hui. Ouais, vraiment. Genre, ouais. Pas d'examen, tu vois, à partir. Dès que tu commences à atteindre le chiffre 20 au mois de décembre, c'est trop dans les vacances, c'est trop ouais, Noël, c'est on y est, quoi, tu vois. Il faut laisser des jours pour les jeunes, les étudiants, aller s'acheter des cadeaux avec l'argent de papa, l'argent de maman, l'argent des braquages. De pardon, t'as dit quoi? Ils donnent moins de cadeaux qu'avant. De congés, pardon, les écoles. C'est vrai? Ouais, ils. C'est toujours deux semaines quand même. Mais ils commencent à enlever quand même. Arrête, ils enlèvent. Ouais, ouais, ils aiment bien, ouais. Ah non, c'est pas cool ça. Ouais, ouais. Mais non, mais c'est retour le 7 à l'école, on est d'accord. Bah pour l'UNIF, ouais, après pour les petits, je sais pas. Non, pour l'UNIF, ouais, non, pour le secondaire aussi, pour les petits. Toi, tu dis les petits, toi, il y a des gens en réto. Hein. C'était en réto il y a pas très longtemps, toi, ouais, c'est lundi 7. Bon, on va pas parler de la rentrée, les amis, on est là pour passer par les vacances, pour se détendre. Voilà, se. Qu'est-ce allez, qui t'arrive? Pour se faire plaisir, pour. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je croyais que t'avais eu un chat dans la gorge pour non, se. Non, du tout, non, non, pour se. Voilà, pour se dépenser, pour penser à d'autres délires. Il y a Cindy qui nous envoie une autre vocale. Oh, dis-moi, il est dans la maison. Tu t'appelles jamais Cindy, toi, c'est pas possible. Et je suis sûr que c'est les mecs qui prennent le téléphone de leur copine là pour envoyer des messages. Erwan est dans la maison aussi. Il y a David là qui nous envoie une petite note vocale là. Vince, qui est dans la maison? Et oui, c'est bien Vince ce soir. Allez, bonne soirée à vous, à la team. Et merci, mon pote. Geoffrey aussi est connecté. Geoffrey et Jess sont dans la maison. Sur Énergie. Merci, Emily qui est connecté. Il y a plein de nouveaux ce soir d'ailleurs. Hein. Thomas est dans la maison. Salut Thomas le nouveau là. Alors qu'on me réponde jamais au tel. Alors il y a quelqu'un qui m'a envoyé pour premier message 53-60. Alors essayez pas de nous appeler, on utilise sur WhatsApp. On décroche pas le téléphone en fait hein, parce que si on commence à décrocher, on paralyse le WhatsApp malheureusement. Ça nique la 4G donc du coup vous savez de quoi il en retourne. Envoyez des messages sur WhatsApp les amis. Il y en a qui terminent demain et puis il y a les autres écoles et les unifs qui commencent le 7 janvier jusqu'au 25. C'est vrai ça. Ouais. C'est le cas de Nigel ici autour de cette table. Exactement, d'ailleurs. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui vous énerve le plus? Qu'est-ce qui vous fait péter un câble, les amis. On en parle avec Wissem qui est là. Allô Wissem, est-ce que tu nous reçois toujours? Ouais, je suis là. Alors, c'est quoi le truc? Maison! C'est quoi le truc qui t'énerve, toi, qui te met, ouais, qui te fait péter un plomb? Ah, c'est un truc simple, c'est quand je suis calme qu'on me dise calme-toi. Ah ouais, mais ça, c'est ouais. Normal. C'est un truc, ça. Je deviens enragé, je suis capable de mordre. Ouais, mais par contre, Wissem, calme-toi. Putain, c'est Suarez. Non, mais Wissem, juste une question. Si quelqu'un te dit calme-toi, ça veut dire que éventuellement, peut-être que tu n'es pas calme. Si, je suis calme, mais je suis un sanguin, donc je parle avec les mains. Eh ben, reste calme. Ben, calme-toi alors. Ouais. Mais je peux comprendre, parce que tu sais, parfois t'es normal, tu t'expliques quelque chose à quelqu'un, tranquille, et après cette personne te dit arrête de te mettre en colère, arrête de te fâcher. Mais je suis pas fâché. Non, mais ça, je sais, c'est quoi? Ça, c'est quand elle est là. C'est une femme, c'est les femmes avec les hommes. Exactement, ouais. Exactement, ouais. Mais bah c'est ouais, vraiment mais ça. C'est ouf, hein. Mais oui, mais parce que je sais pas quand. Mais on n'est pas fâché? Ouais, mais c'est le ton qui change, c'est le volume. Le ah volume ouais. De la voix et le ton. Et donc, on devient pragmatique, on. Voilà, ouais. On est fâché, quoi. Mais on se fâche pas du tout. Non, on durcit le ton légèrement, ouais, mais on n'est pas fâché. Durcir le ton, c'est deux mots qui font vraiment pas plaisir, quoi. Bah, durcir le ton, je sais pas. Bah, ça dépend durcir si tu veux le manger cru ou pas. Ouais, pucher les manches aussi, tu vois. Enfin, je sais pas. Durcir le ton, voilà, non, quand on explique les choses. Bah, par exemple, on est au IKEA avec ma copine et tout. Et après, elle me dit, ouais, il faudrait ce meuble-là. Et puis je dis, écoute, je pense que quand je la suis, c'est genre ouais grave, t'as raison. Ou sinon, quand je suis pas d'accord, je dis écoute, je pense qu'il faudrait plutôt prendre le meuble qui est là, parce que si on prend ce meuble là, il va bien correspondre au niveau mètre. Alors du coup, dès que j'explique les choses, c'est mais arrête de fâcher. Mais je suis pas fâché. Ouais. Et alors quand je l'entends une deuxième fois, genre mais si t'es fâché, là je te jure, là je me fâche vraiment. Non, genre, ouais, c'est ça, hein. Je comprends pas ça. Je me dispute avec mon mec, je sais pas pourquoi tous les jours. Arrêtez tout le temps de juger, de fâcher, quoi. C'est ouf. Moi, c'est ça qui m'énerve. Un peu comme toi, Wissem. Toi, c'est un peu le même délire, quoi. Voilà, quand on dit mais reste calme, tu vois. Ouais, mais alors je connais beaucoup de femmes qui sont dans des corps d'hommes, alors. Hein. Si tu parles avec eux, mais calme-toi. Elles sont encore belles, bah oui. Il y a des femmes qui sont sanguines aussi. Hein. C'est quoi le truc qui te fait péter un câble, Lara, ouais. Les chiens qui aboient à 8h du matin, genre. Ça t'énerve, ça, ouais. Lara, à 12 mois avec des cris, là. Vous avez des cris de chien. On dirait Gremlins. Tu sais. Ouais. Ok, justement, ça c'est énervant. Voilà. Tu vois, c'est énervant. Mais toi, je t'ai jamais vu péter un câble. Non, y a que les animaux. Y a que les animaux qui te font péter un câble. Eh, moi, la vie de ma mère, des cocoricos, là, des coques. Mais tu vois. Ah, mais c'est vrai, mais t'habites encore en campagne, non, c'est pour mais ça. C'est pas non, grave. Mais frère, à 5h du matin, cocorico. sais quoi, moi je préfère ça plutôt que le bruit des voitures qui klaxonnent parce qu'ils savent pas se garer ou qui veulent sortir de leur parking et tout. Ça me saoule. Des fois, les travaux à 7h du matin. Ton voisin, il attend le dimanche, évidemment, pour mettre ses cadres. Normalement, le dimanche, t'as pas le droit, selon la loi. Mais moi, j'ai eu ça pendant 2 ans, moi. Oh, c'est relou, ça. Non, mais moi, c'est dans ma rue, du coup, c'était un bruit intenable. Mais rappelez-vous, quand on bossait ensemble. Ouais, c'est vrai. À chaque fois, ma rue, elle était bloquée. Ouais, ils ont refait tout le revêtement de ta rue, là. Ouais, tout l'asphalte. Pendant 2 ans, chaque matin, à 7h. C'est pas la pire des choses. Si, mais s'il vous plaît. Pourquoi? Surtout qu'après, il s'arrête à 9h. Tu te dis, mais pourquoi commence ouais, pas à 9h? Ouais, exactement. Vin, c'est quoi le truc qui t'énerve le plus? Moi, ce qui m'énerve le plus, bah, c'est aussi ça, c'est quand on me dit, t'es fâché. Ça m'énerve. Tu vois, je suis pas fâché, mais on me rend fâché parce qu'on m'accuse d'être trop fâché. Ça t'énerve de ouf? Ça m'énerve. T'étais fâché alors? Non, j'étais pas fâché. Si. Non, j'étais, puisque je te dis que t'es pas fâché. Arrête de tu vois, fâché. Là, tu t'énerves. Mais je suis pas fâché. Si, t'es fâché. Et, alors, Vin, moi, mon homme, quand il me boude 100, tu boudes ou pas ah oui, il te dit 100 fois tu boudes ou pas. Non, mais c'est parce que vous, les femmes, vous avez, alors on va basculer vers les femmes, mais vous avez cette tendance à montrer quand vous êtes quelque chose vous irrite. Bah ouais. Et on vous pose la question et on vous dit tu boudes. Non, pas du tout. Non, il y a rien. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose et vous le faites bien comprendre. Mais c'est là qu'il faut donner encore plus d'amour. Ouais, c'est ça. C'est trop facile à un moment donné. Ouais, tu viens pendant une heure, t'as rien. Non, j'ai rien. Non. Après une heure, elle s'est dit hey, sale fils de pute, t'as fait ça. Va parler avec ta salope là-bas. Ouais, c'est ça, parce qu'à un moment donné, vous pétez un câble. Vince, moi, ce qui m'énerve, c'est ma sœur qu'on m'a envoyé là. Vince, mon premier message. Mais rassurez-vous, je vous écoute tous les soirs sur Energy. Je m'appelle Mathis. Vous êtes super. Merci, Mathis. Merci. Ça fait un petit moment en plus qu'il est avec nous là. Vince, mon papy, il déteste quand je ne l'écoute pas. Petit message qui était envoyé avec Donald. J'aime mon papy, il est trop marrant. Oh, bisous à papy. C'est mignon, ça. 21h21, les amis. Hop là. Ouais, on a François qui vient réagir dans le standard là. Salut François. François est dans la maison. François, c'est quoi le truc qui te vénère mais direct toi? Ah bah c'est tous les usagers de la route moi. Oh purée, je les ai oubliés. Je les ai oubliés ceux-là, c'est incroyable. Tu vois là je suis dans mon studio, je les ai oubliés. Ces gens là qui avancent pas quand le feu est vert. Bah tu sais quoi? Ouais bah attends, il va nous expliquer. C'est quoi ta situation François qui t'énerve le plus? Parce que les usagers de la route, ok. Moi je vais te dire un truc qui m'énerve de ouf sur la route. C'est sur l'autoroute, la voiture qui reste au milieu et qui roule à du 100 km/h. Ah oui? Ah non mais la personne qui monopolise la bande centrale alors que normalement tu dois te rabattre sur la droite et tout ça. On roule à droite et on dépasse à gauche. Voilà, on dépasse à gauche, elle reste au milieu et cette caisse elle roule à du 100 alors que t'as des voitures qui sont à 110, 120 sur la bande de droite. Relou. Et donc moi tu sais, je leur fais comprendre, je dépasse jamais par la droite parce que c'est dangereux. Ils comprennent pas. Mais ce que je fais c'est que j'arrive, elle comprend parce que si tu regardes dans ton rétro, après t'es sur l'autoroute, tu regardes dans ton rétro. Donc j'arrive à sa hauteur, je lui fais comprendre, fais gaffe, tu es sur le point de dépasser par ta droite. Parce que t'es trop lent comparé à toutes les autres voitures. Ouais. Donc moi je la redouble mais de manière colère et je me rabats sur la bande tout à droite pour lui faire comprendre, regarde, je ne reste pas au milieu comme toi, comme un gros crétin. Je me mets à droite. Ça trouve, je suis en train de dire ça, il y a des gens qui sont en train de nous écouter et ils sont sur la bande du milieu. Ça, tu vois. Apprend, hein. Voilà. Et ben non, rien à faire, ils comprennent pas. On leur fait des codes phares, on klaxonne, ils ne comprennent pas. Ouais, mais klaxonner sur l'autoroute, c'est dangereux. Hein. C'est vrai que c'est dangereux, effectivement. Mais parfois, attends, rouler au milieu, c'est dangereux aussi. Ouais, c'est très dangereux. Alors attention, parce que François, toi, c'est quoi qui t'énerve en particulier sur la route, toi? Moi, il y a deux choses qui me font bien, bien péter les plombs. C'est les cyclistes qui restent devant toi alors qu'il y a une piste cyclable à côté. Et les bagnoles à 80, fuché en camion. Hein. Les voitures qui roulent à 80 sur la première borne devant toi. Et qui ne peuvent pas doubler parce que t'es pas dans les heures. Ouais, ils ont ouais. tout à fait le droit puisque c'est minimum 70. Ouais, mais bon, c'est quand même, ça reste dangereux quand même. Mais hein. ça dépend qui a c'est dedans, comme les cyclistes, c'est... attention, les cyclistes, je peux me permettre. Les cyclistes, normalement, ils ont le droit, ça dépend les rues, mais la plupart du temps, ils ont le droit de rouler au milieu. Et c'est vrai que c'est une piste cyclable a priori. La bonne chose serait que tu devrais te mettre sur ta piste cyclable mais s'il n'y a pas de piste cyclable, t'as le droit de rester au milieu d'une route. Hein. Ah bon? Et il peut y avoir des gens qui klaxonnent, genre ouais, rabats-toi sur la droite. Non, t'as le droit de rester au milieu tranquille. Ouais. C'est, là, je crois que l'avenue Louise à Bruxelles, pour ceux qui la connaissent, elle est prioritaire dans ce sens-là. Pas les tunnels, bien sûr, parce que tu peux pas y aller en vélo, mais sur les côtés. Ah ouais. Genre, tu peux te mettre où tu veux sur la route avec ton vélo. L'avenue Louise. Ouais, ouais, si, il y a une nouvelle loi. Oui. D'ailleurs, regardez, si vous la prenez au sol, si les gens nous écoutent là-bas en ce moment, elle est connue, cette avenue à Bruxelles. Ouais, hein. Ouais. C'est un peu nos Champs-Élysées version bon marché, mais c'est intéressant quand même. Tu parles de l'avenue de la Toison d'Or? Non, l'avenue Louise. Ah, ok. Pas, donc, pas les tunnels, mais sur les côtés, il y a plein de marquages cyclables au milieu qui sont tous disposés au milieu du truc pour faire comprendre que tu peux te mettre où tu veux en fait. Ah, j'ai pas vu ça. Voilà. Mais bon, je suis d'accord avec toi, c'est relou. Et sinon, moi, il y a un truc parce que tu sais, je me mets un peu à la place quand même, François, du mec avec dans son vélo. Combien de fois j'ai pas failli me faire écraser en vélo. Et je te jure, moi, le truc qui m'énerve, c'est quand t'es dans une montée, une bonne montée en vélo, là, tu galères et tu peux pas t'arrêter parce que si tu arrêtes, t'as un coup de fatigue qui te vient et puis tu râles et tout et que t'as une putain de voiture. Tu sais pas pourquoi. Tu te laisses pas passer. Non, elle est garée sur la piste cyclable en double fil. Ah ouais, bah écoute. Mais je te jure, mais c'est un relou. Il y a bien des vélos qui ont toujours là. Où t'arrives sur une piste cyclable et donc tu as des voitures garées sur la droite et sans regarder leur rétro, hop, ils ouvrent leur portière et toi t'esquives. Ah ouais. Dangereux, en dernière minute, t'esquives super vite et ça m'arrive tout le temps. Hein. Tu sais que j'ai une fois fait ça quand j'étais petit. T'as fait quoi? Genre ma mère, elle était partie à la banque qui était juste à côté. Elle s'est garée sur une place de parking. Ouais. Enfin, sur une chaussée où tu pouvais te garer. Et moi, comme j'étais petit, j'avais genre 7 ans et je sais pas, je suis con. Et j'ouvre la porte du conducteur. Ouais. Frère, j'étais en pleine avenue Rogier. Il y a une voiture, elle est passée à 1 cm de la porte. Oh my god! Genre, elle a esquivé, mais moi, j'ai genre ouvert la porte grande ouverte. Tu vois. Sort, bah, ouais, il faut de la place pour que tu sortes. Bon, non, mais j'étais petit, ouais. Ça change pas grand chose. C'est pas de ta faute. Ouais, c'est non, ça. Mais c'était hyper chaud. Ouais, non, mais t'imagines la portière peut te arracher, toi, avec un. T'es du pas avec la porte. Et François, parce que bon, chauffeur de camion, c'est quoi qui t'énerve le plus, toi, sur la route? Après, on se fait Major Lazer. Mais c'est ça, mais parce que la REL dit quoi? Ils ont le droit de rouler à 80, je suis d'accord, mais à partir du moment où je double, ces enculés, ils se mettent à ma vitesse, donc j'arrive pas à me rabattre, tu vois le délire? Oui, non, là, c'est autre chose. Je leur mets des putains de gros coups de pression avec le camion, et t'inquiète pas qu'ils se rabattent des enculés. Ah non, mais un camion, ça me fait peur, surtout que moi, je roule en smart. Hein, donc les camions, déjà, ouais. Ils passent à côté de toi, ta voiture, elle tremble. Je te jure, attends, ma voiture s'envole. Ouais, il y a des camions aussi qui font des enroules de dingue. Hein, ouais, qui dépassent la 81. Ouais, mais really, nigga. Ouais, c'est vrai. En tout cas, Wissam et François, merci les gars d'être passés à l'antenne. Mais bien sûr, François, vas-y, c'est chez toi, installe-toi. Dédicace à Fabien, mon collègue, et à John et Kevin du chantier TRB à Couvain. Eh ben, on les salue, mon pote. Merci à toi, François. Ah, mais attends, je crois savoir quel François qui nous écoute là. Alors, attends, je vais vérifier. Je vais vérifier un truc. Est-ce que t'es sur WhatsApp maintenant? Ouais, Attends, non. T'es pas sur WhatsApp. Non, c'est pas grave, mais je vois quel François c'est. Je commence à fur et à mesure, tu vois, comme je vous ai sur WhatsApp les auditeurs, je commence au fur et à mesure à vous reconnaître en fait. Donc c'est cool. C'est pas la première fois. Mais c'est ça, t'es passé à l'antenne il y a pas longtemps, François, effectivement. Voilà, c'est pour ça. Ah, et bah tu vois, ça y est. La grande famille dans la maison. Merci François, à bientôt. Hein. Pas de soucis. Au revoir. Au revoir. Et Wissam, prends soin de ta famille, mon pote, et quand tu veux aussi. Hein. Merci. Et n'oublie pas. Wissam Le Vent récolte le tempo. Salut. Bisous Wissam, ciao mon pote. Major Lazer tout de suite. Tovlo, Blow That Smoke sur NRJ. Qu'est-ce qui vous vénère? On en parle tout de suite. Il y a Marine qui vient pour réagir aussi. On a pas mal de conneries encore. Les pranks qui vont commencer dans quelques minutes là. Darkness bring out our emotions. Mix them up in that life potion. Close my head for you. Countless times we catch the sunrise. Fix some scars we share with white lights. Close my head for you. I got the keys to heaven now. Bays all around and they got my mind spinning. I got the keys to heaven now. Bays all around and they got my mind spinning. I got the keys to heaven now. Bays all around and they got my mind spinning. Suddenly doors just open wide. Doors open wide. Doors open wide. Doors open wide. Blow that smoke and let me love that fire. sur Énergie. Bienvenue. Le soir, 21h minuit. Du lundi au vendredi, Vince. Vince est sur Énergie. Bah alors, le roi, il a remis son verdict ou pas là, Charles-Michel? Ça reste le Premier ministre ou... Je sais pas, mais tout à l'heure, ils m'ont bloqué. Je suis pour venir ici, j'ai mis une heure, frère. T'as été bloqué par qui? Mais par le roi, ils ont bloqué l'accès vers le palais et tout là. Ah, bah droit, ouais, ouais, parce qu'ils vont, ils font des allers-retours, genre, ah bonjour, monsieur le roi, alors je peux démissionner. Ouais, ah non, ça. Ma gueule, non, tu restes là. Tu restes. Vas-y, te casse les couilles. Ils sont anticipés, tu vas de nouveau faire 500 jours sans gouvernement. Allez, va faire un implant de cheveux, s'il te plaît, en Turquie, reviens dans deux jours. C'est ça. Non, parce que je parle de ça, il y a quelqu'un qui me dit, qui m'avait dit sur WhatsApp, Vince, vous auriez essayé de choper le roi, essayer de lui faire dire Philippe est dans la maison, si ma gueule. Philippe est dans la maison. C'est un moyen. Non, il peut pas s'exprimer. Il peut pas exprimer. Enfin, je crois qu'il a des codes dans le au palais où en fait tu peux pas exprimer une idée entre guillemets commerciale. Alors nous ne sommes pas commercial puisqu'on fait une émission gratuite que les gens ne payent pas, mais nous sommes sur un... Ouais, quand il dit Joyeux Noël, c'est pas commercial? Ben si, mais bon, c'est bien, dans la base, voilà, après on peut chipoter avec tout, tu vois. Voilà, donc le roi est dans la maison, c'est tout. Voilà, voilà. Exactement. Ah ben tu sais quoi, on va aller le choper, on va faire un micro-trottoir. Charles Michel est dans l'âme d'émission. J'aime les résumés de la politique belge, bah ouais, pas de gouvernement, voilà, c'est ça le résumé. Carlo, bon, il dit quoi? Un truc qui me fait péter les plombs. Ouais, Carlo. C'est quelqu'un qui mange et qu'on entend le bruit. Quand il y a un silence ou qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui parle pas très fort, mais quand quelqu'un mange et que vous savez, le... Oh non, Supporte pas ça. Eh ben, tu sais quoi, t'es pas le seul, Carlo, parce qu'on a Marine qui est dans le standard. Salut Marine. Salut Marine. Maison sur Énergie. Et Marine, c'est un peu le même délire que Carlo, en fait, c'est ça? Ouais, moi je supporte pas, ça me rend folle. Ouais, mais moi aussi, les bruits, les gens... Je vais tuer quelqu'un quand j'entends ça. Mais c'est-à-dire? Bah, tu sais, les bruits genre. Comme ça, tu vois. Non. Est-ce que c'est les bruits genre. Ou alors? Les bruits de bouffe. Hein. Parce que non, le pire. Genre, quand quelqu'un mange une banane, tu bruit. Ça fait. Ah, c'est un peu bon comme ça, je vois. Ouais, du coup, elle aime pas trop les vidéos ASMR, quoi. Ah, je déteste ça, c'est une horreur. Mais il y a des gens qui aiment pas, hein. Moi, il y a des vidéos ASMR, je supporte pas. Hein. Ah ouais? Ouais, genre les vidéos avec les cornichons, là. Oh, j'ai pas écouté. Ah, ça dégoûte. Je connais pas. Ah, oui. Il y a des trucs relous, il y a des trucs cool. Les amis, on parle des choses qui vous font perdre le contrôle. Donc toi, mais attends, parce que ça t'énerve ou alors ça te fait vraiment péter un câble et genre tu remets la personne à sa place et tu lui fous une tarte? Ouais, voilà, ouais, non, ça me fait péter un câble, je ne peux pas entendre ce bruit. Réaction, ça c'est vraiment une réaction hyper intéressante. Mon mari dit souvent que je suis super bizarre à cause de ça, mais je l'ai fait chier à chaque fois. La dernière fois, il a fait ça, j'ai balancé la bouffe par terre, ça m'a énervé. Ah oui, carrément. Ah ouais, ça se comprend. Voilà, t'as envie de foutre le mouchoir dans sa bouche, c'est normal. Un nouveau message. Ah, il nous fait du ASMR. Ah ben c'est raté, hein, ton téléphone il est raté. Hein. On arrive tout de suite sur Énergie, bougez pas. Vince, 21h minuit sur Énergie. Rejoignez Vince sur Insta, Snap et Twitter. Vince Radio. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Chaque matin, vous vous réveillez avec Énergie. C'est le 6-9. Dis-nous où tu es. Vas-y. Je suis incontinent. Enfin, ça ne nous regarde pas. Le 6-9 sur Énergie, demain. Demain, dès 6h. Suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga. Así que vamos a quitarnos toda la carne. Si tú estás bien, habla portugués. Conmigo mujer y si no pues tú no ven. Esta noche yo voy a hacerme con el parque. De noche me floco como Yandel. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dándame, dándame. El papi pola, vamos a romper la frontera con un olé, yeah. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España, Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo mueva. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España, Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo mueva. Mami, yo sé que quiere vacilar con tus amigas en el bar. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta en Venezuela, que lo muevan. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta en Venezuela, que lo muevan. Minuit. 21h minuit. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Vince. Vince est sur énergie. On va se faire DJ Snake avec Taki Taki. Des petits messages qui arrivent là, quelques-uns là sur WhatsApp par exemple. On me dit ceci là. Dédicace à la Providence de Wavre et à Monsieur Van Wilthoven. S'il te plaît, Vince, passe le message. Yeah, Providence de Wavre, message bien passé, les amis. Il y a encore beaucoup d'étudiants qui demandent, Vince, quand que tu passes et tout. Bah, c'est les examens, là, les amis. Et puis, au-delà de ça, on va pas vous déranger pendant les examens, mais encore pire, vous êtes en vacances. Donc, voilà. Mais vous inquiétez pas, 2019 sera votre année. Ah, 2019, il va se passer des choses très sympas, très sympathiques. On va kiffer, on va se mettre bien et on va apprendre des choses. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'apprendre des choses. Tout à fait. Benny aussi est là. Benny est dans la maison. Sur énergie. Bonsoir Vin, je vous écoute sur Discord grâce à un bot radio. Explique-moi comment ça fonctionne là. Je suis un peu con dans le délire là de Discord. J'ai installé, mais j'utilise pas beaucoup. Eugénie aussi. Le truc qui me fait bien péter un câble, c'est quand je suis à la caisse et que la caissière me balance mes articles. Mais plus vite que l'éclair, que j'ai même pas le temps d'organiser, de ranger correctement dans mes sacs. De jouer à Tetris. Ben après, en fait, quand je mets les sacs dans le coffre, ben voilà, c'est Bagdad dans mes sacs. Eh ouais. Genre, elle m'a tout balancé. On dirait que, je sais pas, elles sont à la course, les caissières, j'en sais rien. Je sais pas c'est quoi le but. Mais ça fait bien chier, en tout cas. Là, je comprends. Tu sais, parfois, elles expédient tout en mode, voilà, allez, ça fait 75 euros, merci, bonsoir. DJ Snake, Taki Taki, qu'est-ce qui vous énerve? Qu'est-ce qui vous met hors de vous, les amis? On en parle tout de suite. À suivre, Dragophone, check pas ton snap. Et le TTFX, le test ton futur ex. Lara va tester un couple, là. Prende los motores de Kawasaki. En la discoteca Jenny llegaron los Anonaki. No le baje, el puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Touch it and tease it and squeeze it. When my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ayy, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Interagis en direct avec Vince sur Énergie avec WhatsApp. Diego est dans la maison sur Énergie. Tarek est dans la maison. Jocelyne est dans la maison. 04 92 222 002. 04 92 222 002. Et vous êtes tellement nombreux, des milliers là sur ce WhatsApp, mais j'arrive à lire les messages, c'est ça qui est incroyable. Je commence à m'habituer à lire un maximum de personnes, en tout cas, dont un nouveau qui est tout triste en me disant une nouvelle, pardon, mais tu passes pas mon message. Une nano passe pas dans la radio. Aïe. Eh ben Lucie, je me permets de te dédicacer, de te remercier pour ton premier message, ton premier message en live. Elle me dit je te harcèle, je suis relou, lis mon premier message s'il te plaît. Voilà, le message est bien passé. Steven Gomez également est là dans la maison ce soir. Il y a Roxanne, Vince, ce qui me fait péter une douille. Moi c'est les gens qui te disent de pas t'énerver alors que t'es pas énervé. Bah c'est comme moi ça, c'est mais comme Wissem un peu avant. Arrêtez avec ça. Pour une nerveuse de nature comme je suis, quand je la joue calme, on me lâche pas. Et qu'on me lâche pas, ça monte direct. Bise, Roxane est dans la maison. Alors un autre message vocal qui est arrivé aussi là, 15 secondes. Hop, on y va. Tim, je vous laisse maintenant, je vais aller dormir tout de suite. À 21h40. Demain j'ai école et je vais à la patinoire avec ma classe et tous les deuxièmes. Bonne nuit. Hey, tu peux dire bonne soirée, t'inquiète. Hein. Chou. Patinoire, c'est bon, posé quoi. Oh, ça tue, j'ai trop envie d'aller à la patinoire, moi. Alors, Vince, je pensais que tu répondais à Vince. Moi, ce qui m'énerve, c'est quand tu dois tirer la chasse des toilettes une deuxième fois parce que tout n'est pas parti. Bah, c'est pas le genre de truc qui te fait péter un câble non plus, tu vois. Moi, ce qui me fait péter un câble, c'est quand ma copine utilise trop de papier toilette, qu'elle bouche les toilettes et qu'elle regarde pas en partant et qu'elle constate pas que au prochain tirage, ça peut être fatal. Et alors qu'est-ce qui se passe? Bah moi j'arrive derrière, je fais mes besoins, je suis pas au courant qu'au fond c'est bauché. Je tire la chasse et je vois que ça monte. Je me dis non. Et généralement c'est le moment où tu dis tu fais ton cri de guerre, le non, que ça s'arrête. Je sais pas, c'est comme si ton cri avait une puissance. Mais il y a un trop plein dans les toilettes, je crois. Hein. Ouais. Il y a un petit trou pour que ça coule. T'as pas de pression dans tes toilettes. Comment ça, j'ai pas de pression? C'est pas ta chasse, c'est pas une pression de ouf, c'est un peu fou. Ouais, c'est vrai, c'est une toilette de 1940, mon truc. Voilà, c'est pour ça. Dimitri, ce qui m'énerve, c'est que je me suis pris un râteau au matin. Ah, mais attends, on va t'appeler pour que tu nous expliques. Râteau. Bah ouais, visiblement, je crois qu'il a voulu avouer son sentiment. Je sais pas, c'est parti en sucette, là. C'est Marco et Charlotte, on vous kiffe. Merci, Marco et Charlotte, là. C'est gentil pour vos messages, là. Mais en colère, quand je vais aux toilettes, il n'y a pas PQ. Ouais. C'est vrai, les gens qui je sais pas, tu vis avec eux et ils oublient de. Enfin, je sais pas, ça se fait pas. Alors, moi, c'est quand ma sœur met des bouteilles de jus vides au frigo. Moi, attends, ça j'avoue, j'ai ça, c'est les ados qui font ça. C'est les ados. Non, je suis encore un ado alors. Vous faites ça. Les gens qui font ça. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne terminez pas? Je sais pas, parce que je me dis toujours que les dernières petites gouttes, ça peut toujours servir. Mais les dernières gouttes, elles sont dégueulasses déjà. Surtout que je suis sûr que tu bois la bouteille. Ouais, c'est vrai. C'est que de la salive. C'est la salive, ouais, c'est ça le problème. Ah, mais ouais, c'est vrai. Je dois admettre le truc. Hein. On a Anaïs qui est là. Salut Anaïs. Salut. Et Vince est dans la maison. Ouais. Muy bien, muy bien. Et tout. Hola, Vince Radio. Oh, Vicente es en la casa. Oh, qué guapo. Javier Costillo. Oh. Red Dead Redemption. C'est tout ce que je t'ai dit en fait. Hijo de naranja. Voilà, bref. El plomo ou la plata. Real de Madrid. Mourinho. Ouais, bah, d'ailleurs, portugais, mais il était viré de Manchester. Là. Ouais, j'ai vu ça. Voilà. Avec un beau chèque. Hein. Oui, bah, toujours, hein, ça, c'est sûr. Hein. T'inquiète pas, tu crois que Charles Michel, quand il va partir là, avec le bras, va dire c'est bon, tu peux partir, mon 2,50€, fils. 2,50€, allez hop. Ouais, non, tu crois 2,50€ fois 10 000. Enfin bref, je sais pas trop. Anis, comment ça va, ma chérie? Ah, ben ça va très bien. Oh, formidable, tu viens de quelle ville? Pardon? Tu viens de quelle ville? Quel patin? De Liège. La toile, c'est de l'eau. La toile, c'est de l'eau. La toile, c'est de l'eau. La toile, c'est de l'eau. Le hall des foires, ça fait longtemps, tiens, que j'y suis plus passé, là, tranquille. David qui dit pas de politique, Vinci, on peut vanner, mais on ne commence pas à parler d'idéologie, tout ça, là. Relou, saoulant. Ouais, c'est vrai. Vanner, c'est déjà une idéologie, hein, je suis désolé, quoi. Ça, c'est vrai, effectivement, mais bon, c'est pas grave. Vous parlez de docteur idéologie? Bah, exactement. Je l'ai croisé ce week-end, il m'a dit, où est-ce qu'on tu m'as mis dans ton émission? Je crois que tu seras drôle. Ouais. Je le vanne, c'est un pote, hein, parce que sinon, il y a des messages qui vont arriver chez lui, genre, ouais, idéologie, Vinci. Non, mais il est vraiment pas drôle, hein. Non, si, il est drôle. Voilà, de ces cas dans l'émission là. Anaïs, alors c'est quoi le truc qui tu fais vraiment péter un câble, te mets hors de toi? Ah, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est les gens qui marchent à gauche, que ce soit en rue ou en centre commercial ou n'importe quoi. c'est le genre de truc qui mais me fait, mais c'est pas con, c'est irrationnel. Non, c'est, mais elle a raison. Non, c'est pas con du tout, ah, ce qu'elle est en train de dire. Parce que frère, tu marches. C'est comme les voitures. Ah ouais, bah ouais, mais bon, là, tu changes de pays en Angleterre. Alors, mais c'est ça la question. Est-ce que des rues, comme tu le dis, Anaïs, moi, il y a des rues commerçantes. Tu sais, c'est un peu chacun choisit son côté. La rue que pas mal de gens connaissent en Belgique, la rue Neuve, par exemple. Ouais, y a aussi un peu une comparable à Charleroi, j'ai oublié le nom, et à Liège aussi. Mais bref, on va dire, dans un endroit, effectivement, il y a du monde, t'as remarqué que les gens, en fait. Ils marchent où ils veulent. Parfois. Instinctivement, c'est comme s'il y avait un effet de groupe et tout le monde se met d'un côté. Ça arrive. J'allais dire quand tu marches. Non, mais j'ai pas fini l'idée. Ah, c'est-à-dire qu'il y a un effet de groupe où les gens marchent correctement et automatiquement, je sais pas, t'as un petit moment comme ça dans les supermarchés où ceux qui vont tout droit, de telle direction, ils se mettent à droite et ceux et MS se mettent à leur droite. Voilà. Donc tout le monde doit se mettre normalement, d'accord, Anaïs, tu dois se mettre à sa droite. Oui, sauf que là-dedans, ce qui est vénère, c'est que lorsque t'as un effet de groupe où c'est fluide, t'as toujours un bâtard avec sa, ou une bâtarde, je peux me permettre, avec comme par hasard la poussette qui décide de jouer à Moïse. Vas-y, je vais vous séparer en deux. Et je vais passer au milieu de vous tous sur cette bande de droite, tu vois. Moi, je me tiens à ma gauche, j'ai décidé comme ça, et point. Et ça, c'est relou, tu vois. Ah, vous en avez des problèmes, ça. Hein. Ou qui regardent pas où ils vont, ce genre de choses. Et un jour, c'est arrivé. Et en fait, j'ai croisé une personne. Et vraiment, elle regardait pas où elle allait. Et elle marchait n'importe comment, limite, sur son téléphone. Et en fait, j'étais en rue, je l'ai poussé, donc là je l'ai poussé vraiment parce que ça me faisait chier. Mais... et la fille en reculant quoi est passée sur la route, donc elle s'est faite presque renverser, rien de grave, mais voilà. Heureusement, parce que c'est tentative de mort parce qu'elle était vénère, la pauvre. C'est n'importe quoi. Le pire, c'est quand tout le monde avance et que quelqu'un s'arrête genre devant l'escalator. Il y a des gens, ils s'arrêtent parce qu'ils reçoivent un appel ou ils voient quelqu'un, t'es là, mais wesh, c'est un couloir. Ce qui m'ennuie, alors je leur pardonne parce qu'ils sont des enfants, ils n'ont pas conscience de leur environnement, mais un enfant, quand il marche tout droit, et tout d'un coup, il va regarder sur la droite. Ah, il change de direction. Et brutalement, tu comprends pas pourquoi, il regarde sur la droite, mais il va à gauche. Ça c'est des gosses. Je te jure, dans les supermarchés et tout, le gosse il va à droite. Alors toi t'es là avec ton caddie, t'as pas envie de le bousculer. Donc tu passes sur sa gauche. Le gosse il regarde à droite, il doit avoir 2-3 ans comme ça. Il marche, il regarde sur sa droite. Et tout d'un coup il court vers la gauche sans regarder. Et puis bim, bam, voilà. Et alors t'as les parents qui arrivent. Non mais regardez où vous allez. Mais tu me fous de ma gueule toi. Alors à la rigueur je leur pardonne, c'est des enfants. Non, regardez où vous allez. Et toi tu lui dis, allez où vous regardez. Pour l'enfant, quoi. Voilà, c'est ça. Dans le sens de là où tu regardes, meuf. Non, mais tu vois, mais je pardonne, c'est des enfants, donc voilà, je leur veux même pas et je trouve ça tout mignon. Allez, ça va, relève-toi, tout va bien. Mais quand ce sont des adultes qui le font, ça m'énerve. Alors là, ça arrive plein de fois, ça. Tu vas me dire quand ce sujet est terminé, car j'ai une conclusion. Ah bon, c'est vrai? Oui, j'ai une conclusion. Ce sera après Henri PFR. C'est très bien. Henri Ouais, avec Haydn et Catching Butterflies qui va arriver. Ma chérie Anaïs, je te remercie beaucoup pour ton passage. Merci à vous. Continuez comme ça. Attends, parce que j'ai envie d'avoir un peu plus d'infos, là, rapidement. Là, pour une fois, on n'est pas à la bourre. Je voudrais savoir, t'as quel âge, Anaïs? 22. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille. Pour le moment, j'enchaîne un petit peu plusieurs emplois. Tranquille, en intérim ou comment? J'ai fait un peu d'intérim ici, j'ai signé un CDD. Donc bravo! Voilà. Allez. Est-ce que tu veux qu'on appelle ton. C'est dans quel domaine d'abord? Là, pour le moment, je travaille justement dans un supermarché, en vente sur place. Alors, est-ce que ça te fait plaisir ou pas? Ça me fait plaisir. Tant mieux. Tant mieux. Est-ce que tu veux un CDI? J'aimerais tellement. Passe sous le bureau. Vas-y, viens, on appelle les patrons. Non, jamais, fais pas ça. Ne te rabaisse pas à ça. Voilà, pas du tout. On n'est pas des Weinstein. Non. Mais par contre, on pourrait appeler ton boss. Hein. Tiens, on l'appelle en mode CDI. CDI. Ça marche comme ça, malheureusement. Ça dépend, c'est quelle enseigne. Elle veut peut-être pas de CDI. Hein. Carrefour. Ah non, c'est la merde. Non, c'est la merde. Oui, complètement. Ouais, complètement. Ouais. Carrefour, c'est eux qui sont en train de virer tout le monde, là. Ouais, c'est pas préparé. Enfin bon, il y a pas que, hein. Voilà, ça vire un peu partout de temps en temps. Ouais, hein. C'est vrai. Ouais. De temps en temps, ça fusionne, il y a des nouvelles opportunités d'emploi. Exactement. Moi, c'est bizarre, c'est que parfois je dis encore, je vais au GB. Mais moi, je dis toujours ça, j'ai jamais dit je vais au Carrefour. Tu sais ce que ça veut dire, GB? Ouais. Le grand bazar. Oui, tout à fait. Sérieux? Ouais. Moi, je pensais que c'était grosse bite. Chacun a ses références. C'est vrai, hein. C'est qu'on fait la conclusion de Lara. Ah oui, la conclusion. Vas-y. Eh bien, tu vois, par exemple, quand tu roules, t'es en voiture et devant toi, il y a quelqu'un qui roule doucement. Bon, pas 10 ans, hein, conclusion. Non, tu sais pas vraiment distinguer si c'est un jeune, un vieux, un bazar, machin. Ouais. Je vais te dire. On est toujours le plus lent ou le con d'un autre. À un moment donné dans ta journée, toi, t'es dans tes pensées, t'es dans je sais pas quoi, tu roules à une vitesse qui n'est pas la vitesse appropriée, tu fais chier celui qui est derrière. Un jour, on sera vieux, on roulera peut-être aussi lentement. Il faut, je sais pas, il faut relativiser, c'est tout. C'est vrai qu'on se dépêche et tout, mais alors il faut prendre le temps. Oh. Et voilà, et puis tu seras peut-être un jour la voiture qui est devant. Heureusement qu'elle est là pour faire des bonnes conclusions, Lara, t'imagines? Ouais. C'est que nous, je te jure, plein tous ces ça depuis le début, quoi. Mais c'est des conclusions que pour les vieux, oui. Mais pas du tout. Bah, c'est la vieille demain, de cette émission. Je te dis, demain, tu... ouais. Je l'avais dit, c'est Il a fallu le temps que l'information arrive au cerveau. Tu vois la preuve qu'elle est vieille, il lui a fallu 10 ans pour réagir. Voilà, on va voir ça tout à l'heure au tic-tac-boom, bande de chiffres. Attends, demain, quand tu vas conduire et que devant toi, il y aura quelqu'un, eh ben, tu sais quoi, tu vas penser à moi, je te le dis. Mais tu sais quoi, je vais dire un truc. Eh ben, c'est vrai que parfois je suis un peu dans mes pensées. Et quand quelqu'un me le fait remarquer en me klaxonnant, en faisant des appels de phare, eh ben alors je suis encore plus chié. Juste pour terminer, s'il vous plaît. Et je ralentis davantage, tu vois. Putain, c'est dégueulasse. Non, mais t'as raison. Moi, quand je vois quelqu'un est frustré, mais tu sais, parfois je me dis, je suis à 50, pourquoi la personne me fait des appels de phare? Je ralentis bien. T'as raison. Mais non, et je la maintiens sur une longueur. Mais après, ouais. Elle essaie de me doubler. Mais ne soyez pas comme ça. Si. Soyez gris. Ah ouais. Ben oui. On veut changer le monde, mais à part ça, on roule comme des connards. Bah, bravo. Bon allez, on fait un gros bisou. Merci Anaïs. À bientôt. Hein. Merci à vous. À bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir. Ah ouais. Et on a Laurie qui est là. Coucou Laurie. Et Laurie est dans la maison. Ouais. Sur Énergie. Laurie, comment va la vie? Ça va. Ta meilleure amie. Ça ira mieux. Ah, bah écoute, déjà Lara, t'as fait une blague bizarre là avec Laurie. Ah, vous entendez. Mais on sait pas ce qu'elle devient, Laurie. Ouais, t'étais en train de chercher sur YouTube, sauf que je t'ai pas devancé. Du tout. Pas du tout. Parce que Laurie, elle passe parce qu'elle voudrait qu'on teste la fidélité de son gars, c'est bien ça? Non. C'est ça. Ouais, il faut préciser un truc, TTFX, le jeu qu'on a ramené hein, d'entre les cartons là, j'ai plein de cartons dans lesquels j'ouvre et tout d'un coup il y a de l'air dedans, mais l'air me fait rappeler que je faisais des jeux avant et voilà, et donc du coup on a décidé de le ramener parce que vous le demandez. Mais attention, c'est quand même quelque chose de particulier le TTFX. C'est dangereux. Ça peut changer des lives, Laurie, donc tu as bien mesuré les risques hein. J'ai très peur. Ouais. Alors, Lara va appeler ton gars et elle va faire genre qu'elle est intéressée, qu'elle a rencontré dans un cadre spécial. Vous allez vous parler de ça en antenne tout de suite. On va l'appeler et Lara, bah, tu vas tenter de le séduire et voir un peu comment elle réagit à un éventuel rendez-vous. Ouais. Et sinon, mon karma à moi, on en parle ou pas? On en parlera après. Voilà. Dans ce jeu-là, on découvre des choses horribles. T'inquiète pas, ton karma est assuré. Voilà. C'est vrai? C'est géré. Y a ça pas va, de problème. Alors c'est bon. Je veux bien faire le téléphone. Laurie, on lance ça juste après. Henri PFR. Catching Butterflies. Reste avec nous, ma chérie. Moi, ce qui m'énerve, Vin, c'est les campeurs sur Call of Duty. Ah, mais moi aussi. Ah ouais! Ils se cassent dans un coin, là, comme des lâches. Ils ont peur d'aller au combat, hein. Ouais. Alors, ils restent dans un coin et puis, je vais le choper là comme ça. Ça, c'est vraiment des traîtres. Allez au combat. Essayez de faire des quickscopes. Ça, c'est du jeu, ça. Ça, c'est un homme. Ça me donne envie de jouer Call of, quoi, tu vois, de nouveau. Ou alors sur FIFA. Face devant le but. Bon, ouais. De connard. Ouais. Un petit Red Dead, hein. Ah putain, pas mal. Ouais. Bon, allez, on est en train de gâcher Henri Pfeu. Henri PFR tout de suite, Catching Butterflies, let's go. Lately, we've been catching butterflies, pink and yellow blue. Oh, you got me making hurricanes just to be with you. We've been catching butterflies, summertime you know. Oh, you got me making hurricanes just to be with you. One look, I was caught off guard, like a shot to the heart, yeah. We are bound for the stars. We got our own thing now, we got our own thing now, yeah. I'm greedy with your love, fall, I'll be your safety. You're my favorite drug, never leave me empty. Can't stop us now, we're floating. Don't matter where we're going now. Oh, now. Lately, we've been catching. to be with you. Catching butterflies, catching butterflies, catching butterflies, catching butterflies. Énergie le soir. Oh my god! Ça se passe avec Vince. Dès 21h. Mais oui, on est là pour taper la cause et ensemble. Merci les amis. Il y a trop de messages qui arrivent le soir, que ce soit sur les réseaux sociaux, la Facebook, sur Instagram. Il y a rien sur Twitter, je n'utilise plus, putain. Mais hey, non, on a encore des tweets. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, ils tweetent plus trop nos auditeurs sur Twitter parce qu'ils voient qu'on n'est pas dessus. C'est vrai. Mais ouais. À chaque fois qu'on dit ouais sur Twitter, bim, on a plein de notifs. Il faut avouer un truc, c'est vrai que je suis toujours dessus, mais je l'utilise plus. En fait, ouais, je ne vois plus. Bah, tu sais quoi, je vais l'ouvrir. Vince Radio, VNZ Radio, c'est mon Twitter. Je fais un gros bisou à Sébastien Gâteau qui arrête pas de m'envoyer plein de messages là. Sérieux? Encore un ouais, il veut upgrader l'émission et tout en mode ouais Vince. C'est une table supérieure, c'est trop génial et tout. Merci. La bande des gâteaux alors. Merci Sébastien, c'est super cool. Je sais pas s'il y a des gens qui sont encore sur Twitter là. Vince Radio, VNZ et Radio. Allez-y, mentionnez-moi là un petit coup là. Juste pour voir. Juste pour voir. Oh, quand je le fais sur Insta, c'est l'avalanche. Hein. Ouais. Hier j'ai pris 500 abonnés. Quoi? Ouais, c'est incroyable. Sérieux? Fait tourner, ouais. Mais vous avez vu, il y a le compteur dans le bureau en plus. Vous avez vu, il y a plus 500 en une soirée. C'est... Non, mais toi frère, c'est un truc de ouf. Je sais pas comment tu fais. Bah, ouais, comme vous faites aussi, non? Je sais pas. Ouais, c'est vrai. Non. Bah, ok. Bon, bah. Quand c'était délire ici. Voilà, donc Vince Radio, VNZ Radio. Bah voilà, ça y est, je commence à arriver. Il y a Emilien là. Merci Emilien, c'est gentil. Il y a. Oula, bah, Team PFR, vous venez de jouer Henri PFR. Ouais, grave, effectivement. Sérieux? Putain, vous êtes fort, hein. The French Outsider. Moi, les deux choses qui me mettent hors de moi, ça vient d'arriver sur Twitter. Ce sont les personnes qui, en sortant des transports, se mettent sur la file de gauche de l'escalator et empêchent les gens de passer. Ouais. Et les gens qui ne mettent pas leurs mains devant leur bouche quand ils baillent. Hop, je retweet ça, c'est parti. Ouh. Mais si on est là, Vince, allez, hop là. Un petit retweet aussi, un petit like. Ah bah finalement, il y a des gens sur Twitter encore. Je pensais que c'était mort. Pourquoi tu bailles toi? Parce que je mets pas ma main dans la bouche. Tu te rends compte que bailler, c'est que ça communique. Hein. Donc voilà. Ouais. Ramine qui le dit, Vince, ce qui m'énerve, c'est quand tu demandes à quelqu'un de faire un bête truc et que tu es pressé, mais qu'il n'arrive pas à le faire. Et pour finir, bah, tu le fais toi-même. Ah ouais. Mais voilà, mais de nouveau. Ouais. T'es encore pressé, c'est toi qui es pressé, l'autre il a pas. Ouais, alors Vince, moi ce qui m'énerve, c'est quand tu passes pas mon message vocal à la radio. Et nano, passe pas dans la radio. Dès que quelqu'un se plaint, je joue ça, moi. Brian, Vince, moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui s'arrêtent au milieu de la rue, ainsi devant toi, et qui attendent 3 ans. Je supporte pas ça. Petit message d'Omar, là. Attention. Bon, ce qui me saoule, Vince, hein, c'est quand il y a deux voitures en double fil qui sont l'un à côté de l'autre, qui discutent et qui discutent et qui discutent et qui te calculent même pas. Ouais, quel manque de respect. Tu vois bien qu'il y a des fils derrière. Ouais, c'est vrai. Ils en ont rien à foutre. Ils parlent vraiment de Stalingrad. Ces gens-là. Dans le quartier. Ils leur pissent dans l'œil. Genre pisse dans l'œil, il a dit. C'est pas mal. Qu'est-ce que c'est vrai, hein. Stalingrad, c'est abusé, frère. Ouais, mais ah y a ouais, des mais endroits, bon, c'est ouais. Un sport, tu vois ce que je veux dire. Il y a des textes, ça fait partie du game, tu vois, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est. Dans la maison. Oh, on l'entend tout bas, mais Oscar, c'est son premier message radio, les amis. Sérieux? Et ça s'applaudit. Ouais. Il est toujours un petit peu timide, le premier message. Wassim de Ernest Solvay, là, à Charleroi. Merci beaucoup. Ah, attends, parce que j'ai passé ton premier message. Ah, oui, oui. Merci beaucoup. Ok, c'est tout. Bon, merci. Quel message de merde. Moi, ce qui m'énerve, c'est les gars qui lâchent la manette à FIFA quand ils prennent 3-0 avant la mi-temps. Quand ils prennent? Et qui dit que ouais, les joueurs ils courent pas et toujours des excuses. Ah ouais, ouais, non, t'inquiète pas, moi je suis le premier à haineux là à FIFA, moi. Ouais, mais Stalingrad, mon pote, c'est le bled. Hein. Ah, je nous envoie ce message. Le truc qui m'énerve, c'est les gens qui me cassent les couilles le matin. Ah, le matin, c'est chaud. Hein. Ah là, non, mais il y a eu plein de messages concernant ça, c'est ouf. Hein. TTFX, ça va arriver tout à l'heure. Yeah. Le Dragophone, les amis. Le check pas ton snap aussi est prévu pour ce soir. Et qu'est-ce que vous serez capable, est-ce que vous seriez plutôt capable de vivre pendant un an sur votre smartphone? Impossible. Je veux juste un oui ou un non. Lara? Impossible, non. Nigel? Impossible. Très bien. Et toi, Vince? Bah, moi, j'estime que impossible aussi. Je me tourne du côté du standard, ils vont devoir gueuler parce que leur micro ne fonctionne pas. Alors, Eddy? Un an sans smartphone? Non, t'es ouf. Ok, bien ce qui me semblait. Thibaut, un an sans smartphone, t'en penses quoi? Ah, moi, c'est impossible. Impossible ah, bah, aussi. Tu vois déjà, voilà. Voilà. Mais pourquoi on est tous des putes? Non, on est addict. Mais non, mais voilà, on vit de ça. En même temps, on travaille quoi. Oui. Voilà, limite, on est après, né avec ça. Il va être greffé dans ma peau un jour, ce smartphone. Là, quoi. Tu m'as dit un an sans ton smartphone. Ah non, sans ton smartphone. Dit sans ton smartphone et 88 000 euros à la clé. Oui, maintenant, l'autre question, c'est est-ce que vous êtes capable de relever le défi de Vitamin Water, qui est une grosse marque qui appartient à Coca-Cola, qui vous donne 100 000 dollars, 88 000 euros, si vous êtes capable de vivre un an sur votre smartphone. Vas-y, refais le tour ici. Moi, je suis d'accord. Non, toi, attends, les gars. C'est-à-dire que tu peux pas prendre un smartphone dans tes mains. Mais je m'en bats les couilles. C'est pas téléphoner, rien. Mais il a dit smartphone, un Mac et tout. Mais tu en peux. Fait, tu peux prendre une année sabbatique. Ouais, du coup, tu gagnes 80 000 euros. Ouais, voilà. Bon, il y a des tafs où t'as pas besoin de smartphone, mais dites-nous si vous seriez capable de faire ça ou pas. Mais soyez honnête, hein, réfléchissez bien le pour et le contre. On en reparle tout à l'heure, juste après Laurie qui veut tester absolument la fidélité de son gars. C'est ce qui arrive tout de suite sur Énergie. Bienvenue. Téléchargez maintenant l'appli qui vous propose de la musique gratuite, sans abonnement, en illimité. C'est l'appli Énergie Belgique. Tous les hits, tous les styles, tout le temps. Avec plus de 15 radios de hits thématiques et des lives exclusifs de vos stars musicales préférées, enregistrés dans le studio d'Énergie. L'appli Énergie Belgique est disponible gratuitement sur tous les stores. Young money. Hand on your hand, chest on your chest. Tangled in bed, but I'm feeling you less. You know my love ain't free. Why do you make believe? Why do you sell me dreams? SMS in the morning like, We gotta fancy. The fire no longer blesses. I woke up on the wrong side of ya. You don't even know that I left you, ya. Démarre dès 21h sur Énergie avec Vince. Ouais, vous me faites flipper quand même. Non mais parce que je sais pas, genre j'ai l'impression que j'ai trop maigri quand je vous écoute. Non, c'est pas dans son sens. Ça existe pas trop maigrir. Non mais bah, ça existe pas trop maigrir. Si ça existe, c'est horrible. Si, non, t'es pas du tout à ce point là, je peux te d'accord dire. Non, parce que j'ai peur. Heureusement, merci. Non mais on en parlait hors antenne. On a poursuivi une discussion hors antenne, ouais. À l'antenne. Alors, c'est quand même dingue. Parce qu'en fait, on a fait des photos pour Énergie en début de saison. C'était ouais, en août, avant de partir en vacances et avant d'arriver chez Énergie. Donc on était dans une certaine vibe. Bah, j'avais 15 kilos de plus. Voilà, déjà, premièrement. Ça se voit pas. Moi je trouve ça se voit pas. Mais vous êtes. Arrête. Alors allez maintenant sur la page Facebook de Vince. Ils vont comparer avec quoi? Ok, bah les photos, rien que la photo où t'es habillé en jaune, c'est pas toi. Sérieux? Je te jure, c'est pas toi d'aujourd'hui. Ouais, mais ils sont habitués à avoir cette photo-là. Je veux dire, il y a pas de photo, j'ai pas de photo, on va dire, de moi avec le visage plus maigre. Il y a cette photo-là sur Facebook. Putain, je pensais pas. Maintenant, tu vas prendre une photo de toi, tu vas la mettre sur Instagram. Ouais. Voilà. Ils vont aller vérifier. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Je vais toujours faire ma fameuse photo avant-après. Je suis dans un défi de perte de poids. Mais fais-le. J'ai toujours pas fait la photo finale. Hein. Enfin, sérieux? Ouais, non, elle arrivera quand? Elle fait là parce que j'ai envie de travailler encore. Il y a les fêtes là. Ouais, c'est vrai. C'est ce que j'allais dire. T'inquiète pas, je vais avoir deux semaines, je vais faire du sport, t'inquiète pas. Ouais, plus voir vos tronches et à toujours manger là, ça va me faire du bien. De ouf, enfin. Sérieux, on fait grossir quand je vous vois là tout le temps. Mais moi, de toute façon, je vous aime pas, je sais pas pourquoi je suis avec vous là. Techniquement, c'est l'inverse puisque j'ai maigri en votre compagnie. Donc, t'as vu? Vous dites c'est parce que je mange tout ce que tu ramènes. Allez, donne. Ça, c'est vrai ça. Non, mais sérieusement, c'est étonnant, j'ai été chez le coiffeur là tout à l'heure et la coiffeuse me dit: oh, mais Vince, mais. mais t'as changé. Je fais, comment ça j'ai changé? Mais non, mais c'est plus toi. Je fais, comment ça c'est plus moi? Non, mais avant t'étais, visage... t'étais misérable. Mais non, mais qu'est-ce qui a changé? Bah, franchement, est, les gars, moi j'aime l'énergie, bien quoi. Mes photos. J'aime bien mes photos de ma tête quand j'avais 15 kilos de plus. Donc là, je vous me fais peur. J'ai l'impression que là maintenant j'ai une tête horrible. Bien, non, mais t'étais pas moche. Hein. Attendez, est-ce que je peux dire quelque chose? C'est pas une question de poids. Bien sûr, t'as maigri. Il y a une lueur dans tes yeux. C'est mieux ou c'est pas mieux? C'est beaucoup mieux. Oh, c'est ah mieux. Putain, tant mieux, merci, non, c'est heureusement. Mieux, c'est mieux. Mais, ok, ça va, vous me rassurez là. Mais ce que je veux dire. J'ai l'impression que j'ai le visage creux maintenant, que je sais pas non, que je suis. Non, c'est pas une question physique. Non, c'est une question de rayonnement. Ça va, j'ai pas le look de Stromae non plus, tout maigre. Ça va. Non, ça va. Non. Ok, d'accord, ok. Putain. Non, mais vous me faites flipper, franchement. Mais c'est une croquette. Mais pourquoi sur toujours voir en négatif? Ah, mais c'est bien, c'est comme ça, voilà, on a des complexes, hein, la rage. Mais quel complexe? Toi, t'as des complexes? Non, c'est vrai, j'en ai pas. Mais voilà. Bon. Vous m'avez fait peur, vous pouvez créer un complexe, hein, c'est non, ça le pire. Non, mais toujours des nouvelles photos, parce que c'est chouette d'utiliser toute l'année les photos qu'on a fait le 27 août. Pendant mais que j'y pense. Non, pendant que j'y pense, ça vient d'arriver, j'ai oublié. On a reçu une lettre. Lettre manuscrite. Ouais. Ah putain, j'ai cru une lettre recommandée, j'ai eu peur. Non. Lettre non. D'huissier. Ça arrive après. On va lancer le TTFX, les amis, dans quelques minutes. Mais d'abord, j'ai eu un bonjour, monsieur, bonjour ou madame. Je m'appelle Pierre, j'ai 11 ans, je suis à l'école. Et là, je ne sais pas lire. L'école Enovre. Enrova. Norgul. Enora. Enova. Enora Malagri, je vois. Quoi? À Atert. Bah peut-être que je vous envoie cette lettre parce que je fais mon chef-d'œuvre de fin de sixième sur la radio. Auriez-vous la gentillesse de m'envoyer des documents sur la radio d'il y a longtemps ou sur l'histoire de la radio en général? Si vous décidez de m'envoyer des documents, faites-le à cette adresse. Il s'appelle Pierre. Ah, c'est école Enova, visiblement rue des Deux Églises, à Atert. Bien cordialement, Pierre, il m'a écrit recto verso. J'adore. Salut. Donc c'est trop les trucs qu'on faisait quand on avait 10 ans, c'est trop beau. Alors c'est drôle parce qu'il a adressé ça à Énergie. Et derrière, il écrit « PS, je vous écoute tous les jours. Auriez-vous encore la gentillesse de m'envoyer des photos de Vince et sa team ?» Vince, 21h voilà. À minuit sur Énergie. Et c'est là, en fait, Énergie à l'entrée, comme les matons, ils ont vers le courrier. Et si, ouais, c'est pour Vince. Et si vous décidez aussi de m'envoyer des affiches de Vince, faites-la à la même adresse. Faites-le à la même adresse. Eh ben, franchement, recevoir une lettre manuscrite, oui. Ça me fait tellement du sauf bien. Sauf qu'il te demande quelque chose, là. Il te dit, est-ce que tu peux lui envoyer un dossier sur l'histoire dossier, de la radio? Un dossier, on lui envoie de la documentation qu'on a ici à Énergie. Il a pas Internet, on a fait la documentation. Non, mais je pense pas qu'il a Internet, parce que déjà, il envoie une lettre. Mais laisse-le envoyer une lettre, je trouve ça tellement génial. Il envoie pas de mail. Mais y a pas plus, attendez, les gars, il n'y a pas plus grand kiff que de recevoir une lettre manuscrite, quoi. Envoyez-nous des lettres, là. Et franchement, il n'y a rien de mieux qu'une lettre. Moi, les lettres, vous savez où je les mets, hein, la team. Dans ton cul. Oh putain, je suis en PLS, là. Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Une nano passe pas dans la radio. Et je me fais boycotter par ma propre équipe. Easy. Et ça me fait chier. Bordel, merde, je vais me casser. Oh mon dieu, il va chier des lettres. Voilà. Non, mais il n'y a rien de mieux qu'une lettre manuscrite, mais les lettres, je les affiche dans mon bureau, les gars, je les accroche. Toi, t'as les lettres encore qui datent de 2004. C'est vrai, j'ai commencé la radio quand t'avais 12 ans. C'est vrai, j'ai plein de vieilles lettres, mais j'ai les nouvelles lettres qui sont arrivées, je les mets au mur. Et donc, du coup, si vous avez envie de m'écrire une lettre, franchement, ça fait plaisir. Mais ça nous fait plaisir à nous aussi, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais non, vous êtes mais sauf qu'ils écrivent que pour Vince. Mais non, c'est pas vrai, c'est pour l'équipe. Mais ça s'appelle Vince sur Énergie, tu t'attends quoi, toi? Mais non, mais il y a un N de Nigel dedans. Ah, he's no good, allez, calme-toi. Même pas de L, en fait. Bon. Même pas un. En tout cas, voilà, des petites lettres par écrit, ça fait plaisir. Alors, Paul qui dit tu nous caches des trucs, Vince, tu mets des trucs dans des choses dans ton cul. Damien style. Vince, j'aimerais bien grossir, mais je n'y arrive pas. Mange avec moi. On fera bientôt une émission à la rentrée, on fera une émission perte de poids, mais prendre. Prise de poids aussi. Ah ouais, il y a plein de gens qui veulent prendre du poids en muscle et tout et ils savent pas comment faire, donc on va en parler. Qu'est-ce qu'il y a, Lara? Mais je trouve que, je sais pas, moi, quand je vais entendre quelqu'un qui dit que j'arrive pas à prendre du poids, ça me fend le cœur. Je suis avec ça. S'il te plaît, t'as pas le droit de le dire. Viens bosser dans cette émission, tu vas prendre du poids automatiquement. Ouais, 10 kilos, là, en un an. Voilà, parce que c'est vrai qu'on prend du poids quand on fait une émission de soir et de matin aussi. Ouais. T'as vu le matin comment ils ont pris du poids? C'est tout le monde, hein, en fait. Mais t'es tellement crevé, t'as besoin de te consoler, quoi. T'as Marco, il a pris un petit. Souvent, il avait un petit ventre gentil. Mais là, il a. Le ventre a pris sur les côtés poignée d'amour. Sérieux? Ouais. Jérém, ça stabilise, mais tu sens qu'il y a un petit truc. Alors, Tiffany, elle a pris du poids. Excusez-moi, mais là. Bah ouais. Ah, Tiffany, il faut que tu regardes bien. Et demain, les gens vont me regarder de haut en bas. Et Frisco, c'est le record. Frisco, c'est le record. Mais ça lui va bien, je trouve. Il est tout mignon. Il a dit? Un petit nounours. Je sais pas s'il a dit, mais ouais, si. Il juge, c'est un record. D'accord. De quoi, de plus? Tu sais, je me la raconte parce que j'ai perdu du poids, je peux me la péter un peu. Le mec était gras comme je sais pas qui. C'est vrai, moi, ouais, grave. Mais Frisco, je trouve que ça lui va bien. Ça lui fait un petit nounours comme ouais, ça. Voilà. Les filles préfèrent les gros, hein. Ouais, c'est vrai, c'est ce qui est à la mode actuellement. C'est pour ça que ma meuf me touche plus. Et là, donc, les gros bits baissent mieux. Bon, on peut se calmer un petit peu, là, il est encore tôt. Ouais, 22h09. Noémie dans la maison. Ouais, sur Yo les potos, j'ai récupéré mon téléphone. Je suis de retour. Et non, je ne suis plus dans mon placard. Ah, c'est notre amie. C'est Noémie. Noémie, elle nous écoute de son placard pour pas se faire griller. Et puis là, c'est les vacances, donc elle est tranquille. Attention, c'est parti. C'est le moment le plus important de cette émission. Un des plus importants, c'est le TTFX. Oh, c'est le test de ton futur ex. Alors bon, déjà, le nom de ce jeu, tester son futur ex. Un futur ex, c'est quoi? C'est déjà ton ex, en fait. Et dans le futur. Ouais, c'est potentiellement on met la charrue, ton futur ex. On met la charrue avant les bœufs. On met les charreaux avant les... Voilà, Mathieu dit charron, Benno da Benno. Et Laurie, qui est avec nous ce soir, est-ce que tu nous entends, Laurie? Oui, je l'entends. Ah, Laurie, dans la maison. Salut, Laurie. Laurie, ma chérie, bienvenue à toi. Tu nous as contacté parce que tu as envie que Lara teste la fidélité de ton gars. Ça fait combien de temps que tu es avec ton mec en ce moment-là? Ça va faire 3 ans. 3 ans. 3 ans de relation stable ou alors c'est un petit peu parti en sucette à des moments? Non, stable, mais il n'est pas souvent à la maison, quoi. Donc voilà, je me pose un peu des questions, quoi. Ah, vous vivez ensemble à la base? On va dire, c'est pas officiel, mais bon, il vient souvent à la maison. D'accord, il vient souvent chez toi alors? Putain, après 3 ans. Voilà. Bah, quoi, bah oui, après 3 ans, pourquoi pas? Bah ouais, ça peut arriver. Sérieux? Crash down! On a encore notre chez nous à deux, quoi, mais bon, voilà. D'accord. Et là, c'est quoi? Il y a ton sens de l'orientation féminin? Ton intuition féminine qui est en train de t'alerter, en fait. Il faut que c'est un GPS. Un petit peu, oui. Ouais. En fait, déjà, il est coach sportif, donc sais qu'il voit beaucoup de femmes. Faut pas foutre la merde, mais coach sportif, pareil, ça fait partie des métiers où tu trompes, t'as plus tendance à tromper ta femme ou ton mec. C'est pas vrai. Ouais, coach sportif, femme ou homme, hein. Il y a ça, et je crois que dans le top, il y a barman aussi, et danseuse, danseur. Ah. Tout ce qui est métier du spectacle et tout. Genre du notre corps, métier en à nous. Fait. Ouais, mais même notre métier à nous, en fait. Tout ce qui est médias, radio, divertissement et tout. En fait, partout, en fait, c'est ça que t'es en train de dire. Ouais, non, il y a des métiers où c'est beaucoup moins, en fait. Voilà. Mais c'est pas grave. En tout cas, dans le cerveau de Laurie. Bon, t'es prête, Lara? On n'est jamais prêt pour Est-ce ce genre de choses. Est-ce que t'as pris tes notes? Eh oui, mais j'ai même pas terminé ma phrase. Mais vas-y, raconte. On n'est jamais prêt pour ce genre de choses. C'est vrai, c'est pas évident. T'as pris tes notes? J'ai tout devant moi, j'ai toutes les infos sur notre ami, voilà. Eh ben, c'est tombé bien parce qu'on a Léa Passy avec On prend des notes. Ah! Merci, oh, putain! Applaudissez, s'il vous plaît, merci. Et la transition, écoutez-moi ça, mais attendez! Mais que se passe-t-il? C'est tout de suite après Léa Passy, bienvenue sur Énergie, on est ensemble. On perd la mesure du temps, on attend, on se dit pas maintenant. Mais les pages qu'on tourne s'écrivent dans les tourments. On se laisse porter par le vent. On sait jamais dans quel sens. Si la route est longue, la vue en vaut la distance. Si on rêvait plus fort. S'arrêter un instant, enlever le gris des couleurs des sentiments. Envie de parcourir la terre, à l'endroit puis à l'envers. Toucher du bout des doigts nos rêves tant qu'on peut le faire. Si on rêvait plus fort. On se dit pas maintenant. Mais les pages qu'on tourne s'écrivent dans les tourments. On cherche un passage sans boussole. En dérapage, en survol. On prend les virages, faut coller au sol. Y'a pas de stage, pas décolle. Alors on prend des notes au vol. Les photos de nous qui dénotent, on les décolle. On prend des notes au vol. Les photos de nous qui dénotent, on les décolle. On cherche un passage sans boussole. En dérapage, on survole. De nous qui dénotent, on les décolle. Vince, tu vas faire quoi ce soir? On va tout casser, hey, on va tout casser, hey, on va tout casser, hey. Tant qu'on est bien assuré. Vince, 21h minuit sur Énergie. Hey, c'était chaud, hein. Oh, c'était chaud de ouf. Il y a mon assuré m'a téléphoné en me disant: bon, dis Vince, ce serait bien de payer ton assurance voiture. Je fais: comment ça? Quoi? Comment ça? Mais je la paye. Bah non, ça fait 4 mois que c'est pas réglé. Hein? Je fais: comment ça fait 4 mois? Ça fait que j'ai pas réglé. Et le mec il m'envoie. Et en fait, je l'ai payé aujourd'hui. Et heureusement que ça j'ai payé aujourd'hui. C'est 4 mois que tu conduisais sans assurance. En fait, non, je conduisais avec assurance. Ouais. Sauf que j'ai payé à l'avance. J'ai fait un truc avec. D'ailleurs, je le salue, il s'appelle Luc. Hein. J'ai fait un truc à l'avance. Sauf que du coup, ce que je fais il y a 4 mois, c'est pour que ça rentre en compte maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, je m'étais pas aperçu. Et donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je regarde, vérifie, je me dis: oh, en plus, avec tous les contrôles qu'il y a en ce moment, on vaut mieux pas se faire choper avec ce genre de situation. Ça, c'est clair. Voilà, t'imagines la galère. Tu sais, tu roules tranquille et puis, tu dépasses les jours et puis, bam, nickel. François qui me dit: vous avez déjà fait le TTFX? Non, et ça commence tout de suite sur Énergie. Laurie, alors c'est parti. C'est Lara qui s'y colle. On va téléphoner à ton gars tout de suite. Qui s'appelle comment? Il s'appelle. Martin. Martin, très bien. Je précise que Lara a toutes les infos. On l'appelle maintenant. J'espère que ça va bien se passer. On va tester sa fidélité dans le TTFX. Ouh là là. Tout de suite sur Énergie. Courasse. C'est parti. Aguel. Au pire, Laurie, on sera toujours là pour toi. Allô? Allô, Martin? Allô? Ouais, ouais. En fait, excuse-moi, tu me connais pas. Je suis désolée de te déranger à cette heure-ci. Mais c'est qui, là? En fait, je m'appelle Emma. Tu me connais pas, mais c'est Marc qui m'a donné ton numéro. Mon collègue de Basic Fit, là? Ouais, lui. Ouais, et pourquoi il t'a donné mon numéro? En fait, je t'explique. Je sais que c'est un peu bizarre et tout. Il est tard et tout, mais. Bah oui, il est tard, là. Mais peut-être que tu me connais, en fait. Je vais souvent à la salle. Et je connais super bien Marc parce qu'on se connaît depuis hyper longtemps. Et l'autre jour, en fait, je vous ai vu. Je sais pas si tu te souviens. Il y avait un événement à la salle, je sais pas si tu te souviens de ce jour-là, vous étiez là à deux, et moi j'étais là en train de m'entraîner et tout, je sais pas, à un moment donné je vous ai regardé en train de parler et tout, parce que bon, je connais super bien Marc, et je me suis demandé qui t'étais, parce que je me souviens pas t'avoir vu les autres fois, et bon, après, écoute, je sais pas, excuse-moi, t'as un peu le temps là, parce que je ouais, t'inquiète, de toute façon, là, ce soir, je suis tout seul, là, ma copine, okay. Elle est pas là, donc tranquille. Ah, t'as une copine, ok. Bah, en fait, ouais, voilà, continue. Ok, d'accord, bah écoute, très bien. En fait, Marc, il m'a dit que t'étais coach. Ouais, je suis coach à Basic Fit, ouais. Ok. Et en fait, voilà, moi, je cherche un peu alors, je t'explique, en fait, j'aimerais bien, je sais pas si t'as le temps, en fait, avec les fêtes et tout, mais est-ce qu'on pourrait peut-être se voir pour voir si on peut faire un planning ensemble à la salle? Ouais, mais pourquoi Marc n'y a pas fait avec toi alors? Ben en fait, Marc, je le connais trop bien et en fait, je sais pas comment. Bon, écoute, c'est quoi? Je vais te le dire. Je vais te le dire clairement. J'ai un peu comment je vais te dire ça. J'ai un peu. Enfin, j'ai envie que ce soit toi, quoi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah merde, ça a raccroché en fait. Moi, il a mais coupé c'est quoi? Non, ça a duré deux secondes là, il y a eu un clac-clac. Moi bah, je me disais, c'est quoi le bruit là? Direct. Attends, c'est en rappel. Je suis en train de faire ma meuf. Dicté, on a été coupé. On recoupe nos micros nous. Ouais, allô? Oui, excuse-moi, on a été coupé, je sais pas pourquoi. Bah, je sais pas non plus. Ok, non, mais pas de soucis. Écoute, en fait, voilà, mais c'est bizarre parce que ça a coupé juste au moment où j'étais en train de te dire un truc hyper perso. En fait, j'ai pas envie que ce soit Marc parce que j'ai envie que ce soit toi en fait. Mais pourquoi tu veux moi en particulier? Bah, écoute, voilà, je viens à la salle, il y a plein de mecs qui sont là, j'aurais pu prendre plein d'autres gars pour... Mais j'ai envie que ce soit toi, j'ai envie que ce soit toi, parce que voilà, j'ai kiffé sur toi, la vérité c'est ça. Ouais, c'est chaud quand même comme situation. J'avoue qu'en fait, quand t'as dit que t'as une copine... trop envie de foutre la merde, moi aussi, mais tu me dis, genre, c'est, je sais pas, vite fait, je sais pas quoi. Bah, après, c'est parce que ça va pas trop entre nous non plus, tu vois. Genre, y a pas longtemps qu'on est ensemble, tu vois. Donc, c'est un nouveau couple, tu vois. Ah, d'accord, ok. Bon, mais tranquille, enfin. Après, je sais pas, ça dépend un peu. T'es déjà. Je veux dire, t'as l'habitude d'aller à la salle et tout. Ouais, mais écoute, moi, en fait, je m'entraîne. Enfin, je sais pas, quoi, ta question, c'est de savoir comment est-ce que je suis, c'est ça? Ben, j'aimerais savoir un peu, genre, t'as un bon boule et tout. Oh my God, t'es cash. Non, je veux savoir, genre, un peu ta condition physique et tout, tu vois, genre, si t'es sportive, tout ça, tu vois, genre... Ben, je suis sportive, mais je suis pas, genre, sèche, sans forme, quoi. Je suis bien, je m'entretiens. J'avoue que, voilà... derrière, ça se passe bien. c'est fourni, t'inquiète pas. Et ouais, je suis brune. Voilà, je suis plutôt grande. Voilà. Je sais pas si ça te. Ah, du coup, tu vas savoir qui je suis, à mon avis. Enfin, je sais pas, peut-être que tu m'as vu. Mais... Bah, écoute, franchement, je te le dis honnêtement, non, je me souviens pas t'avoir vu, mais. Ouais, c'est avec plaisir de demander. Mais justement, en fait, je voulais te demander un truc, c'est que. En fait, j'ai pas tellement envie de. Je sais pas, je préfère en fait te rencontrer en dehors de la salle, si ça te va. Ouais. On peut peut-être se voir... je sais pas, on peut peut-être s'entraîner ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Moi j'ai mon appart et tout, donc tu peux passer chez moi si t'as plus facilement... Ok, bah écoute, c'est très bien. Je vais passer. Je sais pas si je peux passer là, d'ailleurs. T'es seul? Ma copine, elle rentre pas tout de suite et tout. Mais genre, si tu veux, enfin moi, j'aime bien aller boire des verres avec mes amis et tout, tu vois. Donc, si tu veux, tranquille, on peut aller boire un verre et tout ensemble. Maintenant. Comme ça, on peut un petit peu faire connaissance et tout, tu vois. Et... D'accord, mais tu sais ce qu'on peut faire, si tu veux. On va boire un verre et en fait, plutôt que... Parce que je sais pas... Je t'avoue que bon, ce truc de copine et tout, on va faire comme s'il n'y a pas, tu vois. Voilà, j'ai rien entendu. Ouais, ouais. Parce que moi, j'ai kiffé sur toi, donc voilà. Ce que je te propose, c'est que peut-être on se voit, on va boire un verre là. Et puis, au pire, si on peut pas aller chez toi, ben, on va chez moi. Ou, voilà, on trouve une solution. Bah ouais, vas-y, pas de problème. Hein. Ok, mais c'est quoi? En plus, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, ça fait 3 ans. Et c'est quel appareil, là? T'es de ma gueule ou quoi? Laurie? T'es vraiment qu'un gros bâtard. Non, mais Laurie, c'est pas... Enfin, en fait, je savais que c'était... Non, j'ai tout entendu, t'es de ma gueule. Non, Laurie, je te jure, je savais que c'était une blague et tout. Donc mais jure pas. J'en sais pas que c'était une blague. Oh, allez, s'il te plaît, c'est même pas qui t'appelle. Incroyable. Non, il nous entend, là. Il nous entend pas. C'est une cliente, je savais que c'était tapote et tout. Genre, c'était pas normal qu'elle m'appelle. Tu parles avec tes clients comme ça, toi. Bon, je vais changer un pneu. Non, mais c'est pas normal qu'elle m'appelle. Vas-y, Lara. Vas-y, parle-lui. Martin. Non, mais c'est pas vrai, Laurie. Enfin, non, je te jure, je savais que c'était une blague et tout. T'inquiète. Tu me dégoûtes. Non, tu me dégoûtes. Franchement, tu me dégoûtes. Mais Laurie, vas-y, ça fait 3 ans qu'on est ensemble et tout, comme si je t'ai déjà trompé. Bah écoute, là, je commence à avoir des doutes. Mais non, Laurie, mon cœur, je t'aime. Non, tu me dégoûtes, franchement, t'es un gros connard, tu me dégoûtes. Mon cœur, je t'aime, je te jure, c'était une... Non, mais dis-moi pas, je t'aime. Mais dis pas, je t'aime. La pauvre. Et t'es où, là, en plus Elle est chez Énergie, ma gueule. Ah non, on lui dit pas. Non. Il m'entend? Oh merde, il a entendu. Bah oui, il a entendu. Ah bah bravo. Oh non. Bon, bravo. Comme ça dans tout le monde. Ah ouais. Bon, attends, je vais m'emmêler quand même, hein, parce que là. Non, c'est un bon gars, lui. Non, c'est un bon gars de où, c'est un bon gars. Ça fait 3 ans avec sa meuf. Martin. C'est un gros connard, c'est tout. Maintenant, toutes tes clientes, elles savent que tu vas baiser tout le monde. C'est bon. Martin, t'es quand même méga chaud, mec. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Je veux dire, tu dis, ça fait 3 ans. Enfin, voilà, maintenant, t'es enroulé, c'est pas ça, mais. Mais non, mais vous êtes quel genre de gamin faire des blagues comme ça en même temps? C'est pas vraiment une blague, hein. Quel genre de gamin pour me tromper, espèce de connard? Voilà, disons que c'est la demande de Laurie, hein, nous. Après, nous, on signe les papiers de décharge. On fait notre taf. Comme ça devant tout le monde, sérieux, vas-y. Bah ça va, t'es pas une star un non plus, Martin. De service, c'est ah, c'est peut-être Martin Solveig. Ouais, est-ce que tu twerks? T'en es malin, je me bats les couilles. C'est quoi, c'est Kamal? Allô, Martin. Raccroche, je te jure, raccroche. Bah, il a raccroché en fait, Laurie. Il a raccroché, ma chérie. Il a raccroché. Chaud. Oh là là. Bravo! Mais non, d'où bravo? D'où bravo? La pauvre, elle est deg. Jules qui est le seul à applaudir, putain, tu vois, le gars. Moi, je kiffe. Mais tu kiffes, mais c'est pas mais cool non, pour Laurie. Non, mais lui, il aime quand les filles pleurent, c'est juste ça. Non, c'est... pas les filles, je respecte ta femme. Doucement, parce que quand même, ça me fait mal au cœur. Laurie, c'est des moments forts. Ça, comme la friendzone, en fait. Friendzone, on crée un couple. TTFX, non, mais ça peut bien se passer dans TTFX. Je suis désolé, Laurie. Maintenant, t'as eu une alarme dans ton cerveau. Celle-là. Ouais, bah là, c'est vraiment confiant. Tu l'as senti, quoi. Tu sentais qu'il y avait déjà quelque chose qui était pas très net à l'avance. Désolé, je suis désolée. Oh, Laurie, voilà. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi, ma chérie? Non, ça va. Non. Je serai là, toujours pour toi. N'importe arrêtez, les gars, arrêtez, vous êtes dans la bulle. Eh non, c'est vraiment pas le bon truc, là. Pleure, ça Laurie, ma chérie, attends, je vais te parler aux antennes. Attends. On va parler. Ouais, je vais lui parler parce qu'au départ, quand on s'est parlé avant, elle a dit qu'elle voulait vraiment savoir ce qui se passait. Ouais. Bon, là, elle est un peu sous le choc, mais a priori, non, voilà, ça va s'estomper. Et je pense qu'elle est... Il vaut mieux qu'elle soit au courant, c'est ce qu'elle voulait. Eh ben dis donc, j'adore parce qu'il y a Peno qui me dit 2 sur 2 pour ratage pour la soirée. Non, mais surtout, tu te compiles l'énergie pour la réconforter. Non, mais arrête, Nigel. Non. Le jour, il va... Et un abonnement Basic Fit. C'est incroyable. Oui. Nigel, non, désolé. Tu n'as pas un petit peu de, je sais pas, d'empathie pour elle? Mais par contre, elle, là, direct, elle peut aller sur Facebook, mode célibataire. Mais tu trouves pas ça mieux que de savoir que ton copain, il est... Je sais pas. C'est... Bon, ça blesse quand même. Bah c'est normal. Au passage, s'il y a des filles qui veulent se faire troncher, qu'elles aillent chez Basic Fit à BX, c'est bon. Hein. Ok. Elles t'ont pas pu trouver. Bon, bah. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que quand Larelle lui a dit ouais, t'es en couple, ouais, non, ça fait pas longtemps là. Ça fait pas longtemps, il dit. Ouais, mais ma chérie. Binoret, il a quand même dit un truc. Je vais essayer de faire l'avocat du diable. Il a dit non, mais je savais que c'était une blague, je jouais le jeu, etc. Bon. Peut-être, hein. Je vais jouer le jeu, c'est sûr. Hein. Je faisais le. Il n'y a pas assez d'arguments pour faire l'avocat du diable. J'ai pas, il a pas. Non. On dit, regarde, il y a plein de messages pour toi. En tout cas, on nous dit, laisse tomber un gars pareil, il te mérite pas. Ce mec, c'est une merde. Nigel, sa compassion est morte et enterrée. Un abonnement, vas-y, fille, mort de rire. Nigel, putain, tu fatigues. Nigel, au top incroyable. Franchement, quel enculé le mec. Sérieusement, il y a plein de messages vocaux aussi qui sont. Des messages vocaux, pardon, qui sont arrivés. C'est le briseur de couple est devenu Vince, le briseur de couple. Bah non, c'est Lara, la briseuse de couple. Il m'a tué. Ah, ça fait pas longtemps. Doucement. Ah oui, c'est ça. Antoine. 22h22. Ah, c'est vrai, on a raté le 22h22 là tout à l'heure. Là. C'est un gros chorizo qui nous a été envoyé. Tania qui dit courage et Letty qui dit laisse tomber, franchement, ce mec-là, là, c'est là, pour toi, Laurie, là, de la part de Letty, ça vaut pas la peine. En tout cas, n'hésitez pas à des petits messages à envoyer à Laurie, on les relaye avec plaisir. On te fait un bisou, Laurie. Reste avec nous, Lara va te parler aux antennes, ça va? Ouais. Adieu. Allez, bisous, ma chérie. Le son de... Wow! Body! Lord Luxury! C'est ce qui arrive tout de suite sur Energy. Bougez pas, on a encore le Check Pas Ton Snap qui va arriver. Make a sound. 2 a.m. low, gotta keep it down. Don't wait around for a signal now. Give me some verb, I ain't talking now. You wanna ride in the six. You wanna down in the six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. I want that cruel love. Hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Body on my, losing all my innocence. Yeah, body on my, finding all my innocence. Yeah, body on my, losing all my innocence. Yeah, body on my, finding all my innocence. Yeah, body on my, losing all my innocence. Yeah, body on my, riding on my innocence. Yeah, body on my, losing all my innocence. Yeah, body on my, riding on my innocence. Yeah, don't lie. Incidental. My bad, never got the memo that you never have fun while you're in the limo. Yeah, you wanna ride in the six. You wanna dine in the six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Hell nah, been waiting. WhatsApp, ça tombe bien. Vince aussi. 0492 222 002. Écris-lui pour vérifier s'il est bien en direct. Oh mon Dieu, non, ne vérifiez pas. Non, le secret va être percé, va être mis à jour. Hey, bienvenue sur Énergie, la famille, la team, le squad, on est là, ensemble, tranquillou là. Si, si. Vous êtes très nombreux à être connectés le soir là avec nous sur Énergie. Voilà, on est sorti d'une situation là, la pauvre. Ah tiens, il y a Kelly qui m'envoie. Donc les micros sont coupés. Lara, elle a appelé le mec de Laurie. Elle lui a dit ouais, je t'ai vu à la salle de sport, nanana et tout et tout. Et parce qu'en fait le gars il est coach. Et alors le gars il a dit ouais tranquille et genre. Ah je crois que Kelly en fait voulait envoyer ça à une copine à elle, mais elle l'a envoyé ça à moi. C'est pas vrai. Kelly, je crois que tu t'es trompé, je crois que c'était pas pour nous que tu voulais envoyer ça plus à. Ouais, dommage. Non mais tu sais que parfois j'ai des vocales que je redécouvre, genre ils voulaient envoyer ça à leur pote, genre ouais, écoute maintenant Énergie, il se passe un truc, en fait ils ont envoyé. Ils ah, ont c'est moi. Extra ça. Ah non, c'est ouf. Il y a Souma qui est connecté aussi là. Et la vie de ma mère, je suis devenu accro à vous, mec. Aïe aïe aïe, Souma est dans la maison. Sur Énergie. Aïe aïe, à vous de Mbolos. Eh mais vous de Mbolos. Et merci pour vos messages, franchement c'est cool les notes vocales là. 0492 222 002. Je trouve ça décevant de sa part. Quitte-le, moi si tu veux, moi je suis quelqu'un de bien. Je suis tout le temps fidèle avec les femmes. Franchement, c'est un manque de respect. Chorizo! Eh ben franchement, mine de rien. Je dis un truc, mais elle pourrait passer au Vince Dating. Hein. Ouais, mais je lui ai dit. Pour ceux qui viennent arriver sur Énergie, bah, tu sais, on est un peu deg. Hein, on est ouais, un peu deg parce que. On s'est parlé hors antenne parce que ça lui a fait un petit choc. Ouais. On a remis ça, c'est vous qui voulez le tester. Après, c'est dans entre vos mains. Vous avez une opportunité, vous avez un test. Bah, on peut le faire. Mais après, bon, quand il y a la réalité qui tombe, parfois ça peut bien se passer. Mais quand il y a réalité qui tombe. On n'est pas responsable parce qu'au final, c'est les personnes qui veulent les tester. Elle n'est pas fâchée contre nous, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est ça. C'est comme si elle faisait ça entre copines. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Et Kylie qui me dit j'ai honte, excusez-moi. Non, mais il fallait pas supprimer ton message, je voulais écouter en complet. Allez. Ma chérie, renvoie-le-moi, s'il te plaît. Non, non, non, je vais garder ça dans mes dossiers. Peut-être. Mais oui, Kylie, il fallait pas supprimer. Carlo, il nous dit quoi, Carlo, là? En vrai, je vais pas faire l'avocat du diable, mais je vais quand même défendre Martin. De un, les filles, elles aiment bien dire ouais, on préfère les actes que les paroles. Là, c'est fictif, c'est que des mots. C'est vrai que le gars il a déconné, mais ce sont que des mots. Il n'a pas agi, il n'a pas ken Lara, il n'y a rien eu. Et de deux, il a assumé le fait qu'il avait une copine. Il a peut-être dit pas longtemps, mais il a quand même assumé qu'il avait une copine. S'il aurait dit, ouais, genre, s'il avait dit, pardon, j'ai pas de meuf, nanana. C'est vrai que ça aurait montré beaucoup plus. Donc pour moi, c'est vrai qu'il a foutu la merde. Mais voilà, faut pas. Mais il n'y a pas de preuve matérielle contre un juge. Vince, 21h minuit sur Énergie. Rejoignez Vince sur Facebook, V-I-N-Z. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Sur Énergie, on vous joue vos hits préférés sans s'arrêter. Dans la playlist Énergie. Chaque jour à 9h et à 20h, c'est vous qui programmez. Vous qui décidez. Vous choisissez les hits de votre radio préférée. Les hits énergie, c'est vous qui les choisissez. Créez maintenant votre sélection musicale gratuitement sur énergie.be. La playlist énergie inspirée par vous. Je me lève un peu fracas, j'ai le sommeil qui perdure. J'ai trop de choses qui me tracassent, j'ai trop de choses qui me perturbent. J'ai tellement de bails à faire, j'ai peur de les laisser tomber. Le temps d'avoir les idées claires, la nuit vient de tomber. Je vais tout remettre à demain, tout remettre à demain. Ce soir c'est mort, tant pis je sors, je n'ai plus qu'à me dire à demain. Le réveil sera le même entre la flemme et la folie. La virgule sous la semelle m'emmènera voir les homies. On va finir encore chez Blaise, dès le matin à avoir des fécas. Au lieu d'aller bosser mes cesses, ça va taper le ping-pong sur la pelota. La fois qu'on ira peut-être, peut-être qu'on ira demain. Quand je vois les potes arriver breliquer 2-3 packs de vin. La journée s'annonce superflue, branleur en est la vertu. Buvant quelques fûts, suivant l'habitude. La journée s'annonce superflue, à 2 grammes j'ai pris de l'attitude. Mais j'ai la certitude, aujourd'hui j'arrête les études. J'avoue, on aurait pu mieux faire. On aurait pu aller en course, aurait fait plaisir à ma mère. On aurait pu mieux faire. T'aurais fait plaisir à ma mère. J'avoue, on aurait pu mieux faire. On aurait pu aller en course. Aurait fait plaisir à ma mère. On aurait pu mieux faire. C'est pas une journée de peur. J'avoue, on aurait pu mieux faire. On aurait pu pu aller en course, aurait fait plaisir à ma mère. Mais je préfère le casser la vodka, les répètes qui se passent à l'avocat. Mais qu'est-ce que je bande quand je rappelle la prod par qu'est-ce que je branlais sur les bancs de la fac. Qu'est-ce que je branlais dans ma vie avant d'arriver à ce jour. J'ai tellement changé depuis, je vois plus la suite en contre-jour. Prise de conscience en pleine gueule. Maintenant je sais comment m'occuper avant le cercle. C'est pas une journée de paix. Et j'avoue, on aurait pu mieux faire. Ça aurait fait plaisir à ma mère. Mais j'avoue, on aurait pu mieux faire. On aurait pu aller en cours, ça aurait fait plaisir à ma mère. On aurait pu mieux faire. Ça aurait fait plaisir à ma mère. Tu peux rater l'émission une fois, ce n'est pas grave. C'est pas 15. Tu peux rater l'émission deux fois, mais... pas 15. Tu peux rater l'émission trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois. 10 fois, 11 fois, 12 fois, 13 fois, 14 fois. Pas 15. Vince, 21h minuit sur Énergie. Et encore une fois, merci, merci, merci. Je vous le dis 100 fois, merci, merci pour tous les messages que vous envoyez le soir. Natsu, Django qui est connecté, Wassim là, qui me dit Vince, que tu pourrais faire un. Tu vois le délire? Ouais, évidemment. Voilà. C'est quoi ça? Ouais, c'est pour lui faire plaisir. Tiens, Nassim, c'est pour toi ça. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Fin du game, Doom Doom Vie. Voilà. Pamela qui est connectée aussi. Pamela qui fait des dessins de ouf. Elle m'envoie des photos. Regardez ça, je vous montre ça, les gars, sur le WhatsApp. Waouh, c'est moche! Deux avis différents. Pamela, vraiment très classe que tu fais. Ça fait deux avis, voilà, ouais. Deux avis contre un. Et deux vies différentes aussi. Exactement. Et merci en tout cas à Erwan qui est connecté aussi. Là, mon daron. Comment ça, ton daron là? Fin de match 2-2, prolongation. Ah, mais oui, c'est vrai, il y a un match là. C'est l'Union Saint-Gilloise contre Gang, je crois. Vince, ça me manque ton émission. Coupe de Belgique? Ouais, en Coupe de Belgique là. 2-2 là. Putain, c'est pas mal pour l'Union Saint-Gilloise. Trop fort! Trop fort, ouais, parce que Coupe de Belgique et l'Union Saint-Gilloise qui jouent en D2 et yes. Qui montent de plus en plus de niveau et tout là. Ouais. Un club de Bruxelles à Saint-Gilles d'ailleurs, bah c'est voilà Bruxelles, c'est Parc du Den. Et ben ils sont en train de jouer contre Genk 2-2, c'est sympa. Et, match fini. Hein. Et des... Ah, match fini 2-2, c'est bon. Ouais, donc ça veut dire qu'il y aura un match retour. Ah bah voilà, ouais, j'écris trop fort, merci pour les notes vocales. Ça tue. Pour les vocales, tac. Non, franchement, ça fait plaisir. L'auditeur, il nous écoute pas. Il est en train de nous faire partager ce moment, là. Ça déchire. Franchement, continuez comme ça, les amis. Vous n'êtes même pas obligés de nous écouter. Hein. Si jamais vous êtes occupé à faire un truc, ben, vous avez une petite pensée pour nous. Ouais. Dites-vous votre message. Dès que vous le voyez vu, il y a des chances qu'il passe à l'antenne, quoi. Georges de la maison avec énergie. Yeah. Et un premier message d'une personne. Elodie est dans la maison. Sur énergie. Merci, Elodie. C'était son premier message. Et bien sûr, ça s'applaudit. Oh ouais, bravo. 0492-222-002. Encore une fois, le 0492-222-002. Vous ajoutez au contact, vous m'envoyez un message, on arrive. Ah oui, sérieux? Ah oui, bah, attendez, j'ai oublié de dire un truc important. Bah, la beauté que je suis. On va parler de quelque chose de méga important ce soir. Quoi? Ah ouais? Ah oui, la good life avec le smartphone. Ouais. Eh bien, mesdames et messieurs, est-ce que vous serez capable de vivre pendant un an sur votre smartphone contre 100 000 $, 88 000 euros? Yeah! Je veux vos réponses maintenant sur le WhatsApp. Oui ou non? Expliquez-nous un peu. Et c'est quoi le plus longtemps que vous ayez tenu sans smartphone? Le plus longtemps que vous ayez tenu sans smartphone? Okay. On en parle tout de suite. Et enfin, Camila Cabello, Consequences. Je relance le son. Et ouais, c'est comme ça que ça se passe. Bisous à Perrine qui est là aussi, et Talia. Glasses on the sink, they didn't fix you. Lonely pillows and a stranger's bed. Little voices in my head. Sacred caving, stop the bleeding. Lost a little weight because I wasn't eating. All the songs that I can listen to tell the truth. Loving you was young and wild and free. Loving you was cool and high and sweet. Loving you was sunshine, safe and sound. A steady place to let down my defenses. But loving you had consequences. Hesitation, awkward conversation, running on low expectation. Every siren that I was ignoring, I'm paying for it. Loving you was young and wild it's cool and high and sweet. Loving you was sunshine, safe and sound, a steady place to let down my defenses. But loving you had consequences. Un mec qui est disponible H24 pour t'aider. Vince. 21h minuit, du lundi au vendredi. Vince sur Énergie. Vince, c'est dans la maison. Merci, 22h41. Vince, on n'entend pas beaucoup les standardistes ce soir, bah, comme d'hab. Hein. Mais parce qu'ils n'ont pas de micro. Ouais, c'est vrai, c'est parce qu'ils n'ont pas de micro, les pauvres. C'est pour ça, là. Ah, il y a Pierre qui m'envoie une photo. Et Charles-Michel rentre à la maison, qu'on nous a dit. Bah, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ça continue ou pas pour lui là? Il est parti, il n'est pas parti? Je sais pas, moi. C'est quoi l'info là, finalement là? Charles Michaud. La conclusion, ça dit quoi là? Il dit peut-être qu'il a des infos, il dit. Ouais, je crois qu'il attend le mercato de janvier. Aussi, ah ouais, pour le transfert. Il a peut-être signé à Manchester United. Alors, non, mais je regarde un petit peu. Ouais, pour l'instant, on attend. Ouais, ça, voilà, c'est en stand-by. Oh, c'est voilà, il a démissionné, mais le roi il tient sa décision là. Genre, ah, je vous dirai. Je vous heureusement dirai. Qu'il est là, lui. Ouais, c'est ça. Enfin, bon. Ah non, hein. C'est parce qu'il est en vacances. Je tiens ma décision parce que je suis en vacances. Oh non, j'aime pas ça, moi. Ouais. Oh. Moi, bon. Je suis très fière qu'on soit dans un royaume. C'est vrai, t'aimes bien. Oui, parce que ça garantit l'unité de ce pays. Oh, c'est beau ça. Oh, tout à fait. Machallah. Ouais, je pensais qu'il y a deux régions. bah, et qu'elles sont toujours conjointes. Je taquine, bien sûr. Alors, je vous avais posé la question, les amis. Est-ce que vous serez capable de vivre un an sans smartphone? Oh. Autour de la table, tout le monde a répondu non. Non, mais après, t'as dit que c'était pour 100 000 euros. C'est pour 100 000 euros. 100 000 euros qui vous seront offerts en guise de récompense. Le défi lancé par la grosse marque, là, Vitamin Water. La marque qui appartenait à 50 Cent à une époque. Ouais, à l'époque, ouais. Ouais, il a acheté ça à un gars, là, comme ça, tranquille. Tiens, je vais acheter ton truc 1 million. Ouais, et ouais. Comme Coca-Cola a racheté ça 3 milliards, eh ben, lui qui avait un investissement d'autant de pourcentage, ben, c'est là qu'il a gagné, je crois, 100 millions de dollars. Ouais, c'est un truc de ouf. Hein. 100 millions de dollars, voilà, il a gagné parce qu'il a récupéré ses parts au rachat, il a revendu. Et comme les mecs qui ont fait Instagram, il y a un belge là-dedans. Ah oui? Bah le belge, lui, tout seul, je crois qu'il a pris 50 millions d'euros, un truc dans le genre. Bah il y avait un belge dedans. En même temps, il a cru en quelque chose bien sûr. Dans le futur. D'ailleurs, je vous propose d'investir dans Vince 21h sur Énergie. Ouais, c'est cherchons des investisseurs et attention, parce que c'est peut-être revendu à un gros groupe comme Coca-Cola à un moment donné. Alors, on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, exactement. Vince, ou alors, je cède les full droits à Énergie, tu vois, peut-être. Voilà. C'est con, bon, pas déconner. C'est un peu con, ça. Alors, vivre d'eau aromatisée, oui, parce que c'est des arômes, Vitamin Water et tout ça. Bah, en gros, ils ont lancé ce truc-là. Ils se disent, ah bah tiens, on va proposer un concours auquel les Américains peuvent participer. Donc, il faut se dire que déjà, c'est fini. Hein. Tu dois laisser tomber Tinder, tu dois laisser tomber WhatsApp. Ouais. Tu dois laisser tomber, en fait, toutes les fonctionnalités d'un smartphone. Oui. Instagram, pas aller vérifier tes notifications, les mails, tout. En fait, un petit retour, genre, quasiment 15 ans en arrière, quoi. En 82, quoi. 10 ans, 10, un peu plus de 10 ans en arrière. Est-ce que vous seriez capable ou pas? On va accueillir Brian dans le standard dans quelques instants, mais d'abord, on nous dit Vince, moi, je pourrais vivre sans smartphone un an et plus. Donc, Pablo, tu nous envoies plus de messages, hein, tu te rends compte. Hein, Pablo, ce combat. Tu peux plus nous écouter sur energie.be, quoi. Il y a la radio. Ouais, c'est vrai. Vince, je pourrais facilement me passer de mon smartphone pour cette somme-là. Je suis déjà resté 2 ans avec un vieux GSM car mon smartphone était cassé. Oui. Quelle bonne idée, il a raison, lui. Avec un vieux téléphone, parce qu'en fait, ça veut pas dire que tu peux plus avoir de communication. C'est juste que t'as plus un smartphone. Mais t'as toujours, tu peux toujours avoir un téléphone. Je crois que tu as toujours le droit d'avoir un téléphone. Il faut regarder le règlement parce qu'ils n'ont même pas précisé. Mais en fait, smartphone, c'est tout ce qui est Twitter, Instagram, c'est tout ce qui est connexion online, quoi. Ouais, réseaux sociaux. Quoi. Voilà. Chaud, et tes mails aussi. Voilà, donc t'es coupé du monde. Enfin non, parce que tu peux. Mais je précise que sur 1000 dollars, c'est quand même 88 000 euros, c'est 7300 euros par mois. Hein. Mais 7300 ouais. Mais oui, mais évidemment, ouais. Mais en fait, tu peux tout faire par ordinateur. Non, ça compte pas. C'est-à-dire qu'on te demande vraiment de vivre, à mon avis, une vie vraiment sans, non connectée. Alors après, si tu triches et sur le côté, tu fais ça, dès que t'es dans la compétition, à mon avis, tu te fais balancer sur Twitter, je regardais, mais lui est toujours connecté, il tue en encore. La question, c'est est-ce qu'on est une d'accord de se déconnecter des c'est réseaux ça. Sociaux et de nos mails, par exemple. Voilà, exactement. Ok, d'accord. Et donc, ça, c'est la question qu'on vous pose. Alors, courage à Antoine qui fait du paintball et qui en souffre, qu'il a eu mal, visiblement, là. Alors, Vince, moi, je pourrais, mais pas ici, en Belgique, mais plutôt au bled. Bah oui, au bled, parce que ça coûte trop cher la 4G là au bled. Sérieux ? Alors le plus longtemps que j'ai réussi à tenir sans GSM, c'est 5 heures par jour quand je dors. Ouais. Bah, tiens, vive le Nokia 3210 qu'on m'a envoyé. Alors une petite note vocale qui est arrivée là. Ouais, allô. Allô. Anthony de la maison. Sur énergie. Dédicace à Soum. Message passé. Et Anthony ? Il y a Nassin. D'accord, en fait, lui fait ses dédicaces. On l'entend mal, il fait. Oh, dédicace à lui, là. Et puis à celui-là. Alors, putain, Vincent, téléphone, on fait comment, là, c'est chaud, hein. Bah, tu vas louer sur Proximus TV, hein, que je te dise, moi, code 1234, et puis c'est bon. Force à toi, frérot. Putain, Vince, les gens, ils sont trop débiles. Ils t'allument pour la photo que tu as mis, mais. Ils diront pas du tout ce que tu as fait de bien, aimer, rire, divertir. Force à toi, frérot. J'ai pas compris le message. Parle, je sais pas, d'une photo que t'as postée. La photo que t'as postée. Ouais, je sais pas quelle photo. Voilà. Oh, je sais pas. Voilà, c'est pas grave. Alors, ah ouais, peut-être la miss là qui louche un peu. Oh ouais, là, j'ai mis une photo qui a un strabisme. Et des gens qui m'ont clashé en mode, parce que j'ai mis la photo de la Miss Guadeloupe qui a un léger strabisme. Et des gens qui m'ont clashé en mode, ouais, tu ferais mieux de te regarder dans une glace. Et j'ai mis une photo de moi en disant, bah oui, je me suis vu et j'ai aussi un strabisme. Parce que j'ai un strabisme en fait. Quand j'avais frustré, oui. Quand j'avais mes lunettes, j'ai un strabisme, tu vois. Bon voilà, maintenant je suis capable de foutre une photo de moi sur internet et de foutre de ma propre gueule. Mais bon, oui. Voilà. C'est pas grave, ils pouvaient pas savoir, les pauvres. Vince, moi perso, je garde mon téléphone. Alors, me concernant, je ne pourrais pas rester un an sans téléphone, mais je pourrais confier ce challenge à ma sœur. Ça fait un an que ma mère lui a confisqué son tel. Limite, ma mère a oublié qu'elle en avait un. Mais non. Alors, Vince, moi j'accepterais mon score des 17 mois. Mon score c'est 17 mois juste parce qu'il était cassé. Voilà, ok, pourquoi pas, putain. 17 mois, dis donc. C'est pas mal, 17 mois, c'est énorme. Hein. Dites-nous la 0492 222 002. Continuez comme ça, vous êtes géniaux. Merci, Jonathan, c'est gentil. Brian qui vient pour réagir. Allô, Brian. Allô, Brian. Allô. Hey, Brian est dans la maison. Énergie. Ça va, Brian? Ça va et toi? Ça va, mon pote? Tranquille, tu viens de quelle ville? Tranquille. Il vient de Charleroi. Charleroi est là, et j'ai grandi. Mais j'ai grandi à Charlouze. Charlouze? Oh my gosh. Alors raconte-nous un petit peu, Brian, toi, est-ce que tu serais capable de faire le truc ou pas? Bah en fait, personnellement, non, tu vois. Si j'aurais un PC portable ou quoi dans le genre, tu vois, j'aurais dit ok, tu vois. Ouais, j'aurais, Mais du coup, tu fais comment, tu vois, tu vois, pour les pornos et tout, tu fais comment, tu vois? Enfin, mais... Bah attends, mais y a pas que ça. Mais tu penses que... Parce qu'elle habite, lui. Mais tu vas faire ça avec ton cerveau. Tu fais ça, tu penses, tu réfléchis très fort. Bah ouais, mais je sais bien, mais même si t'as une TV ou quoi, tu fais comment, tu vois? Bah, en plus t'as pas les mains pleines, comment tu fais pour poser ton téléphone déjà quand tu fais ça? Enfin je sais pas, tu le tiens d'une main et puis tu fais avec l'autre ou quoi? Mais carrément. D'accord, ok, bon. C'est chelou. Donc ouais, lui son smartphone c'est pour garder du cul. Ok. Nigel. Ouais. Je crois qu'entre toi et moi c'est un peu chelou. Quoi? Je crois qu'entre toi et lui c'est un peu chelou. C'est ça. Pourquoi? Vous m'entendez bien au moins? Mais ouais, mais t'es bizarre. Mais vas-y, raconte ta vie là, parce que je sais que j'ai quelque chose avec plein de virgules en fait. Donc vas-y. Bah, je vous entends mal en fait, les gars. Mais c'est normal, je crois que tu nous écoutes avec ta radio et puis tu attends d'avoir le son pour répondre en fait. Salut. Spécial. Brian. Ouais, allô. Écoute, si t'as envie de te branler, bah tu vas chez ta mère, voilà. Enfin, ça va pas. Bah, je rigole. Arrête, t'es fan. Tu vois, il est pas tout seul en plus, il y a du monde derrière. C'est pour ça. Mais il y a ton cousin. Mais il a une radio tout le temps. Et bah, tu demanderas à ton cousin de avec la niquer sa mère. Voilà. Ah, non. Niquer ta mère, frère. Doucement. Ça part en insulte gratuitement, là. Brian, on te fait un bisou, mon pote. Bisous à toi. Et bon courage pour la branlette. Bon, standard, qu'est-ce qui vous est arrivé, là? Vous avez craqué ou quoi, là? I'm love it. Merci, Noah. J'ai mon téléphone, mais je reste pour je reste écouté quand même, j'ai mon radio réveil. Merci, c'est gentil. Et Isor qui nous écoute là, avec son radio réveil qui est pété là. Vince, moi ce serait grave trop chaud de le faire, mais par contre, il n'y a rien à faire, j'ai un problème avec les notifs, je suis méga accro à ça. Mais ça c'est une réalité ça. Et les notifications, c'est un truc qui nous rend méga accro. Moi j'ai coupé tout. Et toi tu coupes les notifications. J'ai pas de notifs moi, j'ai pas Facebook Messenger. Sérieux? Je trouve que c'est vraiment le comble de l'intrusion. Ah ouais, d'accord. Et puis voilà. Ouais. Putain, je dois chier comme un porc. Non mais sérieux, mais rien à voir. Quoi non, on parle d'un sujet méga important et puis t'as l'autre qui vient pour sa branlette et l'autre il dit je dois aller chier. Non, pas ça. Hey, tu sais que moi sur mon téléphone maintenant, sur iPhone, t'as un temps d'écran. Ouais. Du coup, ils te disent combien de temps tu utilises ton téléphone, etc. En fait, Nigel, coupe tes notifs, s'il te plaît, merci. Voilà. Merci. Merci, super. Beaucoup mieux. Bon, très bien. Allez, c'est le standard du bled, voilà comme on voyait Wassim là. Vince, salut. Comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire à ce projet là? Et sinon, Vince, pour 100 000 euros, j'envoie même mon courrier avec des pigeons s'il faut. J'écoute en voiture là actuellement. Je crois que c'est que pour les États-Unis. Il faudrait essayer en tout cas. Pour vous inscrire, je crois que ça se passe sur le hashtag No Phone for a Year. Voilà, bon, c'est contest. Okay. Donc vous mettez un tweet genre ouais, je voudrais participer, No Phone for a Year, et puis hashtag contest. Et puis je vous souhaite bonne merde hein, si jamais ça tombe sur vous. Mais bon, rien ne vous empêche bien sûr de prêter le téléphone d'un de vos potes. On ne sait jamais, ça peut toujours aider. C'est un peu du cheat, mais ça peut toujours aider, bien sûr. Hein. Bon, le dragophone, ça va arriver. Le check-pat, on snap également ce soir sur Énergie. Et si vous voulez faire un sujet, là, pourquoi pas, vous voulez parler d'un sujet intéressant, eh ben, il n'y a pas de problème. Il suffit de vous mentionner là, sur le WhatsApp 0492 222 002, les amis. Je vous redonne le numéro WhatsApp de la part de Richard. 0492 222 002. Et on va se faire tout de suite Ariana Grande là avec Thank You Next. On a encore mis le mauvais son là. On met toujours une version avec un jingle au début là. Voilà. Ah, allez. Allez, Thank You Next. Voilà, c'est parti. C'est ce qui va être lancé tout de suite sur Énergie. Vous connaissez pas le son. Et ben moi je l'aime bien ce morceau. Ariana Grande. Il est tout sympa. Il est tout cool. Il nous met bien. Elle parle de ses ex. Genre merci, allez, ciao. Au suivant. Wrote some songs about Ricky. Now I listen and laugh. Even almost got married. And for Pete, I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm. Cause he was an angel. One taught me love. One taught me patience. And one taught me pain. Now I'm so amazing. To have loved and I've lost. But that's not what I see. So look what I got. Look what you taught me. She grew from the drama. Only wanna do it once real bad. Go make that shit last. God forbid something happens. At least that song is a smash. I got so much love. Got so much patience. Learned from the pain. Turned out amazing. tous les soirs de 21h à... En fait, on ne sait pas trop, mais on sait qu'ils sont là. Et encore heureux qu'on soit là. Bonsoir tout le monde, il y a Lara qui est avec moi. Oh yes. Il y en a Edgel qui est avec moi de l'autre côté. Ouais, il est de côté, il est derrière le standardiste. Ah, il les fouette. Il est sur leur dos là. Richard qui me dit quoi, c'est une blague? Non, c'est une blague. Bon, ah, non. J'espère franchement que c'est un fake. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Je vais voir, je vais vérifier tout de suite. Je suis en train de taper une information sur Google. Il se passe quoi? Ben, j'espère que c'est pas sérieux, putain, parce que si c'est le cas. Je crois que c'est un fake. Hein. Attends, Richard, envoie-moi un lien d'un truc de presse sérieux, parce que moi, je peux pas lire des machins comme ça si j'ai pas plus d'infos. Quoi, tu m'as écrit LOL? T'es sérieux, tu m'as écrit LOL? Richard, tu penses vraiment que je suis le genre de gars qui va sauter tête baissée dans un. En fait, Richard, il m'a envoyé une info. Genre, il m'a écrit quelque chose avec des points d'exclamation, tu vois. Je vois ça, et Richard, il s'est dit. Oh bah Vince, il va sauter sur le truc, il va d'office le dire à l'antenne. Hey. Tu veux que je te dise ce qu'il m'a écrit? Je sais pas, je suis pas sûre. Les mots que je vais employer à l'instant même sont faux. C'est pas vrai, ok? Ce que je vais dire là maintenant n'est pas vrai. Richard m'a envoyé, il vient d'avoir un attentat du côté du palais de Royal à Bruxelles. Enfin, c'est faux, c'est faux. Je précise, c'est faux. Hein. Attention, voilà, que personne ne sache. Mais Richard, c'est pas drôle. Mais non, ça se fait pas. Richard, attends, pourquoi tu m'écris LOL après? Mais Richard, ça ne se fait pas ce genre de choses. Non. Hein, Richard qui m'envoie des notes vocales là. Hein, Richard? Richard est de la maison! Oh ouais, mais il est tout jeune! Mais oui, mais après, il m'écrit OK des os. Non, mais ça se fait pas d'envoyer des trucs comme ça. De toute façon, on vérifie nos infos. Hein. C'est pas plus qu'on est une bande de cons le soir qu'on vérifie pas les news et tout ça, là. Bonjour, c'est Nicolas. Tu vas bien, Vin? Ça va très bien. Il y a Isor qui est connecté aussi, là. Il a rien, mon radio réveil. Si, ton radio réveil, il a l'air tout bizarre, là. Ah, mais c'est parce qu'il est à l'envers, en fait. Ta photo est à l'envers. Vince, il y a les prolongations pour le match, les gars. Ah, mais OK, il y a prolongation. D'accord. Ah, quoi? Saint-Gilles, Genk. Ouais, Saint-Gilles contre Genk. Effectivement, là, je savais pas du tout. Là, Vince, le message vocal plus haut pour mon point de vue. Ok, je le passe. Et attention, parce qu'après, on passe au dragophone. Honnêtement, et un jeu. Smartphone, ils ont niqué le monde. La civilité, le non-respect, la pornographie, les insultes gratuites, le racisme, la xénophobie, l'homophobie, l'islamophobie. Tu prends tout, tu mets tout en phobie. Ce putain de téléphone nous a rendu accro, malade. Il nous a séparés l'un de l'autre. La vérité, c'est la plus grande crasse que l'humanité a pu recevoir comme cadeau de l'homme. Alors, c'est très intéressant ce qu'il est en train de nous dire, la Mouns. Hein. C'est très intéressant. Alors, moi, je pense que ça date de l'Internet. Hein. Voilà. Là, je crois que le smartphone a été un amplificateur du truc. Mais d'abord, c'est l'Internet. Et quand c'est l'Internet qui s'est créé, t'as plein de gens qui pouvaient dire des choses en étant cachés, tu vois, sur les forums, j'ai vu des trucs, mais qui vont loin. Et quand t'es caché, tu te sens puissant. Quand t'es derrière ton écran, tu te sens puissant. T'as l'impression que les gens sont pas autour de toi. Ouais. Et puis tu sais, les gens, t'as des gens avec qui tu te clashes sur les réseaux sociaux. Puis dès que tu les rencontres en vrai, c'est comme si en fait on est tous peace. C'est une autre personne. Voilà, c'est ça, c'est une autre personne. Et ouais, effectivement, c'est un peu un amplificateur le smartphone. T'as cette impression de sécurité. Alors t'as des gens qui disent des grosses conneries. Mais attention, c'est parce qu'on est amené à voir des choses comme ça. Et comme d'habitude, on voit les gens qui râlent en fait. Sur les réseaux sociaux, sur Internet. On les voit, les gens qui défendent à mort et les gens qui sont contre à mort. C'est la minorité bruyante. Exactement. En fait, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, n'en prenez pas ça et n'établissez pas ça comme une réalité parce qu'en fait, vous voyez une minorité de personnes. Sauf que cette minorité a souvent l'impression, que ça crée une majorité. On a l'impression que tout le monde pense comme ça, tu vois. Genre Netflix, La Casa de Papel qui est sortie sur les réseaux sociaux, tout le monde dit ouais, c'est la série de l'année, c'est trop génial. Alors tout le monde se dit ah putain, faut que je fasse comme tout le monde. Non, en fait, pas du tout. C'est une minorité de personnes qui sont sur les réseaux sociaux qui donnent leur avis. Mais ça, c'est pareil. C'est pour les commentaires haineux, pour les commentaires de soutien, c'est un peu tout. Donc, il ne faut pas vous dire que lorsque vous voyez des trucs sur les réseaux sociaux, c'est exactement une vérité universelle. Non. Il ne faut pas croire que c'est tout le monde. C'est un groupe de personnes. Si vous voyez une vidéo qui a 10 millions de vues, vous dites « Waouh, le mec, ce qu'il dit, il a 10 millions de vues. C'est que ce qu'il dit est pertinent. » Ça reste 10 millions de vues sur 7 milliards de personnes. Et puis les vues, tu sais pas si c'est quelqu'un qui passe par là par hasard. Voilà, ouais. Si c'est quelqu'un, si c'est un fan ou quelqu'un exactement. Qui aime pas le contenu, on sait pas. Les bots automatiques et tout. Donc vraiment, soyez toujours méfiant quoi. Oui, Richard, il est jeune, il a 13 ans, c'est un pote à moi. On a créé un groupe WhatsApp spécial sur l'émission. Invitez-moi dans les groupes WhatsApp que vous avez sur l'émission. Oh, ça déchire. Mettez-moi dedans si jamais vous tapez la causette, vous faites des chats parce que rien ne vous empêche de faire des chats entre vous. Hein. C'est vrai. Nous, on n'a pas le droit parce que j'ai pas envie de mettre des auditeurs avec d'autres personnes. Et du coup, des gens qui se connaissent pas, il y a des numéros qui sont apparents. Mais si vous voulez faire un groupe avec vos amis, ouais, mettez-nous dedans, c'est clair. Mettez-nous dans les groupes, il n'y a aucun problème. Hein. Vin, je suis d'accord avec toi, surtout avec les commentaires sur les gilets jaunes en ce moment. Ouais, mais voilà, dans un sens comme dans l'autre, hein, on a toujours l'impression de se dire, quand tu passes ta soirée, par exemple, à lire les commentaires sur les certains sites d'actu, là, t'as des commentaires racistes. Oui, horrible. Et quand tu scrolles et tu descends, tu vois que t'as l'impression que tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, tout le monde est raciste. Mais non. c'est une minorité de personnes qui représentent quoi, une centaine ou une poignée, peut-être 1000 personnes. Ces 1000 personnes sont des haineux notoires. Et qui... eux, ils prennent le temps d'écrire. C'est ça, exactement. Ceux qui ont un avis positif, en général, bah, ils font leur vie, quoi. Voilà, mais la majorité, la majorité, elle est méga silencieuse. Et en fait, faut pas vous dire que lorsque vous voyez autant de gens parler d'un sujet, croire que tout le monde en parle, c'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. Voilà. Vince, les messages, s'il te plaît, dédicace à tous les profs, tous les élèves et surtout à la direction de l'ISJ de Karlsburg. Ah ben voilà, message passé, c'est dos. Hein. Vince, moi, mes parents, ils vous écoutent. Bah, on les salue, tes parents, Erwan. Ça fait plaisir. Ah, ça y est, j'ai été mis dans un groupe Paris Or. Bah, c'est top, ça. Petit message d'Ozil, là, il nous dit quoi ? Mes commentaires des livraisons, hein. Je sais bien que ça n'a aucun rapport, mais quand les gens sont contents, ils en mettent pas. Mais c'est si ça. Jamais tu oublies une canette, ouais, là, mon Dieu, c'est partout des commentaires. Hein. Non, mais totalement, comme tu l'as dit, quand les gens ils sont fâchés, eh ben alors, ça part. Mais quand les gens, bah, tout va bien, bah, on te le dit pas. Et ça, c'est un truc qu'il faut tous essayer de se dire à soi-même et à ses potes et tout, à l'entourage. C'est cool, il faut mentionner quand ça va pas, c'est important. C'est pour que le système avance. Mais c'est tellement plus important aussi de mentionner quand ça va. Ouais. De dire, ah ben aujourd'hui c'était bien, aujourd'hui c'était cool, ah ben tiens, ça c'est positif. Il faut le faire, il faut pouvoir cibler les choses qui vont pas, mais il faut surtout pouvoir mettre le positif en avant. C'est vrai. C'est important, ça. Et un long message qui dure une minute, une qu'on nous a envoyé, ça va peut-être être la conclusion là, on écoute de quoi il en retourne là, c'est parti. Ouais, wesh l'équipe, vous allez bien, j'espère que oula, on t'entend mal, hein. J'ai juste rejoint vite fait une petite réaction là par rapport au smartphone. Franchement, quand on regarde bien, quand il y a Mark Zuckerberg, le propre PDG de Facebook qui dit... Mark Zuckerberg. Zuckerberg. Lui-même ne passe pas son temps sur les réseaux sociaux. Bah oui. C'est que, excusez-moi, c'est qu'il y a une raison. Hein. Mais le patron de Coca-Cola, est-ce qu'il boit beaucoup de Coca, tu vois? C'est ça la question aussi. Je sais pas, est-ce que le patron de McDonald's, il va manger dans son McDo à part avec les investisseurs. Et venez regarder, goûter notre nouveau truc, sinon je suis sûr qu'il le crache, tu vois. Et vous étonnez pas... Est-ce que le patron d'énergie, il est à... Oui, il est à énergie. Oui, c'est vrai, il mène la barque. Si la prochaine génération, pas cette... La prochaine génération, là, qui est en train de... De grandir. Voilà, la prochaine et l'actuelle et la prochaine. Imaginez les troubles mentaux qu'ils auront quand on regarde déjà que nous, on est déjà plus capable de s'en passer. Quand on regarde les petits qui tapent des crises, dès qu'on leur retire leur téléphone, ils tapent des crises. Donc c'est quand même pas normal, hein, quand on regarde bien. Donc le monde de demain, il fait peur, la vérité. Donc ceux qui arrivent encore à s'en passer, je leur dis bravo. Et c'est encore les certaines personnes qui, sur qui... on peut encore compter à l'avenir. Bah, sur ce, je vous dis peace, ciao, courage, comme d'hab, vous déchirez. Dédicace à Lara. Bye bye, John. Salut à tous, merci. Et merci. Ouais, tu fais plaisir. Voilà, bah, il fallait qu'on en parle. C'est important, il y a eu plein de messages. Hein. Vince, après maintenant, quand je vois des avis négatifs sur les restos ou quoi, sur le net, ça aide à pas y aller comme la rue des Bouchers à Bruxelles, etc. Mais justement, méfiez-vous de ça, parce que je vais vous dire un truc. Un restaurant est un concurrent d'un autre. Et parfois, c'est quand même bizarre. Il y a parfois des commentaires un peu trop faciles, tu vois. Écrit comme ça, super bien. Exactement. Et donc, du coup, tu sais, si tu dois faire une politique pour dénigrer l'autre, tout ça. À l'inverse, des fois, t'as des messages positifs aussi qui sont écrits n'importe. Enfin, super bien. Exactement. Oui, j'ai adoré le service. Exactement. Donc, faut toujours regarder. Voilà, faut être méfiant. Attention, on arrive tout de suite sur Énergie. Bougez pas, tout de suite, Dragophone. Vince, 21h minuit sur Énergie. Rejoignez Vince sur Insta, Snap et Twitter. Vince Radio. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Dès votre réveil, c'est Marco, Jérém et Frisco dans le 6-9 sur Énergie. Gagnez chaque jour jusqu'à 500 euros cash en écoutant Énergie à 8h05. Jusqu'à 500 euros cash en jeu tous les jours sur Énergie à 8h05. Pour jouer, c'est simple. Inscrivez-vous maintenant en envoyant Duel par SMS au 78 et rendez-vous sur Énergie à 8h05. 1 euro par SMS envoyé et reçu. Love me tonight, give me your heart intertwined. Your body's a mind, body's a mind. I got words on my mind. Listen to the cruel echo and following the mood that's flowing. Yeah, we're like a wave that's growing into a song so loud, I gotta get it down. I wanna write you a love song. I'm gonna get Interagis en direct avec Vince sur Énergie avec WhatsApp. Laurine est dans la maison sur Énergie. Kevin est dans la maison sur Énergie. Naomi est dans la maison. 04 92 222 002. 04 92 222 002. Non mais les amis, désolé à tous ceux que je rate. Il y en a plein qui m'envoient des messages. Et après, je les rate parce qu'il y a tellement de messages le soir. Et on me dit, ouais, c'est pas cool, tu nous passes pas dans la radio. Il ne nous passe pas dans la radio. Oh là là. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Pirater l'antenne. Voilà, pirater l'antenne, ça peut être une méthodologie. Hein. Ah, ce sacré Booba. Ah, oui, n'est-ce pas? Et merci pour tous ces messages. Et j'ai reçu un petit truc très cool là, parce qu'il y a des auditeurs qui sont. Il y a un auditeur qui s'appelle Natsu. Il est actuellement en direct du match de l'Union Saint-Gilloise là, contre Genk. C'est prolongation. Coupe de Belgique là. Alors attends, j'essaie de faire play là. Trop fort. Et j'ai carrément la vidéo et tout. Ah, il y a du monde dans le stade est plein. Ah, hein. Oh, c'est trop bien ça. Et ils sont en train de s'amuser de ouf. Hein. Attends, parce que. Encore une autre vocale maintenant. Vite sur Énergie, ouais, t'es le meilleur. Merci. Oh, ça tue. Et j'adore, tu sais, le mec, il est en train de mater son match de foot tranquille. Et voilà, bam, Vite sur Énergie, ça fait vraiment plaisir. Attention, les amis. C'est ouais. Parti pour le jeu de l'aliment. À vous de jouer, les blaireaux. Qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien, mesdames et messieurs? Il va falloir tenter de le découvrir. Vous allez me faire des propositions. Je vous dirai si c'est ça ou si c'est pas ça. Je dirai non, tout simplement. Je dirai pas ni chaud ni froid, ça c'est pour le mot de la fin. Il faut jouer avec nous sur le WhatsApp 0492 222 002. Je précise un truc. Damien, c'est un auditeur très fidèle. Damien qui n'a toujours pas changé de caleçon. Damien, je te vois, toujours pas changé de t-shirt. Damien, je te vois toujours. Hein. Chaque jour, tu nous envoies une photo de ton derrière, mais tu. Alors, il a changé l'angle pour une fois. C'est pas le même angle. C'est un peu de trois quarts face. Ok, vas-y. Voilà. Ah non, je dois jouer aussi. Ah oui, bien sûr, Lara. Je voulais voir. Il a mis un aliment dans son derrière. Qu'est-ce que ça peut être? J'adore, il y a plein de gens qui disent enfin le cul de Damien. Damien, c'est un auditeur très fidèle. Il nous envoie toujours des photos de son derrière. Il travaille dans un snack quelque ouais, part en Belgique, à Bruxelles. Je ne connais pas sa tête. Enfin, si, il m'a envoyé une première photo, mais qui n'existe plus entre temps. Donc, du coup, voilà. Je ne pourrais pas le reconnaître dans la rue. Et il nous envoie toujours des photos de ses fesses. Et il met des aliments entre ses deux cuisses. Ouais, c'est n'importe quoi. Entre ses deux fesses. Il met des aliments et alors du coup, bah, un jour, il m'en envoyait une, deux. Je me suis dit, mais c'est qui ce fou qui m'envoie ça? C'est devenu un jeu. C'est devenu une ritournelle tous les deux jours environ dans cette émission. Tout à fait, malgré nous. On ne s'attendait pas du tout. Complètement. Voilà, c'est très vulgaire, mais c'est drôle. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien? Essayez de deviner. Vraiment tenter de deviner. Alors. Et vraiment aussi merci. Il y a un auditeur qui m'a envoyé un très sympathique message là. Malheureusement que j'ai perdu là. Parce qu'il y a tellement de messages qui arrivent. J'ai en plus oublié son prénom. En tout cas, ça fait vachement plaisir. Merci à toi qui m'a écrit deux messages d'affilée où tu disais que voilà, t'aimais bien l'émission, la manière de parler et tout ça. Ben vraiment, ça me touche beaucoup. Alors attention, essayez de deviner. C'est parti. Proposition, ça commence à arriver. Une fricadelle. Non. Haricots non plus. Un truc sale. Peut-être. Un champignon. Du persil. Non, courgette non plus, une carotte non plus. Bravo Mo qui a fini son rangement là. Paprika non plus. Vince, t'as oublié ma photo, t'inquiète pas Chloé, on va te la faire, pas de problème. Une frite non plus, c'est pas ça. Lara, tu proposes quoi? Un radis. Un radis. Quoi, c'est un radis? Attends, j'aurais pas gagné deux fois. Un radis. C'est un non, radis. C'est pas ça. Arrête, pourquoi? C'est pas ça. Mais pourquoi t'as hésité? Pour te mettre la pression. C'est pas une banane. C'est pas une banane. Alors, qu'est-ce qu'on propose? Un pitch. On propose l'Union Saint-Gilloise. Qui joue contre Gaëc, là. Vite, c'est dans la maison. J'adore. Un pitch. C'est pas un pitch, c'est pas du boudin. Une aubergine. Ça se trouve dans un snack. Une aubergine. Dans certains snacks, oui, mais c'est rare. Une aubergine. Une aubergine, c'est pas ça. Du cheddar. Non, c'est pas ça. Talia, ta petite sœur est toute jolie. De la feta non plus. Un curé non plus. Chaud ou froid, je peux pas dire si c'est chaud ou froid. Je dis juste si c'est pas ça ou si c'est ça. Des olives. Des olives, c'est pas ça non plus. Alors, un petit message qui est arrivé. Salut la team, depuis le mois de septembre que je vous écoute en cachette. C'est le premier message qu'on reçoit de cette personne là ce soir sur WhatsApp. Et que je suis fan de votre émission. Mes petites anecdotes, c'est la deuxième fois que je vous envoie un message. Et la première fois, je me suis trompé de numéro et le lendemain, j'ai reçu un message pour me dire que ça n'avait pas, que ça n'avait rien à voir avec l'émission d'énergie. Donc voilà, Joséphine est dans la maison. Bisous à vous. Trop mignonne. Bienvenue à toi. Salma qui est connectée, qui me dit une banane frite. Non, c'est toujours pas ça. Jérôme, viandelle non plus, du piment non plus. Une bûche de Noël non plus, c'est une pas glace. Ça. Une glace. Non, c'est pas une glace. Bien essayé. Un chou de Bruxelles non plus. Vince, c'est moi l'auditeur, mon prénom c'est John. Ouais, merci John. C'est pas une fricadelle, John. Une pastèque, non, c'est pas ça non plus. Du cervelas non plus. 0-499-36-98-67. Le mec, il a donné son numéro de téléphone à lui. Voilà. Richard, il a donné son propre numéro. Bah, bravo, Richard. Mais il est fou, ce salade hein. Non plus. Un godan bois non plus. Caroline, elle me propose quoi, Caroline? Alors, j'essaie de retrouver là, parce qu'elle m'a envoyé beaucoup de messages. Oula! Elle m'a envoyé navet chicon. Non, c'est pas ça. Bûche de Noël non plus. Vince, dis-nous si ça se rapproche ou pas. Alors, le numéro, c'est 0492-222-002, n'est-ce pas, Richard? 0492-222-002. 0492-222-002. On me demande si c'est sucré ou salé. C'est sucré. Ah, oh! Ça peut être salé, mais c'est très rare. Donc, c'est très connu pour être sucré. Je peux dire quelque chose? Propose. Du yaourt? Non. C'est pas ça. Qu'est-ce que Damien a mis entre ses fesses ce soir? Du Ayran. Et je vais pas oublier d'envoyer la photo cette fois-ci à ceux qui trouvent la bonne réponse. C'est sucré. S'ils ont plus de 18 ans. C'est sucré. Mais une fraise non plus, c'est pas une fraise, mais c'est sucré en tout cas. De la salade. Une crêpe? Non. Brochette ardennaise non plus, une crêpe non plus, c'est pas ça. Une betterave non plus, chicon non plus. Un une oignon. Gousse d'ail. Un oignon. Cerise non plus. Oignon, bah, c'est pas sucré. Si, un peu non. Est-ce que quand tu fais la soupe d'oignon, ça a un petit côté sucré. Je sais pas. Kebab non plus. L'oignon confit, tu vois. C'est pas le kebab. Des cacahuètes non plus. Des nachos non plus. C'est pas des nachos. Des pistaches. Le dragophone, c'est tout de suite. Des pistaches non plus. Artichaut non plus. Feta non plus. Sauce non plus. C'est sucré ce qu'on cherche. C'est sucré, donc c'est un dessert. Ça peut être un dessert. Ça peut l'être. Un litchi. C'est pas un litchi, non. Non. Cornichon m'a été envoyé. Non, c'est pas ça. Des choux rouges. Ah, non, c'est un Pablo. Peu sucré, c'est vrai. C'est pas des choux rouges. Alors, mais est-ce que des laquements? Non. Oh, des churros. Des j'avais déjà dit que c'était. J'avais dit des nachos. Churros, c'est pas ça. Des beignets. C'est pas des beignets. Des choux à la crème, genre. Non plus. Les amis, personne ne trouve jusqu'à maintenant. Et je vous souhaite bonne merde. Parce que d'abord, c'est. C'est qui? Alison The Roof. Ah oui, j'adore. T'as quitté la planète. Le dragophone qui va arriver tout de suite sur Énergie. On a encore pas mal de conneries à faire ensemble, bienvenue. Tout cru. Si tu flanches à la vue d'un bout de tissu, si à mater mon cul, tu perds la raison. Revoyons du début quand je dis non, c'est non. Oublie-moi et bye bye, tes mains déplacées. Bye bye, je n'en veux pas. Bye bye, ton air affamé. Regarde-toi, non, mais peut-être que t'avais tous les droits. T'as quitté la planète, gâché la fête, car mon corps est en moi. C'est comme ça qu'on va traiter ta sœur, ta sœur. Et ta fille, ta fille. Et ta mère. Toutes celles qui sont les sœurs. Pour être un homme. Boys on the Roof. Plie les mots d'amour. 21h minuit. Tous les soirs. Oh yeah. Vince est sur Énergie. Allez, merci d'être là les amis. Merci de nous accompagner le soir sur Énergie. De 21h jusqu'à plus si affinité. Tout à fait. Jusqu'à minuit et souvent on déborde, hein, parce qu'il reste 45 minutes d'émission, mais on va faire un peu plus quand même. Ah, j'aime pas dire quand il reste plus que, tu vois. Ah, c'est, wow. C'est comme si ça nous mettait une pression un petit peu là. Coucou à Jessica qui est connectée, qui me propose une galette. Bon, alors il y a eu beaucoup de propositions. Je tiens à préciser que j'ai encore les messages de 23h12 qui arrivent. Hein. Oh my god! Ouais, bah, ça, c'est le cul de Damien. C'est ça, le cul de Damien, hein, c'est un succès hein, quand même. C'est toujours un succès. Comme Uncle Ben. Comme Uncle Ben. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien? Il n'y a pas du riz, justement. De quoi? Du riz, justement, dans le cul de Damien. Ça peut être du riz, mais ce n'est pas du riz. Mais justement, alors c'est quoi? Ça peut être du riz. Ouais, non, on peut. Ouais, mais non, c'est trop éloigné. De la purée. Alors, bienvenue sur Énergie. Dans quelques minutes, c'est le dragophone. On est toujours dans le cul de Damien, là. Il fait sombre. Il fait très sombre. Allô ? Hello ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Et en gros, on cherche toujours ce qu'il y a derrière, dans son derrière. Alors, il y a eu tellement de messages que j'ai que les messages de 23h12 qui arrivent. Donc, ne les enchaînez pas tous les uns derrière les autres. Envoyez-en un. Attendez que je le lise. Et après, je vous dis... voilà, après, vous pouvez envoyer un autre parce que sinon, vous faites planter ce téléphone. C'est ouf, quoi. Non, mais de toute façon, chaud, oui. Là, je vous dis, on a 5 minutes de retard dans les messages. Je ne reçois que vos messages que vous avez envoyés il y a 5 minutes. C'est une blague. Ouais, c'est un peu comme le soleil, la lumière du soleil, mais 8 minutes pour nous atteindre. Et ben vous aussi, votre lumière, mais 5 minutes pour m'atteindre. Incroyable. Il y a des années-lumière de réussir ce jeu. Voilà, exactement. Donc, Nutella, c'est pas ça. Morceau de tarte, c'est pas ça. Banane, c'est pas ça. Une tarte, c'est pas ça. Une poire, c'est pas ça. Popcorn non plus. Mozzarella non plus. Légumes non plus. Mangue non plus. Chou à la crème non plus. On a dit que c'était sucré. Une carotte non plus. Popcorn non plus. Tiramisu. Ouais, mais... profiterol non plus. Avocat non plus. Des lumpia. Non, rien à voir avec des lumpia. Des nems non plus. Du butternut non plus. Ah, Frédéric a trouvé la bonne réponse. Alors, est-ce que vraiment la réponse c'est un truc qui peut être sucré et salé? Plus, c'est plus connu en tant que sucre que sucré, mais ça peut être salé, oui, bien mais sûr. C'est un bonbon. Je me demande bien ce que c'est, parce que popcorn, c'était bien vu. Hein. Mm-hmm. Un bonbon? Non, c'est pas un bonbon. Ah putain, tu m'as regardé pendant 10 minutes. Ah, du beurre? T'as du beurre? Non. Sucré, salé. Ouais, ça galère. Hein. Qu'est-ce qui est. Une amande? Non, c'est pas ça. Aide-nous. Empêche-nous. Empêche-le. Non, je peux pas. Attends. Allez. Une crêpe. C'est pas une crêpe, non, désolé. S'il te plaît. Rodolphe a trouvé aussi. Bien joué, Rodolphe. Très bien joué. C'est salé, oui. Une glace. Ouais, non, toujours pas. C'est salé. Putain, les gars, on est au pénalty. Sérieux? Ouais, pénalty pour. Ah putain, dingue. Attends, mais ce serait trop bien si on pouvait téléphoner. Ah, mais non, il y a le WhatsApp qui plante, donc du coup, on peut pas faire de connexion live là, pour voir ce qui se passe. Enfin, dans le stade, là. Allez, ça, je vais lui dire courage. Courage. Sinon, moi, j'appelle le Père Noël, tu sais. Alors. Pour lui demander une solution pour ce WhatsApp. Ouais, vite mon message vocal, s'il te plaît. Mais en fait, ça plante, donc je ne sais pas. C'est grave important. Ah bon? Petite annonce à tous les fans de Vince, voilà. Avec mon pote Richard, on va créer un groupe de fans sur l'équipe de Vince, tout ça. Et donc, venez au 0499. Doucement, attention. Doucement. J'adore. Doucement, Isor, tu ne te rends pas compte des risques que tu es en train d'encourir, ma chérie. Et il est de mon devoir de grand frère de te rappeler que donner ton numéro de téléphone à l'antenne, non. C'est reste délicat. Donc, Isor, avant de passer à la suite du message vocal, j'ai besoin de savoir ce numéro, c'est quoi? C'est un numéro que vous avez prévu uniquement pour ça? Alors on s'en fout ou c'est ton numéro privé? Parce que tu ne te rends pas compte. Peut-être que des gens vont te parler sur WhatsApp, mais tu ne sais pas qui peut t'ajouter. Surtout quel âge Isor? Bah, Isor, elle est toute jeune. Elle doit avoir 11 ans, oui. Elle doit avoir 15 ans, c'est ça, Isor. Elle rajoute tes amis, mais pas. Voilà, donc donner le numéro de téléphone pour créer votre groupe, c'est sympa. Mais c'est... Ah, c'est il y a chaud. Des risques, vous encourez des risques, j'ai pas envie que vous ayez des problèmes quoi. Mais tu sais que moi je pensais qu'il était en train de faire une vanne et qu'il disait genre 0492 222 002. Mais non, ils donnent leur numéro. Non, ils donnent leur numéro. Non mais complètement. C'est tellement mignon. C'est vraiment mignon de ouf, mais je voilà. C'est avec vos amis, des gens que vous connaissez, parce que là on va donner ce numéro de téléphone, vous savez pas qui va vous ajouter. Nous on a peut-être des gens qui ne sont jamais rentrés en contact avec nous qui vont se dire ouais, ah, une proie, on va sauter dessus. Alors je précise, les auditeurs d'énergie, en les ayant côtoyés pendant pas mal de temps, je les trouve méga bienveillants, très gentils, très sympas. Non, mais pour l'instant, il y a eu que du respect et vraiment beaucoup de positives. C'était, ouais, c'est la première fois que je fais une émission de radio où il n'y a pas de haineux. Vraiment, c'est pas une blague. Je sais pas où ils sont d'ailleurs. Je me pose la question, je me dis, mais merde, ils sont où? Fais gaffe. Hein. Tu vois, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a, Nigel? Et d'ailleurs, en parlant de foot, il y a Genk qui vient de rater un penalty là. Oh, c'est bon, ouais, ça. Ils ont mis la barre. Eh ben voilà. Ah, on est pour Saint-Gilles. Ouais. Bah, bien sûr, Union Saint-Gilloise, Bruxelles. Hein, voilà. Ok. Ah, bah oui. C'est tout, c'est comme ah, ça. Ah, ils ont aussi raté, du coup, c'est 1. Ah, mais merde. Ouais. Voilà, Vince, vas-y, je veux pas figurer dans leur groupe. Tir au but. Bon, ouais, c'est tir au but, c'est le penalty. En attendant, on va accueillir Fiona dans le standard. Coucou, Fiona. Coucou, oui. Fiona est dans la maison. Tu viens de quelle ville, Fiona? Je t'adore. Wow. Merci, Fiona, c'est gentil, ça va, tu vas bien? Oui, je vais bien. Je suis très contente, très contente. Enfin, je t'ai. Eh ben, juste pour toi, tu te rends compte, c'est incroyable. Wow, Fiona, tu viens de quel patelin, dis-moi? Pardon? Tu viens de quelle ville? Les gens ne comprennent pas cette question. Je viens de Tourner. Non, il je quoi? Viens de tourner. Oui. Je viens de tourner. Ouais. Allez. Oh, attends, ça fait du bien. Wouh. Tournez, tournez. Tournez. J'habite la tournée. Alors, et encore, il y a. Fiona, ma chérie, tu passes pour jouer au Dragophone ce soir avec nous. Et tu vas affronter Steph qui est là. Salut, Steph. Salut, Steph. Allô. Est dans la maison. Steph est dans la maison sur Énergie. Ouais, Steph, il vient d'un endroit chelou. Hein. Mais j'ai l'impression. Steph, tu viens d'où, toi? Moi, je viens des Antilles. Arrête. En ce moment même, je suis en Martinique, à Saint-Joseph. Oh putain, mais j'ai pas de musique pour ça, mais ça déchire. Comment y a-t-il beau, des mais je l'ai pas programmé. Elle est pas programmée, toi aussi. C'est moi qui l'ai mis pour là. Ah mais c'est ouf, tu viens des Antilles carrément. Ouais. Et ils nous écoutent sur Énergie pour eux, bah, ça fait plaisir. Bon, Steph contre Fiona ce soir. On va jouer au Dragophone. Le principe est simple, il faut tenter de se faire inviter chez une personne qu'on appelle au hasard, qu'on ne connaît pas. Sauf qu'aux Antilles, là, il est quoi? Il est 5h de l'après-midi. Ouais, tout va bien. Ouais, c'est ça, il doit être quelle heure là chez toi là? 17h là? Non, 18h23. 18h23, ouais. Et chez nous, il est 23h23. Ouais, ouais. On adore ça. Alors le WhatsApp n'est toujours pas rétabli, on a toujours 5 minutes de retard. Mais la réponse a été trouvée par 4-5 auditeurs depuis là tout à l'heure. Et je vais l'envoyer encore à. Et je vais encore envoyer la photo à quelques personnes qui ont trouvé la bonne réponse. La réponse de qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien était. D'ailleurs il m'envoie une note vocale. N'empêche que le WhatsApp il plante, le grimpage de l'audience grâce à moi, il est quand même blindé. Hein. Il s'est pris pour Hanouna lui. Plus ça rigole comme ça là. Alors c'était quoi? Un donut ça. C'est une blague. Et ouais c'était ça. Mais un donut ça peut être salé. Un donut tu peux l'avoir salé, ouais effectivement. Ah, je savais pas. Ouais t'as des. C'est pour ça que j'ai regardé Nigel avec des grands yeux. Avec le donut. Ah une forme de donuts. Maintenant, parce que je suis en mer. Ah, t'as une forme de donuts. Voilà. C'est pour ça. Ouais, puis Nigel, il aime bien nous ramener des donuts de temps en temps. C'est pour ça aussi. Coucou Donuts représente. Ah, bah voilà, on les salue, tiens. Alors, rapidement, on va lancer le Dragophone entre Fiona et Steph. Qu'est-ce qui se passe du coup du côté du match là? Je veux savoir là. Mais là, le truc a bugué, mais c'était 2-2. C'était 2-2 pour les pénaltys ouais, là. 2-2, ouais. Encore ah, putain. Ah, attends, on nous dit 1-1 pour l'instant là. Toujours 1-1 au pénalty. On nous envoie des vidéos carrément là. Ok, mais ouais. Ils sont où? Ils jouent où ces gens? Mais ici à Bruxelles. Ah, donc en plus ils jouent à des matchs. On m'envoie des vidéos du match là pendant ce temps-là. Là. C'est 1-2 là pour l'instant. Ouh là là, il y a un avantage pour Genk. Ouais. Putain, le suspense est à son comble, hein, Dieu. Mais que va-t-il se passer? 2-2, attention, 2-2. Hey, mais le mec il me fait en temps réel. C'est ce que je te dis, hein. Mais c'est un truc de ouf, il fait en temps réel sur le WhatsApp là. Mais moi j'étais avant lui en direct. Attends, attention. Eh, pression là. Attention, il me faut une musique là. Voilà. Les gars, rapidement, parce que c'est un petit club et tout. J'aime pas parler trop de foot dans l'émission, mais ouais, là. C'est vrai. Là, toujours 2-2, toujours 2-2. Pourquoi ils ont envoyé 7-0-A? J'ai pas compris là. Ah, parfois, il y a des mecs pas trop. T'inquiète. À cause de la pluie. Hein ouais, t'as d'or. Ça donne quoi? Il ne nous passe pas dans la radio. On fait des vannes de merde. J'arrive pas à zoomer, il me dit. Putain, il m'envoie des vidéos, le gars. Ok, ça chante, ouais. Ouais, très bien. 3-2 pour l'Union pour l'instant. Attention, c'est les pénalties, c'est dans quelques secondes que c'est fini, les gars. Donc, incroyable. Hey, j'adore, on est en train de faire vivre l'émotion à tout le monde. Ça déchire. Alors. Allez. Il est en train de me tenir informé en temps réel, il m'envoie des notes vocales et tout, et des messages, là. Il me l'écrit. Non, mais juste parce que je voudrais que l'Union gagne, tu vois. Donc là, je prends une petite aparté dans cette émission, là. Très bien. 3-2 pour l'Union, pénalty contre KRC Genk, là. C'est en Coupe de Belgique. Allez les gars. Alors attention, j'attends qu'il y ait des infos. Nigel, est-ce que t'as plus d'infos? Non, j'ai pas plus d'infos là. Moi, le site où il y avait le match, il a été coupé. Ah bah merde alors, ça craint. Ça craint des douilles. Mais surtout que s'il gagne, il va pas t'envoyer un message, il va jumper. Bah si, je suis sûr qu'il va m'envoyer. Le mec, il plaît à tout à l'heure, il est trop dedans, il arrête pas de m'envoyer full message d'après. Et moi, je le vois, tu... Allez. Il le voit en vidéo et tout là. Vince, je suis aussi au match de l'Union, je t'écoute avec une oreillette. C'est une blague. Arrête. Ça, c'est une blague, oui. C'est pas possible. Et c'est énorme, c'est énorme. Oh, salut Vince, God. Moi, je suis supporter d'Anderlecht. Et le dimanche, dommage que t'es pas en direct, sinon je. Ouais, mais de toute façon, les matchs, c'est en fin d'après-midi, c'est jamais, bah, c'est ouais. jamais le soir tard, quoi. Ouais, donc, donc voilà. Mais je sais, quand il y a la Belgique qui joue, il y a plein d'auditeurs qui nous envoient des photos et tout en temps réel. Là. Bon, on nous dit, ouais, l'Union a gagné, tu peux vérifier. L'Union a gagné, il y a plein de gens qui m'envoient l'Union a gagné. Ouais, 4-3 ouais. au pénalty. Ouais, Saint-Gilloise. Eh ben c'est bien ça pour l'Union Saint-Gilloise, une petite équipe qui Pourquoi vient de battre gagne. C'est une petite équipe. Parce que c'est une petite équipe sur le papier, mais sur l'Union le l'Union Saint-Gilloise quand même une équipe. C'est une équipe mythique, légendaire, mais c'est une petite équipe actuellement. Ah, qui ont gagné le championnat d'affilée plein de fois, je crois qu'ils ont un record, c'est 60 matchs sans 60 victoires d'affilée ils ont fait. What 60. Les gars, ils ont fait ça dans les années 1920 hein, donc vous emballez pas non plus, tu vois. Ah oui, alors. Ouais, bah, mon grand-père était pas né, tu vois. Donc bon. Voilà. Et c'est tout. Wouh. Allez, c'est parti le Dragophone. On va faire les équipes tout de suite. Fiona, tu veux faire équipe avec qui ce soir entre Lara, Nigel, moi-même, Thibaut et Eddy? Fiona? Oui. Tu veux faire équipe avec qui pour le Dragophone? Avec Vince. Ah bah très bien, tu fais équipe avec moi, pas de problème. Fiona est nouvelle, ça fait. Ça se ressent, tu vois. Magnifique. C'est ça, on dirait la nouvelle qui vient d'arriver dans la classe, genre encore milieu d'année, tu vois. Excellent. On entend Fiona. Exactement, tu vois. Fiona. Au début, elle est timide et tout, elle sait pas très bien comment s'y prendre, et après, t'inquiète, elle va mettre ses pieds sur la table et tout. Genre, ah, c'est chez moi ici, je suis à la maison. Tu notre école, tu tranquille. Vois. Stéphane, tu veux faire équipe avec qui ce soir? Il te reste Lara et Nigel, Thibaut, Eddy. Eddy. Alors Steph, il est antillais, c'est pour ça. Allez, les antillais ensemble, super. Steph qui va faire équipe avec Eddy tout de suite pour le Dragophone. Et voici Olly Murs avec Snoop D.O. Double G. Big Snoop Dogg, Snoop Lion. Ça s'appelle Moves, bienvenue sur NRJ. Rock in the club like a million bucks. First I hit the bar for a couple of shots. Wink at the beautiful women, I think I'm making them blush. Then I spill my drink, trying to cover it up. Got the dad dance moves, staying ready for them. Got the bad man groove, go steady on them. Hey, senorita in a beautiful dress. Do ya wanna dance? She's telling me yes. I got confidence in myself, but that's just tequila giving me help. Trying to cover it up, so you never tell. I feel like dancing with you. It's your moves, baby. Cause I can't dance in the way that you do. But I got that love that you ain't used to. Hey. And when the DJ's spinning that song that we grew to, oh my, come and teach me how to dance. Slow down. DJ play that track, checking my kung fu kicks like I'm under attack. I wave my arms like this from front to back. But you never seen a bad mother dance like that. Then you beckon me in with a kiss on the lips. Jump into the middle, come and wiggle your hips. My love, take my hand, I'll give you a spin. Step one, step twice, let the party begin. I got confidence in myself, but that's just tequila giving me help. Trying to cover it up so you never tell. I feel like dancing with you. It's your moves, baby. Cause I can't dance in the way that you do. Yeah. And I got that love that you ain't used to. Hey. And when the DJ's spinning that song that we grew to, oh my, come and teach me how to dance. So dance to the rhythm of the D-O-Dub. G and the thug, watch I be in the club. Looking, staring, daring, comparing. In my book they say sharing is caring. So give me your taste and make your hips just dip to the bass. And watch me run your line. See what I come to find. It's your moves, baby. You dig? Cause I can't dance in the way that you do. Yeah. But I got that love that you ain't used to. And when the DJ's spinning that song that we grew to, oh my, come and teach me how to dance. It's your moves, dance to the rhythm of the D-O-Dub. In my book, they say sharing is caring. But I got that love that you ain't used to. Dance to the rhythm of the D.O. Oh, when the DJ's spinning that song that we grew to. You know we about to make moves. Come and teach me how to dance. You did. Franchement, Vin, ça va pas. Hein. Franchement, ça va pas, mec, qui t'es fidèle là, pendant toutes ces années. Aujourd'hui, je vois que tu me négliges, gros. Ça va pas. Si t'as besoin de support administratif, moi, je suis là, fou. Je suis là. Il ne nous passe pas dans la radio. Hey, merci mon pote pour ton message là. Et attention, un petit message qui est arrivé là, le dernier là, il est super cool, attention. Vin, c'est dans la maison. Ils sont contents, les Sagilloises là. C'est diffusé sur RTL en même temps. Nigel est dans la maison. Dara est dans la maison. Quand tu ne sais pas quoi faire, quand tu sais pas quoi faire, il y a toujours quelqu'un pour te faire passer une soirée de ouf. Vince est sur énergie. Vince, 21h minuit tous les soirs. Et bienvenue sur énergie. Et il est 23h32. Et tranquille. Vince est dans la maison. Oh yeah. Ah mais tiens, qu'est-ce qu'il dit, tu as pris la place de Nigel. Non, c'est toujours Nigel. J'adore l'imitation pourrable. De merde. Nigel qui est du côté du standard, il ne peut pas prendre le micro, il est pété. Ah mais va te faire enculer quand même. Ta gueule. Vulgarité. Eh, c'est t'as pas vu, mal. Il refait même. Ta gueule. T'as pas mal. Attends, plus aigu encore. Et ta gueule. Voilà, comme ça. Ta gueule. Non, c'est ta gueule. Pas mal. C'est bon l'ambiance des stades. Ah non, mais c'est cool, franchement, c'est trop cool. Et n'oubliez pas, hein, si jamais vous êtes dans un endroit et vous pouvez nous envoyer toujours n'importe quel endroit où vous êtes, hein, qui est du monde ou pas, mais ce serait trop cool de faire des pranks. Faites-nous des pranks, des canulars quand vous êtes à l'extérieur dans un domaine public. Vous mettez en selfie, vous vous enregistrez, vous criez. Vite, c'est dans la maison. Juste pour saisir les gens et filmer leur tête comme ça. C'est quoi, je vais en faire ce week-end. Et celle-là, par contre, on va aller passer dans la radio. Voilà, exactement. Et on va piroter l'antenne. Oh. Fiona, est-ce que tu m'entends bien, Fiona? Oui, je t'entends, oui. Fiona, tu fais équipe avec moi au Dragophone. Je rappelle les règles du Dragophone, ma chérie, d'accord? D'accord. Formidable. Le Dragophone, on va téléphoner à des gens qu'on ne connaît pas à 23h33, donc c'est très tard. C'est-à-dire que les gens, généralement, quand on les appelle en milieu de semaine à 23h33, c'est mort. Ils badent, ils râlent. Ouais. On va tenter de se faire inviter chez eux. Mm-hmm. Ce qui est très difficile. Okay. N'importe quoi, quelle que soit ta technique, tu n'as juste pas le droit de dire que tu appelles à la radio et que tu peux gagner un concours si tu demandes aux gens. Le principe, c'est qu'il faut y aller maintenant, tout de suite. Bonjour, est-ce que... Voilà, je viens maintenant. Et à si demain. La personne te répond oui, c'est gagné. Même si c'est de l'ironie. Même si la personne fait ouais, c'est ça. Ouais. Gagné. Ouais, bien sûr. Ouais, mon cul avec. Ça gagne, c'est quand même gagné. Et mon œil en montgolfière. Voilà, c'est ça. C'est quand même gagné. L'ironie, ça marche. Même si la personne fait ouais, c'est gagné. Et il faut venir maintenant, pas demain. Pas devant chez vous. Chez vous. Chez vous, c'est tout à fait différent. On commence avec toi, Fiona. Je te souhaite bon courage. C'est parti, on fait les appels. Merci. Allez, bon courage, ma chérie. Bon courage. Allez, on y croit. On y croit. J'entends que ça appelle en fait. D'accord. C'est bon, ça sonne. Putain, ça a décroché, bah, elle parle pas. Elle parle pas. Fiona ! Non, ils nous entendent pas. Ah, la personne a décroché, elle parle même pas. Ouais, Fiona, on est là, ma chérie. Perdu, non, mais je t'explique, comme il est tard, on appelle des gens, en fait, ils décrochent le téléphone et ils parlent pas, tu vois. Mais parce que ça fait peur. D'accord. Ouais, ils sont là en mode, oh, mais qui m'appelle? Je vais pas parler, je vais. Ah, oui. Tu vois, j'ai compris, c'est pour cela que je disais allô, parce que. Bon, ouais, non, mais la personne, je sais pas, tu sais, t'as des gens comme ça, au lieu de dire allô directement, ils sont peur, ils sont flippés, alors du coup. Vas-y, lance-toi. Allez, on rappelle. On rappelle ailleurs. D'accord. C'est parti. Stéphane Kadir. Non, c'est son nom. Ben ça, c'est messagerie vocale, direct. Voilà. On rappelle ailleurs. Ouais. On le dit, l'Union, c'est Bizi, standard, meilleure ambiance de Belgique. Ça, c'est vrai, je suis d'accord pour le standard, meilleure ambiance de Belgique. C'est des Liégeois, hein. Bah ouais. Et pourtant, je suis pas en nom direct, hein, mais j'arrive à l'admettre. Ah, mais les Liégeois, c'est la meilleure. Je l'admets, chose. Franchement. J'aime bien nos supporters, mais putain, qu'est-ce que le standard, ils mettent la pression. Ah, ça y est. Allô. Bonjour. Excusez-moi de vous appeler à cette heure-ci. En fait, je vous appelle juste pour parce que nous proposons des vins, des dégustations de vins pour les fêtes de fin d'année. Donc, je voulais bien savoir si vous voulez bien m'inviter chez vous, juste pour la dégustation. Non, ça m'intéresse pas, madame. Moi, je bois pas de vin, donc je suis pas un buveur de vin. Ça m'intéresse pas, madame. Voilà. Bon, en fait, on ne propose pas seulement du vin. Hein. On propose aussi d'autres choses. En fait, on a aussi des vêtements. En fait, votre numéro a été tiré au sort. Aïe, aïe. Je peux passer maintenant. Hein. Je peux passer tout de suite. Vous vous trompez. À mon avis, en plus, je suis à l'étranger. Je suis pas en Belgique, donc je saurais pas savoir. Ah, ok. Non, mais sinon, on le rejoint où il est. Hein. On peut te rejoindre où tu es si tu veux. Oh, dommage. Quel dommage! Oh, quel âge! Quel... Oh, le ralage! Eh, c'est ouais. difficile. Gilet jaune! Gilet jaune! Ah non, c'est vraiment pas facile, ça, c'est sûr et certain. C'est très difficile comme jeu. Bon, Fiona, tu t'es bien débrouillée. C'est pas évident du tout. Et surtout quand on se fait passer pour un vendeur. Oh là là! Encore plus compliqué. Vince, t'as tout compris, on n'a pas des titres, mais on a l'ambiance. Oui, bon, je préfère avoir les titres que l'ambiance, hein, mais non, je rigole. Je vous vanne standard de Liège, big up à vous. Big up. Alors, attention, Fiona, ça va être peut-être à moi d'essayer de rectifier le truc après, mais d'abord, c'est Steph. Steph, tu m'entends? Oui, je t'entends. Parfait. Oula, ouais, la grosse voix de Steph. Steph, attention, c'est parti, on appelle quelqu'un au hasard, il faut tenter de te faire inviter en moins d'une minute aussi, j'ai oublié de le préciser. Ah oui, c'est vrai. Okay. Bonjour, je suis un peu en manque pour me rappeler après le bip sonore. Ah bon, rappelle ailleurs, puisque directement c'était messagerie. Je ne vous passe pas dans la radio. J'en peux plus de moi, comment voyez. Isor, sois pas méchante avec toi comme ça. Allez. Isor, quand le nouvel album de Bipa? De qui? Allez. Attends, on a un écho quelque part. Allô? C'est sûr, Steph. Allô? Allô? Allô? Allô, oui, bonsoir. Vous allez bien, monsieur? Excusez-moi de vous appeler. Je sens des ordres actuellement, excusez-moi, à Bruxelles, à l'aéroport. Et je suis en fait artiste. Et on entend qu'il est loin. Et j'ai que mon argent, mon espèce sur moi et je dois donner un concert de me la faire à Fleurus. Pouvez-vous m'inviter chez vous? Je vous paie s'il le faut. J'ai 30 000 euros là sur moi et je peux pas. Je suis sans mon manager. Mon manager, c'est pas où il est allé. Il raconte trop, il va se raccrochonner. Je suis désemparé, monsieur. Donc j'arrive. Et maintenant, vous cherchez quoi? Comment? Oh. Vous cherchez quoi maintenant? Un lit pour dormir. Juste ce soir, je connais pas, je suis entier. Je connais pas. Vite. Je dois donner un concert demain. Non, monsieur, désolé. Ah. À l'hôtel, vous avez l'argent, tu peux aller à l'hôtel, désolé. Ah oui, ça, il y a 30 000 euros. À l'hôtel, non, mais les hôtels sont fermés, justement. Non. Les marchés, ils sont fermés. Non, c'est fermé. Malheureusement, Steph, c'est la minute est dépassée. Hold up. Hey. Il y a des Antilles, il pensait que tout le monde était Antilles. Hey, mais on capte effectivement que t'es loin parce que parfois on a des fluctuations dans le téléphone, tu vois. Mais pas comme si on appelait Charleroi. Vraiment, c'est. Je suis désemparé. Hey, c'est trop fort quand même. Brio, pas Steph. Hey, Steph qui nous appelle des lentilles quand même. Des Antilles. Des lentilles. Hey, c'est quand même énorme, mon pote. Hein. Franchement, ça fait plaisir. Alors, attention, parce qu'il y a Eddie qui joue pour toi. Et qui va s'y coller entre toi et moi? Eddie, t'es prêt? Pierre, papier, ciseaux. Vas-y, Pierre, papier, ciseaux. 1, 2, 3. Ouais. Vas-y, mais j'ai fait la pierre depuis le début. Parce ouais, que grave. Allez, vas-y, on recommence. Père, ma ciseaux. 1, 2, 3. Voilà, j'ai refait la pierre. J'ai refait la main et je l'ai battue. Donc, c'est moi qui décide. Et je prends la main. C'est parti. Waouh. Quel homme. Question pour un champignon. C'est surprenant. Allez, on appelle. C'est surprenant. Changement de décor. Je fais des choses avec ma main. Je vais la faire en speed. Hein. Vraiment speed. Allez. Au revoir. On croit en toi. Ne nous déçois pas, s'il te plaît. Bienvenue. Ah, messagerie, on appelle ailleurs. Diantre. On n'abandonne pas. Calès. Oui, Erwan, t'as eu la bonne réponse. Voilà, tout à l'heure, là. Allez. Et les meufs et les keufs dans le heureux heureux. C'est pas rose, la bonne. Ah, ça décroche pas, là. Tintin. On rappelle ailleurs. Mais enfin. Ah, mais c'est normal, on appelle à 23h40, ça c'est logique. On n'appelle pas des hôtels. Bonjour, vous êtes. Bah, parce que se faire inviter chez un hôtel, excuse-moi, c'est un peu facile. C'est bonjour, vrai. Est-ce que je peux venir? Oui. Ah, c'est vrai. Attends, j'ai 30 000 euros. C'est voilà. Un peu con, hein. Parfois, je suis un peu con. Son petit côté nature. Attention. Allô? Allô? Hey, j'arrive avec la bouteille de vin tout de suite, on va fêter les vacances. Ça va, j'arrive, hein? Ouais, casse-toi, là. Ok, je comprends, je peux venir maintenant, alors. Qu'est-ce que tu dis, quoi? Bah, je peux venir tout de suite, hein. Ouais, viens. Super. Tu okay. Tournes les gens avec tes numéros privés, toi, pour tes... J'ai quoi, ouais. Attends, mais Patrick, pourquoi tu me parles comme ça? Ouais, allez. Mais allez quoi? Allez, les bleus. Et c'est gagné, ouais. Après 7 secondes. Je sais pas comment tu fais. Je suis mauvais à ce jeu d'habitude. Hein. Ouais. Mais je sais pas, aujourd'hui, je me sentais bien. Je sais pas, c'est la puissance. T'as de la chance, t'es tombé sur un mec qui s'occupait de son petit. Il en avait ras-le-bol. Il a dit ouais. Il a dit ouais, c'est ça, allez, viens, casse-toi. Il a répondu ouais, flemme. Ouais, vous pouvez m'acclamer sur le WhatsApp, oui. Ouais. Acclamé, merci. Tu vois que ça fait du bien d'être acclamé quand on gagne. C'est vrai, ça fait tu plaisir. Comprends. Je constate. Mon désarroi. Et merci Younes qui m'a dit GG Vince. Merci pour le good game là. Alors, victoire de Vince avec brio. Merci. Attends, on dit quoi? Bise en Vince. Attends, Vince la tête. Bise en Vince. Ça veut dire quoi? Attends, pas. T'as un bise, ça veut dire t'es un sale type. Ah bah c'est fort ça. T'es un bise. Merci, c'est gentil. Bravo Vince. Merci Billy, merci. Fiona, c'était grâce à toi. C'est parce que tu m'as mis la pêche. Oui. Eddie, attention, il peut gagner, Eddie. Hein. Ouais, mais t'as fait en 7 secondes, c'est ça? Ouais, 7 secondes. Du coup, je peux juste dire, je viens. Eddie dit oui, c'est bon. Tu vas venir en 7 secondes? Ouais, c'est parti. Mais bravo. Attention, c'est parti, on appelle. Merci Sébastien, c'est gentil. Allez, on appelle. Allez, Eddie, toute la Martinique derrière toi. Allez, vas-y. Un tout point tapitre. C'est un Guadeloupe. Il vient d'où dans les Antilles encore, Steph? Il avait dit Saint-Joseph, il a dit. Ah, okay. Des Martiniquins. Ouais. Mais allô? Oui. Oui, je viens. Vous venez où? Ben chez toi. Vite fait, là, vite, je viens. Oui, Aziz. Quoi? Hein? Il a dit oui. Je viens, mais je veux venir là. Mais t'as dit oui, non? Ouais, c'est ça. C'est ouais, vas-y, mais j'arrive. Allez, salut. Waouh, mesdames et messieurs. Voilà. Alors, la pression est montée. La pression est montée d'un cran. Bon baiser de fort de France. Attention, Steph et Fiona. Oui. Vous m'entendez bien? Oui. Fiona, faisait équipe avec moi. Pardon. Je précise que j'ai mis exactement 7 secondes. T'es sûr? Edith, ouais, 7 secondes. Edith, tu penses que t'as fait combien de secondes? Mais je crois que j'ai fait un petit peu plus quand même parce que j'ai dû répéter parce qu'il avait pas entendu. Enfin, il a dit tout ça. Il avait dit oui, mais je suis pas sûr. La première fois, il avait dit oui. Damn. Alors, je sais pas du tout, mais je crois que ça a dû faire 7 secondes aussi, un truc comme ça. 7 et demi. Moi, je dis 5. Moi, j'ai l'info. Moi, j'ai l'info sûre. Son. Moi, j'ai l'info sûre et certain. Ouais, mais il y a que toi qui l'as et c'est devant toi et personne ne voit. Ouais, moi, je la connais. C'est ma respiration, ça. Oh là. Incroyable. Eddie, ouais. Contre toute attente, alors que les pronostics avec 7 secondes te donnaient perdant. D'office perdant, ouais. Eh bien, figure-toi que tu es perdant. Oh avec Wiz du monde. Je déconne, t'as gagné, c'est 6 secondes. Non, non, non, passe pas dans l'ordre. Je déconne, il a gagné, vraiment, il a vraiment gagné. Oh, damn, j'ai fait 6 secondes. 6 secondes, mon pote. Mais c'était pas prévu pour une équipe d'entier, ça c'est sûr. 6 secondes, ça. Waouh. Hey, Steph. Moi qui a gagné pour où, Steph? Bravo, bravo, Steph. Moi qui a win. L'équipe de Big Up, ça arrive déjà. On te big up aussi, mon pote. Tiens, j'ai une musique pour toi. Alors j'étais dans le cliché, j'ai tapé musique martiniquaise, tu vois. Mais c'est de la musique martiniquaise, ça. Edwin, je peux pas envoyer une... Ah, Steph, ça s'entend que t'es de l'autre côté de la planète, on t'entend très très mal. Ah ouais, mais t'as fait, ouais, je suis de l'autre côté de la planète. Et t'as dit quoi, mon pote? Ouais, alors en fait, moi, je vais te dire, je m'appelle Feuille, en fait. Eh, hey, mais c'est toi qui m'as envoyé un message là tout à l'heure, là, pour dire que t'étais artiste. Il s'appelle Feuille. Donc je m'appelle F-E-U-Y 972. Feuille, exactement. Son jeu préféré c'est Pierre. Oui, mais complètement. Et est-ce qu'il filme les trois feuilles ou pas? Alors déjà, excuse-moi parce qu'on t'entend très mal, Steph, mais je sais que tu es chanteur. Tu m'as dit que tu faisais de la musique, c'est ça? Exact. Il faut, eh ben, tu sais quoi, parce que comme on t'entend pas bien, je voudrais que tu m'envoies sur WhatsApp une musique que tu fais. Et comme ça nous on peut la jouer tranquille. Ouais, y'a pas de soucis. Eh ben ça roule, on fait comme ça, mon pote. On fait comme ça, Steph. Ouais. Mais comment t'as. Mais dis-moi, comment t'as découvert. Attends, parce que le problème, c'est que le temps que Et c'est galère, le temps que l'information arrive jusqu'à lui, bah, tu vois, ça peut galère. Feuille, hein, c'est pour ça. Dis-moi, Steph, comment t'as découvert l'émission? J'ai découvert l'émission parce qu'en fait, je suis curieux. En fait, en tant qu'artiste antillais, je veux réussir dans l'international, en fait, musicalement parlant. Ouais. Et donc j'aime bien la Belgique depuis petit. Il n'y a pas que dans le foot aussi. J'aime bien la Belgique, j'aime bien voyager, j'aime ça. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas un jour voir la Belgique. Et j'ai dit, j'aurais aimé écouter un peu qu'est-ce qu'on écoute en Belgique. Et je suis tombé sur Énergie, hey, sur Instagram. Il est directement tombé Instagram. Sur nous. Bam. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. Ça fait plaisir en tout cas, Stéphane. Je te dis, reste avec nous, parce qu'on va essayer de voir pour tes sons là tout de suite. Et je te remercie, Fiona. Merci, Fiona, d'être passée à l'émission, ma chérie. Ouais, ouais. Allô. Oh, ma chérie, je te fais un gros bisou. T'as perdu. Bisous, bisous. Elle a perdu, mais c'est pas grave. Comme j'étais à une seconde près, on va aussi lui filer un cadeau quand même, de préférence. Bonne soirée. Ah, toi, contente. Bisous, bisous, bisous. Bisous à tout le monde. On arrive tout de suite sur Énergie, bougez pas. Vince, 21h, minuit, sur Énergie. Chaque matin, vous vous réveillez avec Énergie. C'est le 6-9. Dis-nous où tu es. Vas-y. Je suis incontinent. Enfin, ça ne nous regarde pas. Le 6-9 sur Énergie, demain. Demain, dès 6h. I have to try. I can feel it in my bones. There's no more life. Need to leave my comfort zone. Look in my eyes. If you don't turn to stone, I'd be surprised. But I can go on my own. It all started in November. We made it through the summer. You might get lost, but just remember, don't hold back. I sing this song for the moment. You better fly high, it's over. Come on, let the vibe make it stronger. Don't hold it back any longer. Sing this song for the moment. Tried and tried. No interest is shown, but I'm not the type to leave before the dawn. I sing this song for the moment. Interagis en direct avec Vince sur Énergie avec WhatsApp. On marre dans la maison. Et comme elle dit Lara, sur Énergie. Leslie est dans la maison. Johan est dans la maison. 04 92 222 002. 04 92 222 002. Hey, bienvenue à vous sur Énergie là. Et je commence à niquer le timing des pubs. Hein. Ah ouais, ouh. Cette pub que vous venez d'entendre là, je devais la balancer normalement. Bon, il y a 20 minutes. Ouais. Et c'est la première fois que je bug comme ça en plusieurs mois, c'est bon. Et tu vois, comme quoi je t'épaule bien. Ouais. La dernière fois, on a eu la visite de 4 mecs en costard quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Rappelle-toi. On peut bugger une fois, mais pas 15. Tu te souviens de ça? On peut bugger deux fois, mais pas 15. Pas 15. Allez, on peut passer Marshmallow plein de fois, ça c'est sûr. Happier. I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else. Well, it's eating me up inside. But we ran our course. We pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. Faire quoi ce soir? On va tout casser! Hey, on va tout casser! Hey, hey, on va tout brûler! On va peut-être pas, non? Tant qu'on est bien assuré. Vince, 21h minuit sur Énergie. Bienvenue à vous, peuple de Belgique, sur Énergie, 23h52 là. Et vous aurez eu beaucoup de pas beaucoup de pubs en une heure, mais beaucoup de pubs en quelques minutes en fait. Parce ouais. que je dois balancer le prochain écran dans quelques instants là. Mais pas tout de suite, tranquillement. On va d'abord récupérer Steph, on va voir si on peut récupérer Stéphane là, qui nous a appelé des Antilles, mais merveilleux quoi, de Martinique, de la Martinique. Allô Steph? Yeah. Hey, tu m'as envoyé des sons, je les ai là sur YouTube. On va écouter ce que ça donne ensemble, d'accord? Oui, ouais. Je vais passer le bridé. T'as fait un bridé là que t'as sorti il y a quoi, au mois d'août là? Bridé? Ouais, le bridé. Ouais, je le mets, t'inquiète, je le mets, on écoute. Dites-nous ce que vous en pensez sur le WhatsApp, les gars. Je veux votre avis. Ouais. Eh, je veux savoir ce que vous en pensez sur WhatsApp. Qui c'est, oui? F-E-U-Y. 30 minutes de folie. Galo, t'es qui un man bridé? Oh là là. Mais oui, de la jala bouffée. Donnez votre avis sur le WhatsApp 0492 222 002. Kalash est dans la maison. Rien à voir. Kalash, lève-moi comme ça. Et Robin, elle nous dit je kiffe. Et Robin, j'étais voir sa photo, ça se voit, c'est une fille qui a du goût. Maintenant, bon, chacun ses goûts, bien sûr. Il gère le frérot du bon son, c'est de Jem là. Du bon zouk. Que je ne veux pas t'offenser. Tu hey. T'aimes pas les bordels, si m'offenser. Hey. Avec la maille, y'a pas d'amour forcé. Je te dis, avec la maille, y'a pas d'amour forcé. Elle me donne des conseils. Elle me donne des conseils. Ok. Elle me dit, travail, il faut bosser. Fumer et puis coller, il faut y renoncer. Fumer et puis coller, il faut y renoncer. Voir l'image de ton signe astrologique, continue à avancer. Pouh, hey, hein? Fort. Il faut savoir faire des sacrifices pour atteindre les sommets. Atteindre les sommets. Me underwater like a cartel. Où que fini éclaboussé? Où que fini éclaboussé? Bébé, où ça te fait bien que où jamais tes colliers abolis? Oh, où on me sait pour ça en poser? Galo, t'es qui un man bridé, moi. Mais oui, de la jala bouffée. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, Steph. Hey, respect, mon pote. Ah ouais, respect, ouais. Est-ce qu'on a encore. On a perdu Steph dans le standard, merde. On le rappelle en direct. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est. Enfin, j'espère qu'il a entendu en antenne parce qu'on a passé. Bah, on le rappelle. Ok, très bien. On rappelle la matinique. Il est super, ce gars. Eh, mais c'est fort. Je vais lire tous les messages qu'il m'a envoyé. Ça va lui donner de la force. C'est un jeune artiste, là. Il a 3000, 4000 vues comme ça sur YouTube. C'est vraiment cool. Allez voir sur YouTube, c'est F-E-U-Y. F-E-U-Y. F-E-U-Y. 972. J'aime bien quand il. Monsieur Germani Stéphane. Ah, dommage, on l'a perdu, oh, Steph. Dommage. Ah là là, là là, c'est dommage. Non, mais franchement, vraiment cool, quoi. J'aime bien comment ils toastent. F-E-U-Y, les amis. Allez mater ça sur, sur YouTube et tout. Vraiment, c'est sympa. Alors, je vais lire un peu les messages. Ça tue sa mère. Je pense que je l'ai déjà vu là-bas. Erwan qui a envoyé le message. Ah non, c'est pour Thibaut. Je l'ai déjà vu à deux sneakers. Ouais, il est souvent là-bas. Il arrête pas de gratter Alexis pour un job. Vince, trop fort le son, là. Il est vraiment bien. Ça tue sa mère. Je te taquine, Thibaut. Robin, fais-moi un petit Robin est dans la maison avant que je commence à étudier, là. Je kiffe. Robin est dans la maison. Oh yeah, ça claque, a été envoyé là, trop bien la Zikmu. On adore, merci de nous faire découvrir. Un petit message, une petite note vocale aussi là. Bonne tuerie. Ah, j'ai pas compris, attends, je remets. Ah, c'est de la bonne tuerie. Bien, cool ça. Ouais. Vince, que je peux t'envoyer ma dernière musique aussi si tu veux, pas de problème, Davy, vas-y, fais-toi plaisir. Vraiment frais le son, trop frais, trop bien, il gère grave, c'est quoi sur YouTube F-E-U-Y, allez checker ça là. Franchement, c'est cool, c'est quoi le titre? Ben, c'était Bridé que j'ai mis. J'ai mis Bridé. Je vais souquer, mais sale. Je vais souquer des mecs sales sur ce son au nouvel an là. John, fais-toi plaisir. Martinique vie, ça déchire, c'est excellent, j'adore. Lourd le son, j'ai des avis positifs. Très chouette, c'est incroyable. Très chouette. Ouais, cool. Génial, continue comme ça. Bah, si jamais vous êtes dans la musique et tout, vous voulez qu'on passe 2-3 trucs, on peut se faire plaisir. Hein. On peut pas tout passer en entier, mais en tout cas, on se fait plaisir de vous passer. Yeah. Si on peut vous donner un peu de force, on essaye de faire un maximum. Quoi. Ouah, trop génial la musique, ça donne envie de fumer du THC à mort, quoi. Et bien sûr, Damien dans le cliché, hein, comme putain, d'hab. Putain, hein. Il est constipé. Bah bien sûr, c'est pour ça qu'il fait le jeu du cul. À la vérité, à terrible disco. Terrible disco, il a dit. Excellent, ça. Bon, les gars, on a Benjamin qui est là. Salut, Benja. Ouais, salut. Benja est dans la maison. Présent sur Énergie. Alors, Benja, mon pote. Ah là là. Ouais, elle ne répond plus. Elle ne répond plus. Benja, il devait passer pour faire le check pas ton snap ce soir et ta copine, elle dort, en fait. Ouais, elle s'est endormie, chacun. T'inquiète, mon pote, c'est pas grave, y a pas de problème, on rappellera demain. Y a pas de souci, voilà. Aucun souci, Benjamin, franchement, t'inquiète ouais, pas. Ça va, tranquille. C'est la vie de la radio, c'est real, c'est vrai. C'est la force du direct. Voilà, exactement. C'est tout. On peut pas. J'ai envie de rester réveillé, mais. Ouais, mais bon, voilà. J'adore, putain, vous me maltraitant, se réveiller, je veux pas que tu dormes. Mais laisse-moi, mais pourquoi? Mais pourquoi? Je comprends pas. Laisse-moi. Parce que j'ai prévu de t'envoyer un nude avec le prénom de mon ex, tiens. Et on te salue en tout cas, Benjamin, on se rappelle ça demain, on refait demain, ça va? Ça va, tranquille, pas de soucis. Tu la chauffes toute la journée, hein. Tu lui dis, ouais, ce soir je dois t'appeler, peut-être pas t'appeler, mais. Un truc important à dire. Dis-lui, ouais, peut-être qu'il y a des trucs importants à dire, et puis tu fais pas exprès, t'envoies le snap et tout, quoi, ça va? Ça va, tranquille. Allez, ciao, Benja. Vas-y, ciao. A plus, au revoir. Au revoir, Benja, au revoir. Allez, les amis, on va se faire le jus du cul ce soir. Ah, cool. J'adore. Lara, la PLS. Ouais. Oh yeah. Lara, la PLS-rie totale. Je comprends pas. Ça me fait bugger mes entrailles, quoi. Ouais. Lara, c'est un jeu qu'elle déteste. Faudrait une musique. Hey, bienvenue, Basic Fit. Ouais, c'est vraiment ça. On a beaucoup de parlé d'eux ce soir. Il y a le cours du Body Pump à 9h30. Ouais. Pour le cours de yoga avec Karim, c'est à 10h15. C'est mignon. Ok. Pour le cours de twerk. Fiona. Tu lis. J'ai un message de Julien. Tu lis jamais mes messages. Une nano passe pas dans la radio. Désolé mon pote, parce que le pire c'est que il écoute depuis très longtemps, mais Julien, voilà, je viens de lire ton message, mais vraiment désolé pour tout ce que t'as envoyé avant que j'ai pas pu lire. J'en rate beaucoup là, j'essaie de faire au mieux, crois-moi. C'est dans la maison. Il y en a plein qui renvoient des trucs. Envoie un message là. Wesh, désolé, excusez-moi, je remercie toute l'équipe Énergie. Feuille des Antilles, Mardinina, Martinique, comme vous savez déjà, Belgique, WhatsApp, Vince est dans la maison, tu sais déjà, big up, et puis merci pour la force, et s'il y a un autre jeu, un autre jour, t'as la possibilité de m'inviter, eh ben, ça serait avec plaisir, eh ben, je vais répondre et je serai présent, okay. Tu sais déjà, alors big up, tu sais déjà, feuille. Eh, trop fort, on dirait qu'il y a Julien Tourette. Merci mon pote, franchement, merci, ce que tu fais, c'est vraiment cool. Quelqu'un m'a envoyé, il est minuit. Bah oui. Ah bah oui, super. Ouais. En fait, notre émission est finie. Ouais, ça veut dire quoi, minuit? Vince est sur Énergie tous les soirs jusqu'à minuit. Enfin, en principe, hein, parce qu'il ne finit jamais à l'heure. Hey Vince, Il est minuit. On s'en branle, faut Richard. Faut rendre l'antenne. On s'en branle, Richard. Again. Ouais. Vince. Va faire le génie d'Aladin, Richard. Vince. Again. Me parle pas. Ah bah, je crois que je parle dans le vent, là. Eh ouais. C'est bon, Vince. Tu peux terminer quand tu veux. Ouais. Vince, tous les soirs de 21h à... Je sais pas quelle heure, sur Énergie. Et si t'es ici, c'est parce que tu sais qu'ici, on s'emmerde pas. Bienvenue à toi sur Énergie, minuit pile poil. Yeah. Et là, c'est la partie bordélique de l'émission. Alors là, on s'en bat les couilles. Voilà, ça c'est la partie rien à voir. Là, il n'y a plus de limite, il n'y a rien. Là, on peut faire ce qu'on veut. Là, ouais. Ça va loin. Et on va se faire le jus du cul, qui est un jeu qui m'a été très gentiment envoyé par jus du cul, ceux qui ont créé le jeu. C'est une bande de deux gars là en France. Avec les gilets jaunes, ils ont galéré pour me l'envoyer. Ça faisait un mois que je l'attendais. Oh my God. Et t'as vu, on a eu blindé. Hein. Voilà, et c'est arrivé. Le principe du jus du cul, en gros, c'est que je vais vous poser des questions. Il va falloir répondre en 8 secondes à ces questions-là. C'est pour un peu découvrir vos vraies personnalités. Parce que ouais. Quand tu dois répondre vite, généralement tu dis la première chose qui te passe par la tête et c'est ta vraie personnalité. Oh my God, mais en fait c'est pour ça. Et que en plus bug. De ça, oui. C'est les auditeurs qui choisissent si on reste dans la partie ou pas. C'est vrai, exactement. Et c'est drôle parce que Lara a dit, mais c'est pour ça que je bug. Mais c'est parce que Lara, quoi, t'as pas de personnalité ou t'en as trop? Mais non, justement, je veux pas dire ce que je pense. Bah voilà. Oh. Ça va falloir. Tu peux rater l'émission une fois, ce n'est pas grave. C'est pas 15. Tu peux rater l'émission deux fois, mais. Pas 15. Tu peux rater l'émission trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois. 10 fois, 11 fois, 12 fois, 13 fois, 14 fois. Pas 15. Vince, 21h minuit sur Énergie. Téléchargez maintenant l'application Énergie Belgique et retrouvez plus de 15 radios thématiques inspirées par vous. Énergie Latino, Énergie Hit 2000, Énergie Discover et beaucoup d'autres comme Énergie Rap FR. Tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Ce soir je me mets, mais là pourquoi je me fais? Si ma t'es fait des rêves bizarres, où tu changes de visage. Retrouvez tout l'univers Énergie Rap FR en non-stop et écoutez votre radio musicale thématique Énergie Rap FR sur l'appli Énergie Belgique et sur énergie.be. Before the sun goes down, we're afraid to admit it, but I know you know that we should've known better, but kept on trying it. And it's time that we see it, the fire's dying out. Can't believe that I see this, we're out of chances now. And I just want you to know that you and me, it was good. But I know I will make it out. Step by step I move on and get on with life. So I let go and I hope you'll be happy now. You and me, it was good but it wasn't right. And it'll be hard but I know I will make it out. Step by step I move on and get on with life. So I let go and I hope you'll be happy now. Yeah, I hope you'll be happy revient demain dès 21h. Voilà, bon, ok, bye bye. Sur Énergie. Sur Énergie. Quoi? Mais ça! Ah, j'ai sûr, ils ont flippé! Deuxième fois, je fais ce coup-là depuis que j'ai débuté l'émission. Là. Hey, oh. Hey, je suis sûr, vous avez flippé. Là. Genre, quoi non, Vince se casse? Mais pourquoi? Mais c'est pas juste! Mais non! Mais... Voilà. Merci, Vince, c'est le meilleur! Vince est sur énergie! Et dans la maison surtout. Merci Datsu là, qui m'a demandé la fréquence sur Bruxelles, 103.7 bien sûr. T'es bête qui m'a été envoyé là. Steven, il me dit quoi Steven? Vince, Union a gagné. Je sais. Rien que dans leur cul. Oui, effectivement, oh. Julien. Vince, je me suis dit que j'avais manqué un trick, j'ai pas compris. Je sais, j'aime bien mettre la pression comme ça. Damien. Lara, c'est pas gentil, j'irai pas me faire enculer. Toi, ouais, va te faire enculer, ouais. Parce que Lara a répondu, en fait, il y a Damien et son collègue, ils ont montré une photo, une vidéo bizarre. On voit rien. Mais c'était même pas pour lui. Un jour, voilà. on va les afficher, ces deux pauvres. Et Lara lui a répondu. Tiens, Lara, vas-y, parle-lui. Voilà ce qui se passe en antenne en fait. Ouais, parce qu'on peut vous répondre en note vocale. J'ai chanté cool. La chanson, c'est juste un concours de circonstances. C'est vrai, effectivement. Hey, Steven, qu'est-ce qui se passe? C'est bâtard, Vince, je viens de chier dans mon slip là. Ah, t'as flippé, hein, je sais. Bisous à Tania qui écoute depuis 21h. Tu nous laisses sur notre fin, sans mot de la fin, on reste sur notre fin. Joli, très joli jeu de mots. Effectivement, une petite note vocale encore. Vince, là. Si vous voulez des terribles tenders spanés, des escalopes. Pané, des wings, Fascon, KFC, oui. Des trucs de dingue à vous mettre sous la dent. Je vous l'apporte quand vous voulez, les gars. Viens maintenant. Viens. Ça vient de Bruxelles. Viens, chaussée de Louvain, c'est 175. Viens. Ah putain, mais c'est vrai, j'oubliais un truc. Quoi? Attends, il y a des auditeurs qui m'avaient envoyé un message parce qu'ils étaient devant Énergie là tout à l'heure, Nigel. On était en plein canular et du coup, j'ai complètement zappé. Sérieux? Ouais, si, je voulais te le dire et tout, mais on était en plein prank et tout. J'ai complètement zappé, j'avais oublié le truc. Eh, mais par contre, on a faim, donc tu peux ramener quand tu veux. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Non, ouais. On n'entendait pas les micros. Ah bah attendez, est-ce qu'on entend Thibaut et Eddy, les gars? 1-2, test. Voilà. C'est bon. Eh ben formidable. On va jouer tout de suite au jus du cul parce que Eddy et Thibaut sont déplacés puisque leur micro standard fonctionne pas. Hein. Vince, tu m'as fait peur. Je me suis dit quoi déjà que hier. Déjà, j'ai triste que j'ai pas pu vous écouter. Ben heureusement que t'es là ce soir, Alizé. Et bisous à Paul qui est là aussi. Bon, attention, la team. On va jouer au jus du cul. Oh yeah. Le jeu qui va révéler les vraies personnalités. À la fin du tour, les auditeurs, vous choisissez qui est éliminé. On a 8 secondes pour répondre. Bon. Exactement. Vous êtes prêts? Ouais. Attention. J'ai dit ouais, mais... Il faut répondre rapidement. On va commencer avec Nigel. Nigel, trouve 2 cadeaux à ne pas offrir à ton père à Noël. Une femme et un enfant battu. Oh my god. Oh le fou. Ok, très bien. On en parle. Je suis pas là, je suis sur LSD. C'est pas mal. Bon, maintenant, attention, est-ce que je reprends la... Est-ce que je change de carte, non? C'est ouais, plus drôle. Ouais, je change de carte. Ouais, ben, oui. Voilà. Alors, Thibaut. Ouais. C'est vraiment pas de bol. Oh, Thibaut, cite 3 choses où la taille compte. La bite, mes doigts, mes cheveux. Pauvre Thibaut qui est petit en plus. Oh là là. Tout mignon. Ouais, ouais, il a fait exprès. Pas du tout, pas du tout. Je suis vraiment tombé sur celui-là à ce moment-là. Lara. Oui. Merde. Cite 3 endroits où jeter un préservatif. Une école. l'évier de ma mère. Et puis la bouche de mon copain. Oh oh, j'aime bien. Hey, jolie. Tu vois Lara, tu peux le faire. Tu, m'as dit, tu m'as dit qu'il fallait révéler sa vraie personnalité, ça m'a aidé en fait. Et bah ben, en parlant d'aider, voici Eddy, t'es prêt Eddy? Ouais, okay. C'est con. Quelle transition. C'est Eddy. Incroyable. Eddy. T'es prêt? Ouais, elle va faire la musique là. Cite 3 raisons pour ne pas porter de culotte. Parce que tu vas te faire baiser, parce que tu dois aller à l'école et parce que tu vas te faire marier. T'aimerais bien que tout le monde voit ton cul. Joli, joli. Joli, joli. C'est hyper fort la musique, c'est abusé. Je crois que t'entends pas. On est sourds. Tout à l'heure, j'ai dit, on est sourds. Alors, les gars, vous choisissez qui est éliminé par rapport aux propositions qui ont été faites autour de cette table. Vous choisissez. Vous choisissez, vous éliminez Nigel. Qui était drôle, hein. Ouais. Thibaut, Lara ou Eddy, qui est-ce que vous éliminez? 0492 222 002. Attention, excellent. J'attends que les propositions arrivent. Alors, oh, petit message de Fiona, vite fait. Je le joue. Alex est dans la maison. Et il y a que des transsexuels qui s'y passent. je m'y attendais pas. Non, genre, à mon avis, Alex qui accompagne Fiona et qui utilise le téléphone. Alors, pour l'instant, la proposition d'élimination. Attends, quoi d'autre, hein. Pour Nigel. Non. Élimination, c'est triste, mais de Thibaut ce soir. Ça m'étonne pas. Thibaut, c'est toi qui es éliminé. Ça m'étonne pas, c'est pas grave. Donc, attention, il faut pas voter pour celui que vous préférez. Il faut... J'adore parce que quelqu'un m'a écrit Leroux. Tu vois. Oh, c'est le pauvre Thibaut qui est éliminé.